Voilà, vous êtes bien sur le débat sur la caserne de Tepa. Je répète que pour les gens qui nous écoutent en ce moment, il est trop tard pour venir s'inscrire à participer au débat. Vous pouvez seulement écouter puisqu'il faut se faire valider à l'avance. En tout cas, merci à tous les participants qui sont là. Comme je disais, on est relativement nombreux, donc on va vous demander de respecter les règles et d'être suffisamment disciplinés pour que ce soit pas cacophonique pour les gens qui nous écoutent. Et je tiens à vous rappeler que ce débat est en direct en ce moment sur YouTube et a vocation à être évidemment publié sur ma chaîne ensuite. Donc, nous vous demandons de faire attention à ce que vous dites, évidemment, au niveau des propos qui seront tenus par rapport à la loi, mais aussi par rapport à vos propos, pour pas nous demander ensuite de retirer des propos, parce qu'on les retirera pas. Voilà, merci. Et je vais laisser la parole ensuite à l'asso, de façon à ce qu'il puisse vous présenter les termes de ce débat et vous donner la parole ensuite. Merci. À toi, l'asso. Merci, Tepa. Merci, bienvenue à tout le monde. C'est vrai que vous êtes très nombreux et merci Tepa de nous prêter l'antenne pour ce débat. Donc bienvenue encore une fois à tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir autant et aussi nombreux. Donc prêts, j'imagine, toutes prêtes et prêtes à échanger et pas rester reclus et seuls dans vos convictions sans vouloir les confronter aux autres. Donc c'est un plaisir. D'abord, je vous rends hommage pour ça, en fait. Donc voilà. Ensuite, je trouve ça assez fou que autant de personnes souhaitent participer à un débat sur les courants marins dans le Pacifique. C'est vrai que c'est pas commun, parce que je vous rappelle que c'est pour ce sujet que vous êtes là. Je déconne, évidemment c'est pas du tout pour ce sujet qu'on est là, et justement c'est un sujet assez sensible qu'on va aborder ce soir. Mais avant toute chose, avant de vous présenter le sujet, il faut que je vous prévienne et je vous rappelle de bien désactiver votre micro si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Donc si vous ne souhaitez pas qu'on vous donne la parole, je vous invite à couper tout de suite votre micro dans un premier temps. Après, si vous souhaitez la prendre au cours du débat, n'hésitez pas à le réactiver pour qu'on vous donne la parole. Mais pour faciliter les échanges et les tours de parole, coupez votre micro si vous ne voulez pas tout de suite vous exprimer. Ensuite, pour ce qui est du textuel, si vous voulez échanger par chat écrit, je vous invite à utiliser le salon qui est fait pour, qui s'appelle Débat, donc salon débat, d'accord ? Donc pour tout ce qui sera en rapport avec notre discussion. Et évidemment, comme Tepa le rappelait, vu qu'on est hyper nombreux, à vous respecter en évitant de couper la parole au maximum. Et sachez que vous pouvez toujours demander par écrit, donc sur le salon en question, le salon dédié, qu'on vous donne la parole. Donc là, je pense que pour les règles, tout est clair et établi. J'espère que ça vous convient. Donc encore une fois, par écrit, n'hésitez pas à demander. Voilà, donc voilà pour le cadre. Donc on va se lancer tout de suite dans le sujet. Comme je le disais, donc sujet hautement sensible, surtout pour celles et ceux des moins aguerris, je dirais. Et puis disons-le, d'une façon générale, en France, objectivement, c'est même un sujet peut-être tabou. Et justement l'occasion de se demander pourquoi. Donc l'intitulé du débat, c'est donc par écrit, ouais, si vous voulez, et coupez votre micro, je rappelle, coupez votre micro parce que là on entend tout ce que vous dites à l'antenne. Donc coupez bien votre micro et par écrit si vous voulez demander la parole. Donc je précise l'intitulé du débat, c'est donc France et Islam, un mariage impossible. Voilà le titre de cette discussion. Et autour de cette question, on abordera certainement plusieurs thèmes, entre autres histoire, sociologie, culture, religion, politique, géopolitique, etc. etc. Voilà, donc évidemment, je vous invite à vous exprimer dans le calme, à ne pas perdre votre sang-froid, pour garder une bonne tenue du débat. Et ce sera plus agréable pour tout le monde. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, comme d'habitude, moi, je vous propose de faire un premier tour de table en vous demandant ce que vous pensez de la question principale, en fait, à savoir si l'islam est une religion qui a sa place en France et si les musulmans sauraient, disons, s'adapter au contexte socio-culturel français. Voilà pour la base. Et commencer avec un premier tour de parole sur cette question-là, ça permettra de voilà décanter un petit peu tout ça. Et donc bah tout de suite sans plus attendre, la prochaine personne dans la liste, c'est El Fachomino. Si t'es parmi nous, est-ce que tu veux bien prendre la parole sur le sujet? Oui, bien sûr. Alors, on t'écoute. Donc, la question, c'est bien l'islam et la France à mariage impossible? Donc, je pense que oui, parce que l'islam ne reconnaît pas beaucoup de choses que la France a. Elle ne reconnaît pas les États. Et depuis 1700, je ne sais combien, je suis désolé pour les plus pointilleux sur les dates, on est devenu une république laïque, donc de base, les religions, ça n'a pas trop leur grande, enfin, leur, ça n'a pas trop d'intérêt, de grand intérêt au sein de la France. Merci. Voilà. Merci Fachomino. On va poursuivre. C'est un premier tour de parole. Donc, bah, n'hésitez pas, si vous voulez, en dire un peu plus ou être bref, vraiment comme vous souhaitez. Fleurette, c'est toi à la suite. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai plutôt l'impression que la religion catholique n'a déjà pas été compatible avec ce qu'est la France aujourd'hui. Donc, je vois pas comment l'islam pourrait faire mieux, quoi. Ah, bah écoute, on y reviendra certainement. Ensuite, on a Gobio. Salut. Bonjour à tous. Alors, bah, je vais mettre les pieds dans le plat directement. On va pas tergiverser ni faire des logorées verbales interminables. En fait, il y a une incompatibilité directe parce que déjà, je trouve qu'il y a un souci dans le postulat de départ, c'est-à-dire le mot religion. Si on étudie un petit peu l'islam, qu'est-ce que c'est ? On remarque, alors c'est pas une critique positive ou négative, hein, c'est un constat, c'est quelque chose qui est culturel, qui est économique, qui est judiciaire, qui est religieux, par la même occasion. C'est un mode de vie, un mode de pensée en fait. Donc on peut pas l'intégrer comme ça, c'est pas un choc au niveau une religion qui essaye de s'intégrer dans la civilisation occidentale, ici notamment française, c'est carrément un choc de civilisation tout court en fait. Je trouve que... on ne peut pas réduire l'islam à une religion. C'est trop caricatural et c'est trop facile. Et je pense que c'est le piège qu'on essaye de poser. Voilà. D'accord, merci Gobé. Donc pour toi, ça englobe bien plus que ça. Tout à fait. Okay. Merci. Du coup, on a Harmonique ensuite. Oui, Harmonique, bonsoir. Salut. Alors pour moi, c'est très simple. C'est une religion adamique, tout comme le christianisme et le judaïsme. Mais il y aura un islam en France s'il y a un lien avec le confort de vie, tout simplement. C'est que l'islam des tribus berbères ou saoudes ne sera pas le même qu'en France, et ça va créer pour moi vraiment un choc des civilisations, dans le sens où moi, en tant que français entre guillemets de souche, il y a eu pendant des siècles et des millénaires des métissages entre plutôt européens ou même européens du Sud. Et là, c'est vraiment une autre mentalité. C'est une mentalité pour moi qui est purement sémitique et j'ose dire yaviste. Et que ça sera pas sans classe. Je pense qu'il y aura du bon dedans, mais ça va secouer, vraiment. Merci. Bah, merci à toi, Harmonique. Alors ensuite, on a Karasmatouf. Salam alaikum tout le monde, bonsoir à tous, shalom. Faut distinguer l'islam et les musulmans. Alors bien sûr que les musulmans peuvent s'intégrer dans la République ou dans la France, pour ceux qui n'aiment pas le terme républicain, à partir du moment où ils en comprennent l'essence et qu'ils en respectent les règles. Simplement, comme on a découvert après les guerres de religion en France entre les protestants et les catholiques, deux religions en France égale, ou dans un pays égale deux peuples. Et c'est le problème qui en découle, que ce soit pour la France ou dans tous les autres pays. Un régime fort fondé sur le respect des lois, peut intégrer beaucoup de religions ou beaucoup de communautés. Maintenant, le concept républicain assimilationniste demanderait aux musulmans de se départir de certains aspects de leur religion ou alors le fait d'intégrer l'islam en France demanderait à la République de faire fi de certains de ses principes, par exemple l'égalité homme-femme, ou même la charia, certains aspects de la charia. Voilà, donc mariage ou difficile et à commandement qui pourrait devenir déraisonnable. Merci. Merci à toi. Ensuite, on a la nature. Bonsoir. Ben moi, enfin, je vais exprimer un point de vue un peu léger peut-être. C'est que moi, ce que je constate, c'est que on parle des musulmans comme, enfin, de l'islam, on parle. Comment dire, il y a beaucoup de pécheurs en islam. C'est-à-dire que les croyants vraiment, vraiment très croyants, ils ont pas forcément pignon sur rue, et la plupart des musulmans qu'on côtoie restent des pécheurs, comme les catholiques sont des pécheurs. Il y a pas vraiment de musulmans vraiment musulmans en fait. Alors dire que l'islam c'est un mariage impossible ou possible, moi j'ai envie de dire, est-ce que les musulmans sont prêts à vraiment devenir musulmans, quoi? Et pas rester de simples pécheurs comme on peut le constater vis-à-vis des chrétiens, quoi, des catholiques. Merci à toi, la nature. Ensuite, on a l'historien. Ouais, bonsoir. Bah moi, personnellement, si on fait de l'histoire, on se poserait pas la question si on était dans un pays où la religion d'État serait le catholicisme. L'islam, bah du coup, on se poserait pas toutes ces questions-là. Malheureusement, on vit dans une république depuis 1789, on a coupé la tête du roi, et donc l'antichristianisme a découlé sur ce qu'on donne maintenant, c'est que les musulmans, l'islam, avec leurs grands frères, le judaïsme talmudique, qui est un peu le bras armé, enfin pour moi c'est un peu la même chose. Comment dire, c'est très bien utiliser les lois de la fameuse laïcité de 1905, qui est une loi anti-catholique et anti-française. Pour moi, voilà, enfin, quand on est français, on se dit français, soit on est chrétien, ou on est de racine chrétienne. Voilà. Ben, quelqu'un qui est français, mais qui est athée, ou, enfin, je sais pas, pour moi, c'est du gauchisme mental. Voilà, tout simplement. Après, je suis peut-être un petit peu radical dans mes propos, mais ça, c'est mon point de vue. Et donc, l'islam, pour moi, en tant que religion, elle ne sera, déjà, on peut pas assimiler tous les gens qui sont en France, ça, c'est pas possible. Donc, on ne pourra assimiler l'islam que lorsque la France deviendra catholique, et vraiment catholique. Tout simplement. Merci, Histoire. On y reviendra certainement. Ensuite, on a Paturin. Ouais, salut à tous. Alors, au risque de répéter ce qui a déjà été dit, moi, je ressens que ça ne colle tout simplement pas, en fait. C'est-à-dire de manière instinctive, avec une partie de la population qui rejette, directement. Je parle des Gaulois, et puis une autre partie de la population qui se replie sur elle-même, qui s'organise entre elles. Donc une division de la population, ce qui n'amène rien de très bon, forcément. Et à cela, tout ce qu'on nous apporte comme solution, en fait, enfin ce que la République nous apporte, c'est en fait un espèce d'islam complètement dénaturé. C'est en fait un espèce de mouvement de mode. C'est-à-dire, bon, la djellaba, la Nike Air, c'est quoi ton... Il y a quoi sur ton smartphone? C'est quoi ta religion? On voit pas mal ça dans les collèges, quoi. C'est un mouvement de mode. Donc, un islam dénaturé avec une république, une nation dénaturée aussi. Donc, de la division et de la perte de cohérence dans tous les sens. Hein. Puis, bon, on reviendra là-dessus, quoi. Merci à toi, Paturin. Ensuite, on a Case. Oui, vous m'entendez? Allô. Oui, on t'entend, Kess, on t'entend. C'est un récompense, bonsoir à tout le monde. Donc, effectivement, je voulais intervenir par rapport au débat, étant moi-même un musulman, et est-ce que je serais qualifié selon l'Occident de musulman, on va dire, fondamentaliste islamiste. Je dirais qu'effectivement, intrinsèquement, l'islam et la République n'est pas compatible, puisque islamiquement parlant, au niveau des textes scripturaires, la seule législation qui est légiférée, c'est celle de Dieu. Donc tout ce qui est laïcité, démocratie, bien évidemment, c'est un oxymore, hein, par rapport à l'islam. Et quelqu'un qui vous dirait je suis musulman laïque ou musulman démocrate, c'est tout simplement un oxymore. Donc je pense que je vais rester assez bref comme présentation. Et peut-être on développera un peu plus par la suite. Merci beaucoup à toi. Ensuite, on a Takasan. Bonsoir. Oui, je vais faire un dérodite, mais effectivement, je pense que non seulement l'islam est incompatible avec la France, mais elle est incompatible avec l'ensemble de la culture occidentale dans sa globalité, de la culture européenne, comme vous voulez, européenne / occidentale. Parce que effectivement, l'islam, comme ça a été dit, n'est pas que une religion. C'est aussi un système de valeurs ou de pensée, on va dire, dans lequel il est impossible de séparer la laïcité, le laïc en tout cas, du sacré et la religion du politique. Maintenant, bon, j'ai vu que notre cher président veut réformer l'islam, ce qui me fait beaucoup rire, ce qui déjà peut-être est en c'est bien parce qu'en soi, c'est quelque part un aveu d'échec, parce que c'est reconnaître que quand on demande un islam compatible avec la République, c'est déjà reconnaître que c'est pas le cas actuellement. Je sais pas, c'est peut-être bon signe. Donc je suis circonspect sur la volonté de notre cher président de vouloir réformer l'islam. Merci à toi, Takasan. Alors avant de compléter le tour, on a Dol. Oui, bonsoir les amis. Alors moi, je vais être un petit peu long parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire sur le sujet, à savoir si l'islam est compatible avec la France. Moi, je pense qu'il y a deux écoles sur la question, une passée et une présente. On va dire, avant, l'islam, au travers des musulmans sur le sol français, ne posait pas de problème. D'abord parce qu'ils avaient un lien avec les harkis durant la guerre, on avait un besoin en ouvriers notamment, et certaines choses qui font que... ils étaient là et ça se passait très bien. Ensuite, malgré tout, la France restait pérenne dans l'application de ses us et coutumes très majoritairement issus du catholicisme. Et cela, les musulmans ne le remettaient pas en question d'une part et ne cherchaient pas à imposer les leurs, d'us et coutumes d'autre part. Ils vivaient simplement selon leurs us et coutumes à eux dans le cadre de leur vie privée entre les murs de chez eux. Et dans ce cadre-là, l'islam était parfaitement compatible avec la France et ça se passait très bien parce qu'il y avait une reconnaissance, un respect et un besoin mutuel dans un vivre ensemble civique fait de compromis raisonnables, si vous voulez. Donc pour moi, la première école qui est donc celle-ci tend à dire que oui, le mariage est possible et il a été fut un temps. La deuxième école, qui tend à dire que non, est beaucoup plus actuelle. Il y a désormais un conflit frontal entre l'islam et la France qui provient de plusieurs facteurs, dont quatre principaux que je voudrais développer selon moi. La méconnaissance et le rejet absolu, voire majociste de l'histoire de la France par les Français. Attendez, je me suis un petit peu perdu. Voilà. Le premier facteur, c'est l'abandon quasi total de la France de ses propres valeurs et de ses coutumes catholiques, entre autres. Et donc, je disais, la méconnaissance et le rejet absolu, voire majociste de son histoire. Une histoire mensongère, par ailleurs, qu'on lui enseigne désormais avec des interprétations au mieux douteuses, au pire fallacieuses. Le deuxième facteur, ce sont les losers de deuxième et troisième génération de descendants de musulmans, surtout algériens, qui, comme ils ont réussi à rien et dans rien, se rabâchent sans cesse que c'est la faute de la France s'ils en sont là. Ils nourrissent leur haine, injustement, il faut le souligner, de la colonisation française et de la guerre d'Algérie. Je dis les losers parce que jamais vous entendrez un Français d'origine et de culture musulmane devenu avocat ou docteur ou ingénieur vous sortir le refrain de la colonisation et de la guerre d'Algérie. C'est vraiment les déchets sociaux du plus bas niveau qui vous rabâchent sans cesse ces choses-là. Et s'ils connaissaient bien l'histoire, la France arrive en Algérie, il n'y a pas d'Algérie, il y a des pirates, il y a quelques berbères, il y a trois bédouins, le Sahara est marocain, et les Turcs maravent leur daronne bien comme il faut. Donc c'est la France qui crée l'Algérie, il faut se renseigner, il faut savoir. Le troisième facteur, c'est la justice française. Il y a un laxisme aberrant et criminel de la justice française envers la délinquance des plus mineurs aux plus graves, commis spécifiquement par des Français d'origine étrangère. Et ça, il faut le dénoncer, mais il va aussi un jour falloir choper les juges et leur mettre la pression populaire pour leur faire sentir que les accidents, ça peut malheureusement arriver aussi à leur famille. Parce qu'il est inacceptable de voir des multi-récidivistes en liberté, surtout quand ce sont des récidivistes, de grande criminalité, parce que ce sont les nôtres qui en souffrent, voire qui en crèvent. Et si ces juges ont des filles, ils seraient vraiment malheureux qu'elles se retrouvent dans des caves du 93 à se faire gangbang contre leur volonté. Donc ce serait bien un jour qu'on fasse aussi comprendre aux juges que maintenant il y en a marre, que la loi il faut l'appliquer, et que quand c'est des personnes d'origine étrangère qui commettent des actes de ce genre sur notre territoire, laisser passer, ce n'est plus possible. Et enfin, selon moi, il y a un dernier facteur, mais là c'est moins factuel et c'est plus mon opinion d'après ce que j'observe. C'est la stratégie d'un peuple élu norvégien, on va dire, qui aurait un projet d'un certain pays artificiel comme grande capitale d'un nouveau monde sous leur domination, et qui pour cela utilise le projet d'extension de l'islam, puisque vous savez que l'islam a pour projet de s'extendre jusqu'à ce que le monde entier soit islamique, pour jeter des idiots utiles musulmans contre d'autres civilisations, tout en tenant le pouvoir médiatique et donc politique français en laisse, pendant qu'ils massacrent de l'autre côté sereinement le peuple palestinien, pour que les musulmans idiots utiles puissent se lâcher sur un pays pieds et poings liés comme la France par ses institutions parasitées, et qu'il n'y a que les demeurés musulmans sans honneur pour ne pas se rendre compte que c'est bizarrement trop facile, et que cette facilité cache en réalité un projet où à la fin il ne leur reste que la honte et la défaite face à ceux qui les utilisent contre nous en premier lieu, et cela, si tu veux, tant qu'on leur enfoncera pas la rétine contre leur lobe pariétal avec nos pouces, ils le verront pas. C'est-à-dire qu'on a affaire à un tel niveau de médiocrité chez ces individus belliqueux et incivilisés que si on continue à chercher à argumenter avec eux au lieu de les tenir en respect par la seule chose qu'ils comprennent, c'est-à-dire une violence inouïe, ils vont continuer de tout saccager dans l'impunité. Il y a encore beaucoup de choses que je voudrais dire, mais bon, je vais pas tout dire, j'en garde un peu sous le coude et puis je veux aussi vous laisser parler. C'est gentil. Surtout que connaissant certains d'entre vous, je pense que ce sera dit tôt ou tard dans le débat. Je vais donc conclure ainsi pour le moment. Le mariage entre l'islam et la France est-il possible? Oui, il l'était, et c'est pour ça qu'il a déjà lieu par le passé. Mais aujourd'hui, nous avons entamé l'histoire de son divorce, je pense. Merci Dol, c'était assez mais merci en tout cas. Véronique, si tu souhaites dire un mot. Ben moi, après tout ce qui a été dit, je suis sans voix. En tous les cas, moi je pense exactement comme mes prédécesseurs là qui ont parlé en direct. Il ne s'agit pas seulement d'une religion, mais il s'agit également d'un projet politique qui est totalement à l'opposé de ce qu'est la République française et tout ce qui représente la culture française. L'islam est un mode de fonctionnement qui nous est totalement étranger, qui est absolument en confrontation directe avec l'Occident dans lequel nous avons vécu et où nos ancêtres ont vécu. Je vais pas donner des exemples précis, mais de plus en plus, c'est de l'entrisme, c'est le halal à l'école, c'est les mosquées, c'est les piscines avec les hommes et les femmes séparés. Enfin, il y a tellement de nombreux éléments qui nous prouvent qu'en fait, cet entrisme, c'est pour imposer une politique et un islam de France, entre guillemets. Parce que pour moi, l'islam de France, il n'y a pas d'islam de France, c'est l'islam tout court, avec tout ce que ça représente. Et c'est un choc frontal avec notre mode de fonctionnement, notre façon de penser, notre culture, et c'est absolument impossible. Donc, de toute façon, ça ira automatiquement à la confrontation. Voilà ce que je pense. Merci à toi, Véronique. Je rappelle qu'on fait juste un premier tour de table sur la question principale, donc à savoir le mariage possible ou impossible entre la France et l'islam. Et je vois que certains micros sont ouverts, donc je vais peut-être donner la parole à Président, s'il est là. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, vas-y, on t'entend très bien. Oui, alors moi, je pense que de facto, l'islam a sa place en France parce qu'on va pas renvoyer 11 millions de personnes chez eux dans un premier temps. Et je pense que ce serait possible d'avoir un islam en France avec un régime fort, comme un petit peu le modèle russe, quand on voit ce que fait Poutine avec, par exemple, la Tchétchénie. Donc de toute manière, nous serons obligés de parler avec ces gens-là et imposer un régime. Du moins, ça passera par un régime fort et pourquoi pas redéclarer la religion catholique comme religion de France, avec des minorités religieuses à côté. Mais de facto, nous sommes obligés de faire avec ces gens-là parce que nous ne pouvons pas renvoyer 11 millions de personnes chez eux. Et ça en passera par là, parce que de toute manière, la reconquista à coup de Kalachnikov, ce sera vraiment impossible. Et donc, de toute manière, il y a des gens intelligents dans les deux camps, et ça passe aussi par l'éducation. Et une éducation nationale complètement révisée. Voilà. Merci beaucoup, Président. Il y a encore deux personnes juste avant de finir le tour de table. On a Silas tout en haut, si tu es là. Ouais. Salut, allez. Et salut tout le monde. Merci pour ces points de vue fort intéressants. Je ne voudrais pas du tout éloigner le débat. Mais ce que je vois, c'est qu'on se pose la question si Islam et France sont compatibles. J'ai l'impression. On n'entend rien, on n'entend rien. Ah, pardon, tu m'entends mieux là ? Oui, c'est mieux là, vas-y. Ah. On se pose la question si l'islam et la France sont compatibles, mais j'ai l'impression que même la France a un problème plus profond, puisque notre religion, comme le catholicisme, ne trouve pas non plus sa place au sein de la République. Donc, est-ce que le problème n'est pas plus profondément dans nos murs, cette république qui pousse au choc culturel et civilisationnel? Est-ce que les cultures différentes s'entrechoqueraient si quelqu'un ne l'y poussait pas? Merci à toi, Silas. Et je crois qu'ensuite, il restait... Isalex, voilà. Isalex, si tu es là. Salut. T'es par deux, on en perd. Bien, merci à toi, Isaël. Je crois qu'on a complété le premier petit tour. On en refera d'autres, hein, je vous rassure. Et il y a quand même eu pas mal de choses différentes, des avis partagés, hein, parce que je t'entends dire, Isaël, que être d'accord avec un peu tout ce qui a été dit, mais il y a quand même des petites nuances et des petites divergences déjà qu'on peut distinguer. Et alors, du coup, ça. D'accord, bon, une position un peu neutre, on va dire. Et toi, t'en penses quoi de tout ça, tout ce qui s'est dit? Bah écoute, on a, je pense, fait un bon tour, et puis je lis aussi les réactions des gens sur les différents chats. Ce que je peux en dire, c'est que j'aimerais rappeler que le débat n'est pas la compatibilité de l'islam et de la République, comme ça a été dit, mais de l'islam et de la France. Et ça porte une grande nuance à mon sens, parce que l'islam est véritablement compatible avec la République, puisque la République se déclare laïque, la République n'a pas de religion, puisqu'elle c'est une espèce de neutralité religieuse, bon, une position très difficile à tenir, et au contraire, l'islam, lui, je pense, il peut s'accommoder parfaitement, justement, dans la République, et il y est même comme un poisson dans l'eau. Or, là où ça pose un problème, pour moi, c'est justement l'islam et la France. Parce que, est-ce que, quand on porte la définition de la France, on y apporte à ce moment-là la chrétienté comme constitutive même de la nation française. Et à ce moment-là, si la chrétienté, le catholicisme en particulier, est constitutif de cette France, à ce moment-là, l'islam aura beaucoup de mal à trouver sa place justement dans la France. Mais en revanche, je pense que justement, précisément, c'est bien pour ça que le débat a été posé dans ces termes, est-ce qu'il est compatible avec la France ? Maintenant, C'est pour ça que je tiens vraiment à ce qu'on, comment dire, qu'on différencie France et République. C'est hyper important à mon sens. Et si justement l'islam peut s'installer en France, c'est parce qu'on est dans un système républicain. Je pense, et ceux qui l'ont évoqué aussi, que si on était en France dans un système chrétien, à ce moment-là, l'islam aurait dû négocier avec le catholicisme pour pouvoir s'installer, et ce serait une cohabitation, voilà. Or là, non, dans la République, puisque la République se déclare hors des religions et que, par définition, elle ne reconnaît aucune religion, bah, l'islam, je pense, a parfaitement sa place, oui, dans la République française. Merci Thomas. Bah, en fait, c'est bien de soulever ça, parce que, comme en fait d'habitude, on donne un petit peu à l'avance quand on annonce ces débats. On essaie de relever en fait des arguments pour et contre. Disons, bah, là en l'occurrence, c'était des arguments pro mariage et des arguments pro divorce. Disons, un peu pour la formule. Et un justement de ces arguments pro mariage, c'était que la France, et alors je dis bien la France, puisque c'est l'argument qui est donné, hein, et sans distinction comme tu l'as faite de République et de, disons, de France plus charnelle, je disais, plus véridique, plus authentique, et cet argument qui dirait que la France trahirait ses idéaux en fait en stigmatisant les musulmans. Ça, c'est un des arguments qui avait été relevé, et donc c'est assez judicieux de faire la distinction, et c'est peut-être intéressant qu'on la fasse maintenant, cette distinction entre ce qui est une certaine définition de la France et la République française. Parce qu'effectivement, comme tu le rappelles, là on n'aurait plus du tout le même souci entre guillemets de compatibilité selon qu'on se base sur une définition ou une autre. Et puis, ça permet aussi de rappeler qu'il y a pas mal de personnes qui ont quand même mentionné ce fait-là, le fait que dans une France autrement, je dirais, encadrée, peut-être par un système qui s'appuierait un peu plus sur la religion catholique, les choses seraient différentes. Donc maintenant, moi, ce que je compte faire, c'est simplement vous inviter sur ce point-là à réagir. Quand vous le souhaitez, peut-être les personnes qui sont à la suite dans la liste, et éventuellement demander la parole par écrit. Donc peut-être Migrant qui vient de nous rejoindre. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais saluer tout le monde. Saluer pas, saluer les autres. Juste réagir à ce que tu viens de dire. Dire que, en fait, je ne connais pas de peuplade, de communauté dans ce bas monde qui n'est pas persévéré dans le temps, dans l'histoire, sans religion. Donc, à vous de choisir la vôtre. Soit vous êtes musulman, soit voilà. Ok. Alors Gobio pour la suite. Alors j'aimerais donc, avant de rentrer justement dans le vif du débat. Hey, Gobio, ton micro il est pourri. Hein. Ok, je vais faire rapidement alors. En fait, faudrait aussi arrêter de se comporter comme des gonzesses, hein, et d'assumer un peu qui on est, et d'arrêter de faire des concessions aussi, parce que je pense que c'est un terme qui n'est pas assez utilisé, c'est qu'on fait beaucoup trop de concessions. Là, déjà, il y a beaucoup de gens qui se sont présentés, et j'ai entendu beaucoup de concessions. Va falloir arrêter à un moment et de dire voilà ce qu'on est, et maintenant le premier qui emmerde, il prend un coup de bâton. Je parle de manière métaphorique, hein. C'est ce qui se passe dans 95 des pays du monde, les autres se font bouffer, hein. Voilà, il n'y a que nous, hein, avec nos valeurs humanistes, etc., qui, au nom de certains principes, on se fait détruire culturellement. Hein, je veux dire, ça fait des milliers d'années qu'on est là, qu'on essaye d'évoluer tranquillement. En 50 ans, il y a une certaine idéologie qui nous a bousillés, quoi. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu à s'assumer. Hein. Voilà. Excuse-moi, Gobio, juste pour préciser, de quelle idéologie tu parles ? Gauche, humaniste, tout ça, en fait. C'est-à-dire des gens qui vivent dans l'idéologie et pas dans le factuel. Hein. Ça veut dire qu'on l'idéologie du compromis. Voilà, on leur montre la réalité en face, ce qui se passe, par exemple, les juges, on leur montre, mais regardez les agressions, regardez ceci. Alors là, je caricature un petit peu, parce que c'est facile pour l'instant, les gens, ça leur permet de visualiser. Non, mais tu comprends, enfin, vous comprenez, c'est parce que c'est un immigré, c'est parce que ceci. Je dis, non, faut arrêter deux minutes. Hein. C'est un être humain, il a fait une connerie, on le punit, terminé. Hein. Hein, au final, les antiracistes, c'est presque nous. Donc, quiconque fait une connerie, hein, il doit être puni, hein. C'est fini. Hein. Est-ce que je peux réagir ? Migrant, si tu veux bien, juste, on a Paturin pour la suite, et ensuite ce sera à toi. Ok, merci. Je vais faire rapidement. C'est un truc que j'ai relevé là dans les présentations. qui est de déclarer que donc de redéclarer une religion donc une religion de la République. On reste là-dedans hein, dans la République. J'ai envie de dire, ne serait-ce que dans un premier temps. Bon, admettons, il y a voilà. Simplement dire voilà, le catholicisme, c'est la religion d'État. Ça, c'est un truc par le passé. Ça, j'aurais dit pas possible. Les gens, ils voudront jamais, etc. Puis aujourd'hui, je me rends compte que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire passer. En disant c'est symbolique, voilà, c'est une mesure, c'est symbolique, de toute façon, les gens ne sont plus pratiquants, etc. Mais rien que de faire cette déclaration-là, en fait, ça ferait une hiérarchie, en fait. Ça dirait, ben voilà, ici, c'est le catholicisme, voilà. Et les autres, vous êtes présents, mais voilà. Du coup, le vendredi, il y a du poisson à la cantine. À la souche, je peux parler. Vas-y, alors attends, il y avait Migrant d'abord et après Armomic. Ok. Ouais, alors moi je voudrais juste dire donc pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai fait une petite courte apparition en disant que il n'y a pas de peuplade sur cette terre, ni de communauté, ni quoi que ce soit, qui n'ait pas vécu longtemps dans le temps sans religion. Donc en fait, si vous voulez, la religion, c'est quelque chose qui permet de focaliser, donc en disant voilà, c'est là-bas qu'on doit aller. Alors, après, il y a du bon et du mauvais hein, dans toutes les religions. Il n'y a pas de religion parfaite. Hein, bon, mais si vous voulez, il y a à un moment donné un truc qu'il faut voir, c'est les musulmans, ils ont leur religion, ça les envoie vers ce qu'ils veulent. Peut-être certains un califat, peut-être certains juste vivre en paix. Bon, mais si vous voulez, si nous on veut se marier avec les musulmans qui sont en France, hein, il faut qu'à un moment donné on comprenne que nous aussi on doit avoir notre religion. Donc celle qui était présente à une époque et qui tend à disparaître, c'était la chrétienté, donc catholicisme, christianisme, etc. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais si à un moment donné on veut faire face, c'est-à-dire si à un moment donné on veut avoir notre mot à dire face à des musulmans qui, eux, sont assez croyants, visiblement, c'est soit on se met dans le christianisme, le catholicisme, l'orthodoxie ou ce que vous voulez, mais sans religion, on ne fera jamais le poids si à un moment donné on veut avoir notre mot à dire. Voilà. Merci à Harmonique. Oui, alors du coup, pour rappel, France, ça veut dire libre. Et la France, le pays géographique, a une particularité. C'est peut-être un des seuls pays au monde, voire le seul pays au monde, qui, sur une aussi petite surface, a toutes ses particularités géographiques et religieuses. J'explique. Pour moi, on est face justement à un clash qui va arriver, une scission. C'est que là, vous parlez de religion, que ce soit musulman, là, effectivement, les musulmans arrivent, mais on n'en a pas le sens. Oubliez pas qu'on est dans le pays de Descartes, j'explique. Pour moi, on ne pourra pas aller de l'avant sans avoir les connaissances scientifiques et pragmatiques du monde, et après, on peut avoir la spiritualité. Sauf là, vous êtes en train de me dire, oui, telle religion et tout, mais ils ne savent même pas pourquoi. C'est-à-dire, c'est exactement comme un médecin qui dit, oui, je comprends pas comment il a été soigné, mais c'est l'effet placebo, tu vois. Je peux dire pareil, oui, ben c'est Dieu qui a décidé, c'est la même chose. On n'est plus dans cette époque. On est dans l'époque où certains disent, certes, c'est Dieu qui a décidé, mais d'autres disent, oui, mais pourquoi Dieu a décidé? C'est-à-dire, tout simplement, on essaye de comprendre pourquoi. Et c'est ça qui clash vraiment. Et je suis désolé, certes, il y a des musulmans très intelligents et tout, mais il y en a beaucoup, ils ne cherchent pas à réfléchir. Ne serait-ce que d'une phrase « Inch'Allah », c'est-à-dire « tu renvoies ton destin à Dieu ». Et ça, c'est plus compatible aujourd'hui, je suis désolé. Parce qu'on a un degré de libre-arbitre. On n'est peut-être pas entièrement libre, mais on a un degré de libre-arbitre. Parce que moi, je peux dire demain « oui, bah s'il s'est passé ça dans ma vie, c'est que Dieu a décidé ». On n'est plus dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme clash. C'est que l'islam, qui pour moi, comme toutes les religions de base sémitique, entre guillemets, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont issus du pourtour méditerranéen, ça ne peut plus marcher. C'est-à-dire que les musulmans actuels qui se disent musulmans, ok, mais ils pourront plus aller dans l'extrémisme s'ils essayent de comprendre la nature des choses. Il y aura toujours des extrémistes. C'est pour ça que pour moi, ce que demain on appellera, et ça va se passer en islam de France ou d'Europe, les plus intelligents diront, non, on peut plus aller sur la base des textes. C'est ça que je veux expliquer. Et c'est pareil dans le catholicisme, dans le christianisme et dans le judaïsme. On peut plus aller sur la base. C'est qu'il y a un minimum de connaissances aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça fait des choses aussi complexes, comme tu vois Poutine quand il y avait eu la grande mosquée de Moscou et tout, bah, il a inauguré et tout. Parce qu'il sait très bien que c'est plus complexe que ça. Moi, je le vois bien, hein, j'ai des collègues musulmans au boulot, ils m'ont jamais égorgé ni rien. Et ils le savent, tu vois. Mais c'est plus complexe que ça. Par contre, dans l'idéologie finale, ça va être vraiment chaud. Parce que là, on a vraiment affaire à un choc des civilisations. Et je le dis. Alors, Armomic, si tu me permets, oui. Juste pour être juste bien sûr de bien t'avoir compris, en fait, est-ce que c'est correct de dire que tu as commencé par dire qu'il fallait d'abord se départir en fait de toutes les questions spirituelles, etc., pour se concentrer plus d'abord sur le côté matériel, etc., avant d'arriver à ces questions-là C'est très simple. Ce qu'on appelle spirituel par religion actuellement, islam, judaïsme et tout, pour moi, c'est un délire. Tu ne peux pas aller dans le spirituel si t'as pas un minimum de connaissances matérielles dans le sens de ton expérience personnelle, tu vois. C'est ça que je veux dire, tout simplement. D'accord. Bon, alors on va continuer avec Case qui voulait prendre la parole. Tu peux garder le bouton et on t'entend quand tu gardes le bouton. Là, on t'entend pas, par contre. Là, vous m'entendez? Là, on t'entend, là, voilà. J'ai mis un mauvais bouton, j'ai mis une lettre. Bon, c'est pas grave. Okay. Oui, donc, j'ai entendu quelque chose, un propos qui revenait souvent, c'était religion. Alors, effectivement, l'islam, c'est à la fois une spiritualité et une religion, donc qui englobe l'individuel et le collectif. Donc, en fait, l'islam, c'est de la théologie. Donc, le débat, je vois que beaucoup, ils vont sur les musulmans, mais je crois que le débat, c'était l'islam en lui-même. Donc, en fait, le débat, si on veut vraiment, le débat, il est déjà terminé, dans le sens où, effectivement, l'islam, comme je l'ai dit tout à l'heure, est intrinsèquement incompatible avec les valeurs de la République, laïque, etc. Et d'ailleurs, même le christianisme, par le temps, avait la monarchie de droit divin, et un vrai catholique orthodoxe, on va dire, ne se reconnaîtrait pas non plus dans la République actuelle. Et donc, en clair, vous trouverez toujours des musulmans, si vous voulez, laïcs, démocrates, laxistes, extrémistes, etc. Mais comme je vous ai dit, l'islam a une méthodologie. C'est en premier lieu le Coran. Deuxième lieu vient la tradition prophétique. Et ensuite vient les savants de l'islam. Donc, lorsqu'on reste fidèle au texte, la question elle est déjà terminée. C'est terminé, quoi. On n'a pas besoin de développer plus que ça. Ça nous suffit pour nous dire qu'effectivement, il y aura une incompatibilité et que si le musulman... Si le musulman en fait commence à adhérer et à s'occidentaliser, il commence déjà à trahir en fait sa religion. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des schizophrènes parmi les musulmans qui veulent à la fois allier les valeurs et les principes occidentaux avec ceux de l'islam. Et vous voyez des schizophrènes et ça donne des ménels à la télévision à moitié avec un voile pas vraiment voile et qui chantent devant des millions de téléspectateurs. Vous voyez, ça donne ce genre de spécimen. Je pense qu'on aura pas mal de questions pour réagir à ce que tu dis, Kels, mais là, juste une qui me vient pour te demander, c'est donc tu affirmes donc effectivement que l'islam est de fait incompatible avec la République. Là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient te rejoindre, mais à côté de ça, vu que ça a été soulevé précédemment, l'autre concept, on va dire, de France un peu plus traditionnelle, entre guillemets, ou authentique, on va dire. Est-ce que toi, tu aurais une réponse différente sur ce que tu dis par rapport à cette définition-là de la France, qui n'est pas une France républicaine, disons? Après, sincèrement, je ne connais pas vraiment l'histoire catholique dans le sens politique. J'ai quelques brimes comment la France catholique s'est comportée envers certaines minorités. Mais après, je pense pas, à ma connaissance, qu'il y ait on va dire un code qui régisse les minorités comme en islam ou dans un pays islamique, les minorités peuvent vivre en terre d'islam à condition qu'ils payent la jizya et qu'ils respectent les lois du pays islamique. Mais c'est pour ça que concrètement, j'aurais pas de réponse pertinente, je pense, parce que j'ai pas assez d'éléments. Et comme je t'ai dit, je pense qu'il n'y a pas de code spécifique dans la jurisprudence catholique qui définit comment se comporter avec les minorités. Après, peut-être que je me trompe et quelqu'un mentionnera si ça existe réellement. Ok, merci. Moi, j'ai une intervention à faire. En fait, justement, le problème n'est pas l'islam n'est pas justement sans le mais en soi une civilisation, c'est-à-dire qu'elle porte des règles, des codes alimentaires, des codes vestimentaires, un code, on va dire un code civil qui régit tous les rapports de la vie sociale, donc de l'héritage au mariage, aux rapports sociaux, etc. Une langue, finalement, c'est une civilisation en soi. Et à partir de là, est-ce que justement, partout où il va y avoir, en fait, l'islam présent dans une autre terre qui n'est pas majoritairement musulmane, va forcément rentrer en conflit avec la civilisation autochtone, quelle qu'elle soit, puisque elle-même est une civilisation. Donc, on assiste systématiquement, hein, de façon, on va dire, répétée, à un choc des civilisations à partir du moment où l'islam est présente avec une autre civilisation, si elle n'est pas majoritaire. Merci. C'est une question que je pose. L'historien qui peut réagir tout de suite. Sur ce truc-là, je sais pas trop. Enfin, moi. Plutôt réagir sur un case par rapport à l'islam, l'incompatibilité avec la République, et puis bon, comme il a dit, moi je suis catholique, je me considère catholique pratiquant, pas trop fan de Vatican II, quoi, donc plutôt traditionnaliste, enfin j'essaye. Et du coup, c'est vrai que pour moi, la République, c'est l'anti-France par essence même. Donc, je suis pas du tout. Moi, les valeurs de la République, c'est pas trop mon truc, quoi. Ensuite, pour faire un petit peu d'histoire, pour revenir sur ce qui est dit pour les signes, comment se comportaient pour la France, pour les minorités religieuses. Bah, on a le cas des Juifs sous Saint-Louis et. Par rapport au concile de Latran, et où il devait porter un signe distinctif. Et en France, le signe distinctif, c'était une rouelle. Et après, c'est dans un contexte aussi, historique, parce qu'il y avait un ancien juif converti au catholicisme qui avait traduit le Talmud, et donc Saint-Louis a fait brûler tous les Talmuds de France, et après, voilà, quoi. C'est juste pour situer dans le contexte, faire un petit peu d'histoire. Après, par rapport à sa case. Catholicisme est beaucoup basé sur le Christ, on est d'accord? Non, mais attends, Aronique, j'avais pas fini. Et ensuite, par contre, pour réagir par rapport à ce que tu dis, je suis pas d'accord, parce que moi, je le vois, c'est petit à petit, la France est en train de se re-christianiser. Alors, c'est pas une lame de fond, c'est pas un mouvement de masse, mais ça commence commence petit à petit. Et ça se re-christianise. Et il y a même des gens qui sortent d'autres religions. Moi, j'ai discuté avec un ancien musulman qui est devenu catholique. Bon, c'est très difficile pour lui, mais il est devenu. Mais il y en a de plus en plus. Et petit à petit, c'est comme ça que la France redeviendra la France. Si les Français de souche se réenracinent au niveau religieux, il n'y a que comme ça que ça changera. Et c'est pas en disant, alors oui, c'est bien, il faut remettre la religion d'État en tant que catholiciste, mais si c'est juste un symbole, ça tiendra pas, parce que sous l'Ancien Régime, c'était pas un symbole, c'était vraiment quelque chose d'intrinsèquement fort, parce que le roi était le lieutenant du Christ, et donc c'était vraiment quelque chose de fort. C'est juste pour mettre en symbolique, ça sert à rien du tout. Bien, alors on va prendre dans l'ordre Gobio. Alors c'était et Caras après. C'était pour ajouter, en fait, quand on prend le débat donc, de ce soir, je trouve que c'est pas vraiment le tabou du débat. Parce que En général, si on est pour donc l'islam, bon, il suffit d'écouter BFM TV, etc. Et ils nous disent très bien le pourquoi du comment. Si on est contre, tout le monde connaît les mêmes arguments qu'on n'arrête pas de remettre sur la table pendant la présentation. On a à peu près tout expliqué. Après, on peut aller en détail sur certains points très précis, ce qui est toujours très intéressant. Mais je pense que le vrai tabou, c'est si ça pose un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, je pense que c'est là que... Et donc, du coup, le précédent, l'historien, a commencé à donner, par exemple, son point de vue, c'est-à-dire... Par contre, on entend doucement un peu. Pardon. Donc, je disais que c'est qu'est-ce qu'on fait ? Là est le vrai tabou. Et donc, par exemple, l'historien a donné un semblant, enfin, a donné son point de vue pour la solution. Bon, moi, je suis pour plus de fermeté, en fait, tout simplement, dire non, c'est non. En fait, on part sur une ligne, on s'y tient. Alors, ça peut être la laïcité, ça peut être n'importe quoi, mais on s'y tient. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que les musulmans sont beaucoup. De par la démographie, on peut pas nier ça. Ils sont de plus en plus, ils deviennent une grande communauté qu'on ne peut pas négliger. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que c'est une piste assez intéressante à étudier. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Pour le moment, ça n'a pas encore été beaucoup soulevé, mais au moins deux reprises, c'est vrai qu'on commence à parler un peu de ça et ça va être intéressant. Il y a Pierrot qui voulait poser une question. Ouais, bonsoir à tous. Alors, moi, je voulais un petit peu recentrer le débat et mettre une question sous-jacente à celle du débat, qui est-ce que l'islam est compatible avec la France. Bon, en réponse, moi, je vais poser une autre question. Qu'est-ce que l'islam apporte, ainsi que les musulmans apportent-ils à la France ? Voilà. Et si on arrive à avoir, puisqu'il faut faire un pour et un contre, hein, peser le pour et le contre, dans un esprit égalitaire, qu'est-ce que cette culture, qu'est-ce que cette religion, et qu'est-ce que les musulmans apportent-ils en France actuellement, depuis 40 ans ? D'accord. D'accord. Alors, on a Karas Matouf pour la suite. Oui, alors j'ai préparé un petit truc. Bon, alors sur l'apport des musulmans, alors là-dessus je vais essayer d'être clair. On peut constater qu'après la guerre d'Algérie, les Maghrébins, on les traitait de noms d'oiseaux. Ces mêmes Maghrébins-là qu'on a accepté en France, qu'on a fait venir, c'est vrai, les grandes entreprises ont eu besoin de manœuvres, on les appelait les Arabes, après c'est devenu les Beurs, les Maghrébins, et aujourd'hui on parle de musulmans. Comme je le disais, une personne individuellement, quand elle apporte une force de travail dans un pays, qu'elle peut s'intégrer en tant qu'individu, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'islam. Qu'est-ce qu'est l'islam ? Là, alors, je vais aller simplement sur Wikipédia et regarder par rapport à la doctrine islamique, qu'est-ce que c'est la France en termes de doctrine islamique. Vous m'entendez bien ? Ouais, vas-y, Tara, continue. Ouais, on t'entend bien. Là, on t'a perdu. Ouais, parce que moi, je l'entendais très mal. J'avais un souci avec la voix de Karas Matouf. Il a enlevé le push tout autour. C'est dommage, c'était bien lancé. Oui, il était bien lancé, mais il y a eu un souci à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, t'es pas. Est-ce que je pourrais te demander ? Je suis là. Alors, Karas Matouf, vas-y. Alors, simplement, j'arrive pas à lire Wikipédia en même temps que. C'est appuyé. Ouais, j'arrive pas à lire Wikipédia en même temps que de rester sur le truc. Alors, Dar al Islam. Alors, on peut distinguer deux positions dans l'islam. Pour les musulmans, il y a le Dar al Islam, c'est-à-dire les endroits où l'islam s'applique, la charia s'applique, et le Dar al Abra. Alors, je vais essayer de récupérer la fiche Wikipédia. Tu devrais mettre une touche au-dessus du clavier, genre F1, pour parler, et comme ça, tu pourrais rester sur Wikipédia pendant que tu parles et que tu lis. Moi, je me permets juste de dire qu'il faut rester factuel dans les propos. Je vais repasser en mode micro normal et je reviens tout de suite. Ouais. Donc, le Dar al-Islam et toutes les digressions des territoires non musulmans ou à islamiser, où il y a des musulmans désislamisés. Et là, la France rentre bien dans ce créneau-là de de gens qui ont perdu leur islamité et qu'il faut ré-islamiser. Ça, c'est le dawa. Donc, je reviens et j'essaie de dire exactement les trucs. Okay, bah, merci donc, pour ton exposé, Cara. Merci. Voilà, d'être précis, hein, comme dirait Robert. Il faut être précis. Merci à toi, Cara. D'autres personnes pour réagir là-dessus ? À réislamiser, qu'ils le fassent dans leur terre sainte, hein, pas en France, et que en France, étant une femme, si j'ai envie de me promener en mini-jupe, si j'ai envie d'aller me faire bronzer sur la plage en maillot de bain, si j'ai envie de manger du cochon ou de boire du vin, ça fait partie de ma culture et je me refuse d'accepter une culture autre que la mienne. Merci Véro. Bah, pour faire continuer, faire une petite transition logique là sur ce qui se dit un peu, puisque je pense que c'est le sujet qu'on doit aborder là en fin de compte, au vu de ce qui se dit. Ça a été bien dit, mais c'est la question de la solution en fait, parce que j'ai pas envie de dire qu'il y a consensus entre tout ce que vous dites, quoique, enfin, c'en est pas loin. Mais il y a quelque chose moi, qui m'a vraiment fait réagir, c'est ce que disait Case en affirmant donc c'était vraiment une question pliée en fait, une question déjà réglée. Véronique, fais attention à ton micro, s'il te plaît, merci. Et donc la question logique qui se pose après avoir affirmé ça, c'est quelle solution en fait, parce qu'il reste bien donc des millions de musulmans. Alors on pourra dire que pour certains, alors comme ça a été dit là ce soir, c'est pas des vrais entre guillemets authentiques musulmans. Il y a eu le terme de schizophrénie qui a été employé. Il y a cette distinction entre la République et la France. Enfin bon, il reste que il y a pour beaucoup de gens un problème qui se pose, et donc quelle solution en fait, parce que, et en fait j'ai envie de poser directement la question à Case en fait, s'il nous entend. Je vais donner la parole, si tu veux juste nous dire toi qu'est-ce que tu considères comme solution en fait, puisque tu affirmes qu'il n'y a pas de compatibilité, qu'en fin de compte il n'y a pas de mariage possible, il n'y a pas d'intégration possible par extension. Donc quelle solution en fait? On t'entend. Donc, en fait, pour les solutions, moi, en tout cas, ce qui me concerne, là, actuellement, bon, je vis encore en France. Moi, bon, je fais le nécessaire et je fais les causes pour partir vivre dans une terre obédience musulmane. Et justement, c'est ce que je dis à tous les frères et les sœurs que je peux croiser dans le quotidien. C'est de au moins essayer de faire les causes pour partir, en fait, de la France, pour aller dans un territoire à obédience musulmane, pour justement au moins avoir, surtout en France en plus, à la limite, si on parlait de l'Angleterre, je veux dire, bon, l'Angleterre, c'est vrai que c'est, en termes de pratique religieuse, c'est quand même beaucoup plus faisable pour l'islam, mais en France, avec toutes les restrictions et le climat ambiant, je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour, et je pense que le plus préférable pour les musulmans, c'est de faire le maximum pour essayer de partir en terre, comme j'ai dit, où la majorité de la population est musulmane, et où on pourra avoir en fait une pratique au moins individuelle, sereine et tranquille par rapport à la France. Rien qu'en France, par exemple, si j'ai ma fille en primaire, collège, lycée, déjà l'obligation du voile, elle peut pas l'accomplir. Les prières, pareil, elle est obligée de rattraper tout à la fin de la journée. Alors qu'il y a des temps à respecter, il n'y a pas d'appel à la prière. Chaque jour, c'est blasphème sur blasphème. C'est le climat ambiant, il n'est pas du tout propice à l'épanouissement religieux d'un musulman ici en France. Donc, la seule solution que je vois, c'est de réémigrer, enfin, c'est de faire l'émigration, même si c'est pas vers des terres d'islam, parce qu'actuellement, dans la théologie, il n'y a pas vraiment de terres islamiques qui appliquent la charia, mais au moins de se faciliter en étant avec une population à majorité musulmane, où on pourra avoir une pratique individuelle simplifiée. Merci. Donc pour toi, tu préconises une migration, un renversement des flux migratoires, si je veux dire. Une réémigration. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, c'est une notion qu'on appelle la hijra en islam, c'est-à-dire de revenir vers une terre islamique. Mais moi, le problème, il se pose quand même un peu différemment, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a rappelé à l'évidence d'un chiffre. C'est qu'il y a quasiment 11 millions, voire peut-être plus, on n'en sait rien, puisque de toute façon, c'est pas il n'est pas permis de les comptabiliser réellement, le nombre de musulmans en France, mais aussi de toute façon dans toute l'Europe de l'Ouest, et tous ces gens-là ne rentreront pas dans des terres islamiques. Et ce qui est pour moi inquiétant, c'est plutôt aussi ce que tu as spécifié, Case, tout à l'heure, mais qui fait partie de la loi islamique. Que ça, pour qui s'y intéresse, on en a conscience, qu'à partir du moment où les musulmans deviennent majoritaires dans un endroit, c'est eux qui font payer aux minorités le droit d'habiter et le droit de rester en paix. Hein, donc ce qu'on appelle les immis. Et cette situation-là, on peut la projeter sur l'Europe de l'Ouest, alors peut-être pas à échelle de 10, 20, 30 ans, mais 50, 60, 70 ans, c'est parfaitement crédible. Et si les musulmans sont majoritaires, qu'adviendra-t-il du reste de la population? C'est là que je me pose la question. Alors, si je peux... Attends, on va juste laisser juste Kara rapidement terminer son exposé. Ensuite, on aura Moutous, Gobio et Paturin. Vas-y, Kara, vite fait. En deux, trois fois cet exposé, parce que comme ça, on verra après pourquoi après l'islam est incompatible avec personne qui n'est pas musulman, bien sûr. Voilà. Alors, Dar al-Islam et Dala. Dans la tradition musulmane, le monde est initialement divisé en seulement deux parties. Dar al-Islam, ou domaine de la soumission à Dieu. Dar al-Harb, le domaine de la guerre, désigne initialement les pays où s'applique la charia, puis par extension, ceux à majorité musulmane et ou gouvernés par des musulmans, et qui devraient, selon les gouvernements, et les partis religieux être gouvernés selon la charia. Quant au Dalar Arb, c'est le reste. Les pays où l'islam reste à apporter, le mot Arb, c'est pas arbre hein, de conversano, c'est Arb, hein, signifiant guerre, dans divers sens du terme, guerre militaire de conquête, mais aussi guerre religieuse et autres cultes et croyances, c'est-à-dire effort, prosélytes et missionnaires, donc de conversion. Ces termes ne figurent pas dans le Coran ou les Hadiths, mais apparaissent en relation avec les conquêtes des Omeyyades, des Abbasides et des Ottomans. Chez les théologiens qui définissent le Dar al-Islam comme l'ensemble des pays où l'on peut publiquement effectuer les cinq appels à la prière quotidien, vivre selon les préceptes de l'islam et élever des mosquées traditionnellement, dans ces territoires, le non-musulman a le statut de dhimmi, protégé, mais des protégés qui doivent payer cette protection en payant une double capitation, le qui en encourage beaucoup à embrasser l'islam, c'est-à-dire des gens qui deviennent musulmans pour payer moins d'impôts. En sens, ça c'est cool, je trouve. Merci d'avoir rappelé ça. Plus tard. C'est déjà pas mal. J'ai pas fini. Après je reviendrai sur d'autres concepts. Plus tard, la théologie musulmane évoluant et les relations des États musulmans avec le reste du monde se complexifiant, d'autres appellations apparaissent. On verra ça plus tard. D'accord. Merci Kara. On a donc Moutous Liber qui est avec nous. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Vous m'entendez ? Très bien. C'était pour répondre par rapport à la solution. On a fait un constat qui est à peu près unanime ici, que l'islam n'est compatible ni avec la France catholique, ni avec la République laïque. Alors, c'est l'islam en tant que corpus textuel, en tant que religion. On parle évidemment pas forcément des musulmans. Et donc, on se posait la question de la solution. Et je pense que la solution a déjà été initiée depuis un moment avec le mouvement de dévoiement de la laïcité qui s'est opéré depuis ces dernières décennies. La loi sur la laïcité de 1905, à la base, elle prenait dans son article 1 que la République assurait la liberté de conscience et qu'elle garantissait le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Donc l'article 1 de la loi de 1905, c'était la liberté de culte, c'était vraiment la base. Or, aujourd'hui, le dévoiement de la laïcité qu'on constate, c'est que on a un petit peu une laïcité de combat qui a été dévoyée dans le but de combattre l'islam. parce que c'est plus que clair. On sait, tout le monde sait que la loi sur le voile intégral visait les femmes en niqab et que la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école visait très clairement le hijab, hein, le voile des femmes musulmanes. Alors, moi, je pense que ce dévoiement de la laïcité, en fait, est salutaire. Et je pense qu'il faudrait que ça aille beaucoup plus loin. Et j'ai un tas de solutions à proposer. Après, le problème, c'est que c'est pas applicable dans l'état actuel du droit, notamment en raison des conventions internationales relatives aux droits de l'homme qui ont été signées et ratifiées par la France. Mais à mon avis, la solution, elle est double. La première solution, elle est proposée par l'islam lui-même. C'est, comme l'a dit Reiss, c'est la hijra. Et je pense, moi, qu'en fait, il faudrait faire évoluer la loi de sorte à pousser les musulmans les plus radicaux, les musulmans à qui leur religion tient à cœur, il faudrait les pousser par la loi à justement faire cette hijra et aller vivre en terre d'islam. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que l'islam, pour ceux qui ne font pas la hijra, permet aux musulmans de rester en terre de mécréance, mais à condition d'y être pour faire la dawa, c'est-à-dire de prêcher l'islam en vue de convertir un maximum de personnes et d'en faire une terre musulmane. Et c'est ce problème-là qu'on a. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de faire évoluer la loi de sorte à faire partir les musulmans à qui ça tient à cœur et d'être très strict sur ceux qui sont là pour faire la dawa en interdisant notamment les prêches hargneux sur YouTube, hein, qu'on a pu voir. Je pense à des gens comme comment il s'appelle, Abu Daifa, bon, qui s'est calmé maintenant, mais c'est le cas. C'est le cas. Et en effet, comme solution, moi je pensais notamment à faire progressivement, à mettre l'islam sous tutelle, à former des imams français sécularisés de sorte à ne garder de l'islam que quelque part les 10 commandements. Bonne chance, je le dis moi. Ouais, c'est très difficile parce que l'islam est irréformable, mais le seul moyen, c'est vraiment de durcir la législation à ce sujet, de former des imams français sécularisés, d'interdire les financements étrangers du culte musulman, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mosquées aujourd'hui qui sont financées par l'Algérie, par le Maroc, par l'Arabie Saoudite. D'interdire les signes religieux dans l'espace public, parce que ça, je pense que ça serait assez efficace. Et c'est très difficile à faire aussi. Je pense que c'est tout un tas de mesures législatives qu'il faudrait prendre de sorte à les pousser vraiment à partir en terre d'islam parce qu'ils pourraient pas pratiquer leur religion comme ils veulent. J'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Alors, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est impossible. Donc. Merci à toi, Moutou Cyber. C'était très, très intéressant, très pertinent. Donc, dans la suite, on a Gobio. D'accord, Mutus, très bonne intervention. Bon, c'était très, très intéressant, très bien expliqué. Alors, en fait, par rapport à ce que tu dis, j'aimerais reprendre d'ailleurs ce qu'a dit un petit peu Tepa et notamment à nos collègues qui ne parlent pas en ce moment, FTP. En fait, il faut compter le facteur démographique, le facteur du nombre. Comme Tepa l'a dit, on ne sait même pas combien ils sont. On sait que c'est un nombre conséquent, non négligeable. On sait que la démographie entre, on va dire, un occidental et un immigré ou descendant d'immigré est très... celui de l'immigré ou descendant est très largement supérieur. Donc du coup, en fait, on a un compteur. Donc en fait, tu vois, tout ce que tu as dit, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a 20-30 ans grand maximum. Enfin, en étant un peu pessimiste, si on est optimiste, on va dire une cinquantaine d'années, hein, pour régler le problème. Parce qu'en fait, plus ils sont nombreux, plus ils sont revendicateurs, et en plus des gens politiques, parce que ce que tu as dit, donc ce sont des suppositions, maintenant si on revient un peu dans le réel, c'est-à-dire qu'on a déjà, on a des mecs en face, hein, toute une idéologie qui essaye de nous emmerder. Déjà, ici, maintenant, la seule chose qu'on puisse faire, c'est s'exprimer sur Discord. Hein, comme je l'ai déjà dit une autre fois, on est obligé de se planquer sur Discord. Si on faisait ça dans la rue, on serait socialement liquidé. Hein. Donc, on a ce compteur qui tourne. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait au final, parce que t'as dit quelque chose, mais je trouve que t'as oublié un mot essentiel, c'est au final retrouver notre souveraineté. Hein. En fait, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est le point principal, parce que t'as dit, tout ça, c'est possible à condition qu'on ait un chef d'État très fort et qu'on ne soit plus dans l'Union européenne, qu'on soit vraiment souverain de notre État, qu'on puisse faire ce que l'on veut chez nous. Hein. Et le problème, c'est que je trouve que c'est là que ça bloque, en fait. Paturin. Ok, ouais. Alors j'en profite pour dire qu'il y a des super interventions, là, je suis content. Donc, toujours dans les solutions, donc si ça ne tenait qu'à moi, en fait, il faudrait dégager la République, ça résoudrait beaucoup de problèmes, mais je veux pas rentrer là-dedans, parce que là, ça nous sortirait vraiment du débat. Donc, en solution, moi, je pense un truc qui serait vraiment fondamental, ça serait la réaffirmation du peuple français, tout simplement. Donc, pour schématiser, ça serait donc le Gaulois qui serait à suivre donc ses coutumes, sans avoir à s'en excuser, sans avoir à dire « Oh, excuse-moi, je vais pas boire mon vin devant toi, etc. » Bon, c'est juste pour l'image. Mais ce qui est important, c'est que cette affirmation-là, en fait, elle serait vraiment respectée et comprise par les musulmans. Cette droiteur, cette franchise, ça serait vraiment très très très bien vu. Ça ne serait pas perçu comme une agression, comme on pourrait s'imaginer aujourd'hui, où les gens ne disent rien parce qu'ils ont peur de froisser, etc. Et donc, là où je veux en venir après, c'est que donc cette affirmation-là, en fait, ça nous conduirait en fait à rester dans une séparation, en fait, avec les Gaulois et les musulmans, on va dire séparés, mais d'une manière franche et saine, à défaut de, vu que je pense qu'une assimilation, un mélange complet, c'est juste pas possible, parce que, comme l'avait dit Tepa, en fait, l'islam, c'est pas simplement une religion, non, c'est vraiment tout un système qui couvre tous les pans de la société, y compris l'économie, enfin vraiment tout. Et t'es pas parlé d'un. Donc, en fait, que les musulmans doivent être majoritaires. Moi, je vais plus loin que ça en disant que, en fait, ils doivent être au complet, quoi. Ils doivent vraiment occuper l'espace totalement pour que leur système fonctionne. Je pense que même majoritairement, c'est pas encore assez. Donc là, par contre, j'ai un peu perdu le fil. Voilà, donc c'était pour dire en fait que la séparation, en fait, moi je ne vois que ça, mais une séparation droite et franche. Et encore une fois, qui ne serait pas agressive ou qui irait blesser ou froisser qui que ce soit, mais quelque chose de délimité, mais qui. Et là, ça pourrait fonctionner, je pense. Mais bon, la route est longue. Merci à toi. Ouais, merci. Je crois qu'on a Dol juste après. Oui, alors du coup, ça a été beaucoup épluché par les intervenants précédents. Quand on parle de solution, on fait donc référence à un problème. Je pense que ce problème, il faut bien l'identifier. Concernant l'islam, les problèmes que ça émet, c'est émis par des personnes qui, en l'occurrence, sont des musulmans. Quand ces personnes créent des problèmes, tout simplement, on a des outils qui ont été développés, justement, je disais auparavant, dont un, le principal, est la loi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la loi, elle s'est organisée politiquement et contre nous. C'est-à-dire qu'elle ne fait absolument pas son travail là-dessus. Quand il y a des personnes qui commettent des actes sous des revendications musulmanes ou islamistes, ces actes tombent très souvent sous le coup de la loi. Et la loi ne punit plus. Du coup, quelle solution il nous reste ? Il nous reste éventuellement aussi l'action populaire. Le problème de l'action populaire, c'est qu'on va prendre énormément de risques pour, au final, que ça nous retombe dessus. Donc, à ce niveau-là, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre trouver notre courage et aller faire ce qu'il faut faire, s'il faut casser des bouches, aller les casser, et en même temps assumer les conséquences de ce que ça implique et ne pas le faire tout seul, parce que si on y va tout seul, ça va servir à rien. Il y a une autre possibilité aussi, c'est ce qu'a évoqué Gobio, c'est-à-dire que plus on les laisse être nombreux, plus ils sont revendicatifs. Donc à ce niveau-là, moi je pense principalement, parce que c'est principalement les personnes socialement défavorisées, on va dire, pour rester positif, qui cause problème. C'est rarement les ingénieurs islamistes, certaines catégories sociales qui posent problème, c'est vraiment les classes d'en bas. Quand ceux-là, ils causent des problèmes, déjà, il faudrait, au niveau des aides sociales, sanctionner à ce niveau-là, parce que c'est ça qui leur ferait, je pense, le plus mal, concrètement. C'est-à-dire que déjà, tu leur dis, t'es dans la misère sociale, tu ne fais pas plus de 2 enfants. Si tu fais plus de 2 enfants, eh ben, on te supprime toutes tes aides sociales et on va voir comment tu vas débrouiller avec tes enfants que tu fais comme si c'était des souris. Donc il y a des choses à faire. Maintenant, elles vont être très dures à mettre en place, et je pense que ce sera très dur, voire quasiment impossible, de trouver des solutions, pardon, parce que justement l'État politiquement et médiatiquement est contre nous. Et je pense que ça va être là le principal nœud du problème des solutions à trouver et à mettre en place, c'est que notre État et nos politiciens sont contre nous. Voilà. Alors, On va continuer. Alors, juste, je vais donner juste après la parole à Case, à Véronique, peut-être à Cara, et boucler le tour peut-être pour Tepa, s'il le souhaite. Mais en tout cas, il faut juste noter un truc, c'est que finalement, on a posé une question et il y a très peu, si ce n'est personne en fait, qui admet ou qui souhaiterait ou qui défend en fait une possible, je dirais, adaptation, assimilation, intégration, je dirais, propre des musulmans. Et là, j'ai l'impression qu'on est déjà allé très loin, alors que je mentionnais ça comme ça, la question de la solution, mais on est allé déjà très loin dans le fait d'accepter que et d'admettre qu'il y a vraiment un problème de clash en fait. Possibilité. Voilà, c'est juste intéressant à soulever. Donc on reprend avec Case s'il est là. Oui, vous entendez. Donc en fait, pour répondre à ce que avait dit tout à l'heure Tepa, en fait, si tu veux Tepa, le problème c'est que en France depuis 30-40 ans, les imams et les prédicateurs de la République ont tenu un discours en fait d'intégration et en fait un discours qui bisounours, qui a poussé en fait les musulmans en fait à s'ancrer dans la nation française. Donc une des premières causes, c'est justement les imams et les prédicateurs qui ont prêché en fait un islam dévoyé depuis 30-40 ans. Après, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que il y a énormément de musulmans, et d'ailleurs, de toute façon, je le vois dans le quotidien. La plupart ne sont pas prêts et ne veulent même pas retourner dans leur pays, on va dire, d'origine. La raison principale, c'est surtout le confort de vie, les infrastructures. Et en fait, comme vous disiez, le problème, c'est que la majorité des musulmans ont une foi, on va dire, assez faible, et ils sont pas prêts à faire des sacrifices pour le bien de leur religion. Et c'est pour ça que, franchement, en fait, concernant les gens d'extrême droite, même d'une droite dure, même les Zemmour, on va dire, je préfère des gens comme ça, qui au moins des fois même ils comprennent mieux l'islam que la plupart des musulmans. Et effectivement, maintenant, je pense que ça va être très compliqué. L'immigration, ça va être très compliqué. Et je pense que seuls vraiment les gens déterminés partiront de France. Pour les autres, ils sont trop ancrés. En fait, c'est toute une question de dominant-dominé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident, c'est les dominants, et les musulmans qui sont les dominés essayent par mimétisme de s'adapter, d'imiter les non-musulmans dans leur coutume, dans leurs valeurs, leurs principes. Et donc, ils sont maintenant trop ancrés, ils sont trop occidentalisés, en fait, maintenant, pour repartir dans leur pays d'accueil. Et après, je voulais juste dire une chose aussi, parce que j'entends beaucoup, et c'est une fausse conception. C'est le fait de dire une fois majoritaire ils appliqueront la charia en France. Ça, c'est pour moi en tout cas, c'est un fantasme. C'est un fantasme parce que il y a juste à regarder tous les pays arabo-musulmans où les musulmans sont à majorité 90%, même 100%, et il n'y a pas la charia. Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, en fait, Indonésie, Malaisie, on pourrait tous les prendre. Il n'y a aucun pays qui applique la charia. Donc le nombre en fait ne veut rien dire. En France, on est juste dans la forme, mais il n'y a rien dans le fond. Et c'est pas parce que les musulmans seraient même majoritaires en France qu'il y aurait la charia. Alors, je veux rebondir un peu sur cette histoire de charia, parce que quand tu me dis, ces pays-là n'appliquent pas la charia, alors premièrement, moi, personnellement, je pense que c'est parce que la charia est inapplicable et que dans un pays, on ne peut pas concrètement traduire juridiquement le fait, par exemple, de couper la main du voleur ou de couper la langue du menteur. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup, on est obligé de faire des accommodements, y compris tous ces pays-là, parce que foncièrement, c'est inapplicable. Après, pour ce qui est, justement, d'influencer, par contre, dans le sens de la charia, ça, par contre, je suis absolument pas d'accord avec toi. Le droit français, le droit européen, d'ailleurs, il s'islamise sous le coup, justement, de la demande de certaines organisations, comme un exemple très précis là-dessus, la demande qui est faite par un certain nombre d'imams et un certain nombre d'organisations musulmanes de punir le blasphème. Ça, c'est l'exemple type d'une islamisation du droit. Donc, en fait, évidemment que à terme, même si l'islam est et deviendra majoritaire en France de toute façon, si les musulmans arrivent au pouvoir, ils ne pourront pas modifier tout le code juridique pour appliquer stricto sensu la charia telle qu'elle est mentionnée dans les livres, parce que je pense qu'elle est inapplicable. Mais en revanche, ils vont islamiser le droit de façon à ce que, à le rendre conforme, en tout cas le plus possible avec la charia. Ben, en fait, t'es pas le, si tu veux, comment dire, déjà fait ce que tu as dit, là, couper la langue du menteur, ça, par contre, je sais pas où est-ce que c'est mentionné dans les textes scripturaires. En tout cas, pour couper la main du voleur, je voudrais préciser aussi quelque chose, parce que j'entends beaucoup du côté des nationalistes, on va dire souverainistes, etc., qui ont, en fait, qui pensent que dans un territoire islamique, un pays islamique qui est régi par la charia, que c'est l'anarchie et où tout le monde applique la charia. Comme dans tout État, un pays islamique a des tribunaux, a des juges qui appliquent les peines. Ce n'est pas le musulman lambda qui va les appliquer lui-même, ça n'existe pas. Et pour le fait qu'elle n'est pas applicable, depuis le prophète Aïssatou Salem jusqu'à 1924, le dernier empire ottoman, on va dire, dans sa grande majorité, elle était appliquée. Donc, c'est possible de l'appliquer même encore aujourd'hui. C'est juste que les gouvernements actuels ne le veulent pas, tout simplement. Ah bah attends, dans ce cas, par exemple, l'esclavage, qui est clairement légitimé par les textes islamiques, est complètement inapplicable. C'est bien pour ça que je dis qu'il y a tout un tas d'aspects de la charia qui sont inapplicables dans les faits par rapport aux évolutions du droit international même, puisque aujourd'hui, aller légitimer l'esclavage, ça va être extrêmement compliqué, même pour les pays les plus hardcore. Là, par exemple, l'Arabie Saoudite, qui a fait retirer justement cette légalisation de l'esclavage aux alentours de entre 1950 et 1960. Donc, mais même eux, ils ont dû reculer. Donc, c'est-à-dire que les pays ne peuvent plus aussi concrètement appliquer ce droit tel qu'il a été défini au 7e siècle parce que inapplicable. Oui, bien sûr. Ça, c'est factuel. Actuellement, c'est inapplicable. Mais le problème, c'est que, en fait, l'Occident non plus ne veut pas qu'il y ait une unité musulmane et qu'il y ait, on va dire, un khalifa qui s'installe en y installant, en appliquant la charia, etc. L'Occident, on l'a vu avec Morsi, bon, même si c'était le frère musulman, bon, il y a des choses à redire, mais dès qu'il avait pris pouvoir, on l'a mis dehors. Le fils en Algérie, ils ont voulu passer par les voies démocratiques, pareil, dès qu'ils ont commencé à monter, à être devant, coup d'État entre guillemets. Donc le problème, il est là aussi d'un point de vue islamique, d'un point de vue des musulmans, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est très compliqué et que c'est inapplicable actuellement. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Alors, puisque j'en profite pour que tu me confirmes aussi un aspect, parce que malheureusement, il n'y a peut-être pas même assez de musulmans dans ce débat. J'aurais aimé que vous soyez bien plus nombreux. Mais tu vois, quand j'ai évoqué cette question de l'esclavage, immédiatement, tous les musulmans présents sur le chat, puisque je lis le chat aussi, s'offusquent en me disant « Mais non, mais jamais de la vie, mais il n'y a jamais eu d'esclavage en islam. » Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette question? J'aimerais avoir l'opinion d'un musulman. Je sais que ça s'écarte un petit peu, mais vu que ça a déclenché une polémique, j'aimerais juste savoir un peu ce que tu en penses. Ben, en fait, l'esclavage, oui, bien sûr qu'il existe en islam. Après, il est issu en fait des captifs de guerre, si tu veux, l'esclavage, dans la jurisprudence islamique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une guerre et qu'il y a des captifs de guerre, le calife ou l'émir de la kativa, il a la possibilité, c'est lui qui choisit, soit il les libère contre rançon, soit il les fait exécuter, ou soit il les réduit en esclavage. Après, il y a aussi une nuance à faire quand même, c'est que dans le concept d'esclavage que qu'ont les Occidentaux, c'est pas tout à fait le même que l'islam. Je sais ce qu'on va me dire, oui, mais c'est de l'esclavage, etc. Oui, certes, mais les esclaves ont quand même des droits et des devoirs, notamment le maître, par exemple. Le maître de l'esclave doit le nourrir et le vêtir comme lui. Ce serait plus un domestique, entre guillemets, qu'un véritable esclave. Mais après, je sais que certains vont dire oui, mais c'est quand même l'esclavage, etc. Ça, après, chacun son idée. D'accord. Enfin, historiquement, les esclaves dans le monde islamique, surtout particulièrement les esclaves noirs africains, les hommes étaient castrés systématiquement. Ça, c'est un fait. Hein. Ah, mais ça, après, ça, dans la jurisprudence islamique, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu de mention de castrer les esclaves. Ça, c'est là, je vous parle d'un fait historique. Bon, c'était une petite digression pour les gens du chat, hein, évidemment, mais on va reprendre le débat. Ouais. Ma Véronique, okay. Après, qui voulait okay. S'exprimer d'abord. On t'écoute, Véronique. Oui, je disais, je ne vais pas faire exploser ma colère en direct. Vous discutez avec des gens qui veulent vivre dans notre pays avec une idéologie qui a 1500 ans en arrière. Mais ça me hérisse. Je sais pas, moi, je veux même pas discuter. Il n'y a pas à discuter. Tout dans leur façon d'être me révolte. Ça me révolte. Quand on me dit il n'est pas possible d'intervenir, de reprendre la main, soit, il faut avoir la souveraineté. Mais me dire qu'il n'est pas possible de régler le problème avec la souveraineté, croyez-moi, on a les moyens. Il serait peut-être temps que ces messieurs français reprennent en main leur virilité un petit peu et s'énervent un petit peu plus devant ce que nous subissons. Parce qu'actuellement, en France, c'est peut-être pas la guerre, mais c'est la guérilla. Enfin, je vous le dis en passant, parce que les agressions personnes, c'est tous les jours. Et ces personnes qui ont la double nationalité, qui de temps en temps retournent au bled voir leur famille, croyez-moi, ils se permettent pas le quart de ce qu'ils se permettent en France. Hein. Il y en a un peu assez de baisser son pantalon devant des gens aussi arriérés. Moi, ça me met dans une colère noire, moi. Je comprends pas qu'on veuille essayer d'expliquer l'islam de France. Non, mais attendez, on est évolué, on est civilisé. D'ailleurs, je pense qu'on l'est un peu trop. Il serait peut-être temps de reprendre la main un petit peu, hein, et de remettre les gens à leur place. Parce que avant, il y avait l'assimilation, hein. L'assimilation, à Rome, tu vis comme un Romain. Déjà, tu prends un prénom français, tu vis comme un français, ça te plaît pas, bah, tu retournes dans ton pays d'origine. C'est aussi clair que ça. Il faudrait être un petit peu plus hardcore, comme je dis. Hein. Ça ferait pas de mal. Ouais. Bon, on entend bien ton sentiment, Véronique. Je veux juste préciser que, vu qu'on, comme tu dis toi-même, hein, on est civilisé, bah, c'est un petit peu aussi, ça fait partie de ça aussi, la discussion et pouvoir s'écouter, écouter tout le monde. Donc, oui, on peut discuter avec tout le monde et voilà, présenter son désaccord comme on le souhaite. Mais en tout cas, on entend bien ton sentiment, Véronique. Justement, je pense qu'on parle trop et on n'agit pas assez. D'accord. Ouais, c'est vrai. Alors, avant mon propos, je voudrais poser une question ou demander quelque chose à Case, mais qui répondra après en préparant sa réponse et son intervention pour qu'elle soit précise. C'est concernant le droit de rapine ou l'excuse de rapine des musulmans envers les non-musulmans, et c'est par rapport à la sourate concernant Mustapha, justement, et sur les attaques de caravanes. Si vous pouvez nous préparer un petit exposé là-dessus pour nous expliquer comment ça s'est passé. Alors maintenant, je vais revenir. Entrez trop dans la théologie, s'il vous plaît, pour pas qu'on fasse. Je pense que c'est très important aussi de voir pourquoi des musulmans à moitié pratiquants se donnent le droit, qui est à nos yeux non islamique, de faire des méfaits, de faire vendre de la drogue, de voler. Hein, un petit peu, on accuse souvent les rabbins de ne pas appliquer aux autres ce qu'ils s'appliquent à eux-mêmes, et on se rend compte que des gens se revendiquant de l'islam font la même chose, c'est-à-dire qu'ils font des choses contre les autres, mais qu'ils ne font pas à eux-mêmes. Voilà. Mais c'est leur fond du judaïsme, l'islam. Voilà. Je reviens maintenant au concept de. Là, je vais venir. Je voulais pas parler de Dar al-Shahada. Donc ça, c'est les pays. C'est la laïcité en Turquie, la séparation des cultes et de l'État en France et ailleurs sont des concepts récents qui ont suscité le concept de Dar al-Shahada, domaine du témoignage. Ce néologisme définit le domaine géographique où les croyants musulmans doivent porter foi en vivant au sein d'une société laïque, mais selon les préceptes de l'islam. Parce qu'on oublie souvent de dire que la laïcité existe aussi dans le christianisme, dans l'Église catholique. Les laïcs, c'est les chrétiens qui n'étaient pas religieux, c'est-à-dire qui n'étaient pas, ce n'étaient pas les prêtres, ce n'est pas les évêques, mais c'est les gens qui avaient un rapport avec la chrétienté, mais qui n'étaient pas, comment dirais-je, rétribués par l'Église. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, tout à l'heure, c'est comment elle s'appelle, qui est Mutus Iber, nous a parlé de Dar al-Dawa. Alors, domaine de l'invitation est un autre néologisme utilisé pour décrire trois choses, historiquement, l'Arabie pré-islamique avant et pendant la vie de Mohammed. Géographiquement, une région où vit une population modérément musulmane ou récemment convertis, à l'exemple des émacs d'Afghanistan, des kalaches du Pakistan, des populations turques ou iranophones de l'Asie centrale ex-soviétique ou chinoise, de la plupart des Indonésiens, population qui garde encore des traditions non musulmanes et qui est invitée à adopter un islam plus pur. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on va en Malaisie, tiens, on se dit, tiens, les Malaisiens sont cool. On va en Indonésie, on dit, tiens, c'est les musulmans, mais ils sont cool. C'est parce qu'ils ont encore gardé une culture pré-islamique. Ils ne sont pas à fond dans la pureté idéologique islamique. Je suis pas d'accord avec ça, Karasmatouf. Hein. Excuse-moi, mais quand on me dit à chaque fois, justement, ah, non, je ne suis pas d'accord du tout, hein, je préfère te le dire. Bah attends, après, laisse-moi finir, après t'interviens. Qui serait je finis juste là. L'Indonésie, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Le maire de il n'y a pas très longtemps, le maire de Jakarta, il a juste fait une déclaration qui a expliqué que les musulmans n'étaient pas obligés de voter pour un homme politique musulman. Il y avait 300 000 personnes dans la rue qui demandaient sa tête. Oui, la déclaration que je viens de tenir. Avec toi, mais des fois, tu mets un truc et les gens s'agitent. Mais c'est autre chose. Revenons, je finis à Dar al-Wa. Après, si vous voulez, je fais Dar al-Am, c'est pas long. Hein. Alors, c'est là c'est quelque chose. On s'égare du sujet, sincèrement, on s'égare. Mais non, c'est l'islam est-elle compatible avec nous, coupable, Marie-Ève? Pour les populations d'origine, là on est enfin plus récemment les populations d'origine musulmane d'Occident désislamisées ou laïcisées, elles aussi invitées à revenir à davantage de pratiques religieuses. Donc on les invite pas à retourner au pays, on les invite à revenir à davantage de pratiques religieuses. Voilà, et c'est là où on va parler d'accommodement non raisonnable de la République vis-à-vis de ces musulmans-là, si on les laisse faire, et qui ne nous vont pas. Je vous laisse le truc, je reviendrai après. Moi, je pense que... Non, mais là, on s'égare, mon cher Karas. Moi, la question, elle n'est pas là du tout. Pour moi, il y a une question essentielle, et justement, qui est dans le cadre de ce débat. Est-ce que, déjà, on peut être musulman et patriote? Ça, c'est une question essentielle, puisque... On le sait, il y a beaucoup de musulmans qui s'affirment patriotes. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Est-ce que c'est possible? Ça aussi, c'est dans la même continuité, dans la perspective justement de cette compatibilité entre la France et l'islam. Et c'est aussi, on le sait très bien, on va pas se mentir, c'est aussi une tendance d'une mouvance de ce qu'on appelle la dissidence qui va dans ce sens-là. Donc, est-ce que ça, c'est possible? Ça, c'est une question que je pose. Bah t'es pas moi en tant que non musulman, est-ce qu'il y a d'autres musulmans? Moi en tant que non musulman, je l'affirme, ce n'est pas possible. Terminé. Est-ce qu'il y a des musulmans sur le Discord? Est-ce qu'il y a des musulmans sur le Discord? Ouais. Donc, je le dis, je non, suis. Non mais ça fait 2 heures qu'on a un cours sur l'islam, alors un peu au français non musulman de parler. Et c'est exactement t'es pas. Comme quand tu as invité Adrien Bozzi, sur lequel je suis d'accord avec 90%, je pense qu'il se plante complètement. C'est que dans la religion, les trois religions, je dis bien les trois, tu ne peux pas allier le patriotisme absolu, surtout la France qui veut dire libre, avec une religion quelle qu'elle soit. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Il faut pas oublier. Mais non, c'est qu'il faut pas oublier maintenant, je me suis rendu compte, c'est que on parle de catholicisme, regardez vraiment, moi j'aime bien nos églises, nos cathédrales et tout, mais regardez bien, c'est une fusion entre les paroles du Christ et les monuments qu'il y a. Je suis désolé, le catholicisme, de base, c'est une fusion entre les messages les plus profonds du Christ et le paganisme. Le pagano-christianisme. Pagano-christianisme. C'est du paysanisme, c'est-à-dire attaché à la terre. Et on ne peut pas être religieux dans le sens des religions abrahamiques, adamiques, Kiev, ce que vous voulez, et être patriote, c'est impossible. Alors, en gardant notre essence européenne. Non, les gars, je suis désolé. Fais de l'histoire, tu verras. Non, mais non, Jeanne d'Arc et tout, c'était une patriote, mon gars. Mais non, mais c'est de l'histoire, mais tu racontes que de la merde. Mais non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétien ou christique. sans être mondialiste, c'est impossible. N'importe quoi, mais tu vois. Mais c'est impossible, c'est impossible. Ouais, de toute façon, quand on voit le pape en train de baiser les pieds des migrants musulmans, voilà. T'as mais c'est, non, mais arrête, ça, c'est pas le pape, c'est pas l'Église, c'est la contre-Église. Tu peux séparer les nations. On s'en fout, l'Église, c'est le pape. Bah, le pape, c'est de la merde aujourd'hui. Ah, bah, dommage, mais il y a un mec. Je te parle du message du Christ. Je suis désolé. Tu peux avoir des nations différentes. Tu ne peux pas être anti-métissage quand tu es pro-chrétien. Je suis désolé. C'est n'importe quoi, c'est de la merde. Mais tu n'as rien compris, je suis désolé. Si, j'ai tout compris, mon gars. Mais j'ai tout compris. C'est de la merde. Parce que quand t'es foncièrement... Qui a construit la France? C'est du baptême de Clovis que est née la France, mon ami. C'est pas le christianisme, on sent. Si, c'est le catholicisme, mon ami. Oui, mais ça, c'est déjà une. C'est du christianisme, c'est du catholisme. C'est l'église de Jésus-Christ, mon gars. C'est l'église de Jésus-Christ. Attendez un instant, juste un instant, s'il vous plaît, juste pour bien comprendre, parce que je suis pas sûr d'avoir parfaitement compris ce que disait Harmomic. Donc, pour Harmomic, si je, encore une fois, j'essaie de bien comprendre ce que tu dis, le patriotisme et la religion, c'est deux choses incompatibles, c'est ça que tu dis? Dans les faits, au niveau de la vie de tous les jours, ok, mais dans la pensée profonde, c'est impossible. Je suis désolé. C'est que quand mais non, mais attendez, laissez-le quand même exprimer son opinion. D'ailleurs, c'est exactement la question qu'on posait justement. Donc c'est je le dis franchement, si la France justement est chrétienne à la base, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je suis désolé, même s'il y a des monuments magnifiques, c'est que tu as un juif à la base, qui est le juif absolu, c'est-à-dire Dieu en personne, qui a délivré son message, qui était adapté à ce qu'on appelle le paganisme. Et c'est pour ça que ça s'est adapté à l'Europe. Voilà. Tu ne peux pas adapter l'islam pur ou le judaïsme pur à l'Europe. Mais non, mais c'est dans la pensée profonde, je ne parle même pas de religion. Si le christianisme, le catholicisme a marché, c'est parce que le Christ avait un message universel. D'amour. Mais justement, non, mais attendez. Je dis pas, j'ai compris ce que vous voulez dire. Le métissage et tout. Je dis pas le contraire. Mais dans l'idée, oui, c'est pas que je suis pro-métissage et tout. Je m'en fous. Les couples, ils se marient, ils se reproduisent entre eux. J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, t'es pas, et là, tu vois, c'est un bon français. Il est métisse, tu vois. C'est pas ça. C'est que je veux dire, c'est que, il faut pas forcer les gens. Seulement, le christianisme, c'est-à-dire basé sur le Christ, dans les évangiles que j'ai lus, est basé sur l'universalité, et vous le voulez ou non. Jeanne d'Arc et tout, ça vient après, ok? Alors, Harmonique, un instant, donc, avant de redonner la parole à Gobio et Case par la suite, moi j'ai vraiment, vraiment bien envie de saisir, parce que je sens que tu fais un peu des raccourcis, etc. On a un peu, et puis tu as été interrompu, donc on a un peu du mal à juste tout bien saisir. Donc moi, ce que tu dis, ça m'évoque en fait un petit peu comme le problème avec la double nationalité, de la double allégeance. Et est-ce que ton propos, c'est de dire qu'on peut pas avoir en même temps une allégeance pour, je dirais, son culte, son dogme religieux, son Dieu, et une allégeance pour sa patrie, sa nation? En fait, est-ce que c'est ça que fondamentalement tu dis ou pas? Dans le contexte actuel, non. Et j'explique pourquoi. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que la France est autant le pays du cartésianisme, c'est-à-dire de Descartes, du pragmatisme, que de la foi. C'est-à-dire que moi, dire oui, je crois en Dieu, ça va rien dire, tu vois. C'est-à-dire que on est dans une époque où on a un certain niveau de technologie et de connaissances pour dire on peut avoir la foi, mais il faut qu'il y ait des réalités tangibles. Et c'est là qu'il y a la grande scission, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut pas dire, c'est comme je disais, je peux dire d'un médecin qui comprend pas une guérison, c'est l'effet placebo, tu vois, ça n'a plus aucun sens. Je peux te dire demain, ah oui, mais c'est Dieu qui a décidé, même si je comprends pas, tu vois. On est dans cette ambiguïté, tu vois. C'est-à-dire que la foi doit suivre un certain raisonnement dans le réel, tout simplement. D'accord. Alors, on va continuer avec Gobio et Kay, si vous voulez réagir sur cette question-là. Donc, Gobio. En partie. Ce que je voulais dire va rejoindre D'accord. Va rejoindre ce qui a été dit. Donc déjà, il y a une erreur, je pense que de recontextualisation. Et ensuite, cette erreur, en fait, c'est simple. Ce que je remarque, c'est qu'on essaye d'expliquer l'islam, c'est qu'on essaye de diminuer le christianisme, l'effet qu'il a eu sur la France, etc. On est en train de baisser le froc. Alors là, du coup, bah, je vais rejoindre un petit peu le coup de gueule de Véronique, parce qu'elle m'avait devancé, parce que tout à l'heure, je voulais gueuler un peu. Il faut arrêter 2 minutes de ne pas assumer. Je veux dire, c'est un scandale. Les mecs viennent imposer une culture... Et nous, on n'a pas le droit de défendre la nôtre. Je veux dire, l'universalisme des chrétiens, etc. Mais attendez, il y a 500 ans, c'était pas ça l'universalisme. Déjà, le village d'à côté, c'était un ennemi, quoi. Je veux dire, c'était même pas à l'échelle des continents. Faut arrêter 2 minutes. Merci Gobio. Ensuite, l'historien, donc, sur ce que disait Armomic. Ouais, je me suis un petit peu... Mais comment dire, on peut pas dire que... La religion catholique, quand t'es catholique, tu ne peux pas être patriote, tu ne peux pas être français. Je suis désolé, il faut recontextualiser les choses, comme disait Gobio. Qui a fait la France ? La France s'est faite sur... Il faut oublier que la Gaule, c'est le premier pays d'Europe qui a été christianisé. Voilà, enfin le plus important, la Gaule, enfin les Gaules. Ensuite, les Francs sont arrivés... Et ça, ils ont dû faire alliance avec les chrétiens gallo-romains. Voilà. Clovis s'est converti. Moi, je le crois profondément. Il s'est converti au catholicisme parce que voilà, il s'est converti au catholicisme. Tout le monde le sait. C'est parce que voilà, il était à mal dans une guerre et il a demandé au dieu de sa femme Clotilde. Que s'il lui donnait la victoire, il se convertirait, il l'a fait. Donc, c'est là qu'a commencé la France, l'embryon de France, mais c'est là qu'a commencé la France, jusqu'à Louis XVI. Ensuite, la France, ça n'a plus été la France. C'est une contre-France, tout simplement. Donc, comme a dit Gobio, tout simplement, c'est que, à un moment donné, avant, il y avait une France avec des gens qui avaient des. Voilà, je vais être un peu vulgaire, avant qu'il y avait des grosses couilles. À l'époque, les gens avaient des couilles, ils étaient virils, même les hommes en général. Et ensuite, petit à petit, mais c'est insidieux, ça a été pendant 200 ans, ça s'est fait petit à petit. Avec la révolution, la côté du roi, et tatata, la filiation, vous la connaissez, c'est très simple, c'est une histoire. Et voilà, tout simplement. Merci. Et c'est ce qui a donné ça. Après, voilà, il faut remettre dans le contexte, tout simplement. Tout simplement. Je ne suis pas d'accord avec toi, même si tu es historien. Tu sais très bien que même si moi je suis personnellement déiste et christique dans les paroles qu'il donne, la France est avant tout une terre de paysans, c'est-à-dire de païens, tout simplement. Exact. Et franchement, devenir catholique pour être français, c'est comme les païens ou les berbères à qui qu'on dit faut être musulman pour rester algérien. Ça n'a aucun sens. Pardon, mais alors, excusez-moi, je vais peut-être essayer de vous mettre d'accord, mais parce que là, pour moi, quand vous dites oui, la France, elle est païenne, le paganisme, il a été absorbé par le catholicisme. Vous savez très bien que les rites païens ont été transcrits dans le catholicisme parce que c'est une spécificité qui est un peu même, on va dire, structurante du catholicisme, d'absorber les cultures locales. D'ailleurs, c'est pour ça que en France, elle va absorber l'ancienne religion qui justement tous les rites païens qui sont très catholiques. Mais le catholicisme en Afrique ou en Amérique du Sud, il va exactement fonctionner de la même façon et il va absorber les rites locaux, le vaudou, etc. Pour le plaisir. Mais ça, c'est vraiment suivant les ethnies, t'es pas justement. Mais pour moi, on est en train quand même de s'éloigner du débat. Moi, je voudrais revenir à cette question essentielle parce que sur le chat, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça. Et pour moi, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'on peut être patriote et musulman? Entre guillemets, est-ce qu'on peut défendre l'idée de la France et être musulman, et c'est-à-dire défendre quand même la patrie française? Visiblement, il y en a qui ont déjà répondu, parce qu'il y a incompatibilité pour les deux, mais moi, c'est une question fondamentale. Oui, alors, mais tu peux défendre la France sans être français. Tu as bien des musulmans dans la Légion étrangère. Bon, hormis le fait que la Légion étrangère, elle défend les intérêts des Rothschild, admettons. Mais si la Légion étrangère défendait les intérêts des Français, il y a bien des musulmans qui sont dans la Légion française. Fais attention à ce que tu dis sur Légion, parce que là, je vais vraiment me fâcher. Fais gaffe. Hein. Mais excuse-moi. Bon, il y en a. Deuxièmement, t'as des musulmans qui veulent que la France reste française parce qu'ils aiment vivre dans une France française et ils ont pas envie que ça devienne islamique parce qu'ils savent très bien que l'islamisme dans tous les pays où il opère, il fait dévoluer les pays dans lesquels il s'applique. Et donc eux, ils peuvent s'épanouir en tant que musulmans discrets dans une France française et ne veulent pas que ça devienne, comme je l'ai dit, un pays musulman majoritaire. Ça peut avoir existé. Juste, je voudrais répondre un peu à Tepa, je te le dis franchement, moi qui suis métis et savoyard, dans l'absolu, on ne peut pas être patriote et musulman. Terminé. Voilà. C'est bon. Il y a pas mal de gens qui réagissent sur le chat qui me disent l'inverse. Tu leur dis quoi à part ça? Parce que un peu plus, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus argumenté. Pour moi, musulman, c'est soumis à l'islam, tout simplement, de ce que je connais. C'est tout. Donc, ce n'est pas possible. C'est terminé. Après, oui, si moi, je parle en termes absolus, t'es pas. Tu ne peux pas être. En fait, c'est même pareil pour toutes les religions. Tu ne peux pas être patriote, surtout la France, ce pays magnifique dont je suis issu, qui est ma mère spirituelle, la France. Tu ne peux pas être un religieux absolu fanatique, c'est impossible. Parce que franc définit libre, c'est impossible. Tu ne peux pas être religieux absolu quand tu es du pays qui se dit libre, terminé. Ah bon, et surtout, français. Je suis désolé, pour moi, je le redéfinis. L'islam, pour moi, est un enfant du judaïsme beaucoup plus que le christianisme. Terminé. Et un bon français, c'est toujours un mauvais musulman, un mauvais juif et un mauvais chrétien. Toujours un bon français. Non, les français attention, français. Jésus, dans les évangiles, il est surnommé fils de David. Les amis, on va essayer de continuer sur cette question parce qu'elle a l'air hyper intéressante. Et donc, on a Case qui voulait réagir d'abord, puis Moutous et Dol. Oui, donc pour répondre à ta question, Topa, bien évidemment, tu trouveras toujours des musulmans qui se diront laïcs, démocrates, etc. Mais ils seront foncièrement en contradiction avec les textes. Et, voilà. et pour ceux qui disent de dire à chaque fois « je pense, je suis », c'est des textes scripturaires. Je pourrais en citer là, de mémoire, je pourrais en citer peut-être des dizaines dans le Coran. Donc ça, c'est factuel. Et le prophète Aïssa Tosalem est venu pour justement abolir le tribalisme. Il a dit notamment dans un hadith, le tribalisme est une pourriture. Donc, a fortiori, le nationalisme également. Et bien évidemment, donc, les musulmans n'ont qu'une... leur nationalité, c'est leur foi. Donc, effectivement, il n'y a pas de patriote musulman. Ou alors, si la personne se décrit comme telle, comme je l'ai dit, elle est en contradiction avec... Encore plus patriote d'un État mécréant. C'est a fortiori encore plus. Ben merci pour ta franchise. Ben, vas-y. Alors, Moutous, je ne sais plus à qui on devait donner la parole à l'assaut. Moutous, qui avait une très bonne intervention précédemment, donc on t'écoute. Ben écoute, le problème, c'est que je viens d'être devancé par Case. C'était justement ce que je voulais dire, que l'islam avait condamné dès les débuts le tribalisme pour ne consacrer que la nation des musulmans, la Oumma. Et par contre, ça, c'est l'islam. Mais les musulmans, c'est différent. Il y a autant de pratiques de l'islam qu'il y a de musulmans. Donc évidemment, voilà. on peut avoir des musulmans patriotes, des gens qui se considèrent comme musulmans et qui sont patriotes, mais qui vont être effectivement à l'encontre, qui vont aller à l'encontre des textes. Mais ça existe et c'est même la majorité. C'est pour ça que dans les solutions que je proposais tout à l'heure, je voulais justement, ces solutions, elles visaient à faire le tri. J'aime pas cette expression, mais quelque part, oui, à faire le tri entre les musulmans sécularisés, qui peuvent être patriotes ou non d'ailleurs, mais qui vont considérer que leur religion fait partie de la sphère privée, et ceux qui leur religion, c'est leur vie, et qui veulent la pratiquer comme il se doit, etc., et qui, eux, ne peuvent vivre que dans des pays musulmans. Et ça reste quand même une minorité parmi les musulmans en France, puisque la majorité sont très occidentalisés. Après, je voulais rebondir aussi sur les solutions, mais c'était par rapport à... c'était plus sur une question de droit, sur notamment ce que j'appellerais la tyrannie des droits de l'homme. mais ça changerait de sujet, donc vous me direz si vous me direz si je peux intervenir sur ça plus tard, mais je laisse d'autres personnes. Voilà. Bon, ok, on y reviendra. Est-ce que Case ou oui, juste, je voulais dire quelque chose à Butus. Effectivement, il y a des pratiques, il y a un islam, il y a des pratiques différentes. Mais il y a un corpus, en fait. Si vous voulez, comme toute idéologie, il y a une méthodologie à respecter. C'est comme si moi, demain, je lis un livre de médecine et j'ouvre mon cabinet et je me prétends médecin. On peut pas parler sans suivre la méthodologie. Donc si à partir du moment où, comme tu as dit, on trahit en fait les textes en se disant musulman, laïque, démocrate, etc., on sort du cadre de l'islam en fait. Et donc on est en contradiction totale. Mais au final, c'est pas pour autant que leur position est acceptable. D'un point de vue islamique, elle n'est pas acceptable, malgré tout le baratin qu'ils disent. Alors bien, peut-être pour continuer, on a Justin Hamidou. Salut à tous. Eh bien, pour répondre sur le tribalisme, oui, l'islam et le prophète a condamné le tribalisme, mais il y a une certaine contradiction, enfin, apparente, on va dire, superficielle. Ben, le fait que, ben, ils disent que un musulman doit commencer par sa nefs. Sa nefs, c'est, on va dire, sa passion, son instinct animal, il doit la satisfaire dans une certaine mesure. Il ne doit pas succomber à son instinct. Et aussi, il doit, c'est comme la charité chrétienne. Ça commence par soi-même, puis, ben, son cercle proche, et puis ça s'étend. Oui, l'islam condamne le tribalisme, mais il y a quand même le bon sens. Donc, tu dois commencer par toi-même. Tu dois te satisfaire pour satisfaire les autres. Voilà tout. Merci. On peut même rajouter que souvent les musulmans, notamment maghrébins, ne se servent de la religion que pour dominer ethniquement. C'est-à-dire que toutes les avancées qu'ils font sous prétexte de l'islam ne sont que des avancées qui servent leur poids démographique et leur poids ethnique en France. Donc, les musulmans. Hein, oui, les musulmans, oui, pas l'islam. Les Maghrébins se servent de l'islam pour dominer ethniquement et non pas pour. Et quand s'ils avaient le pouvoir, demain, je suis sûr qu'ils appliqueraient même pas la charia. Ce serait trop contraignant pour eux. Hein. Ah, c'est vrai, oui. Oui, je suis d'accord. Alors ensuite, Dol, sur cette question très intéressante de pouvoir être patriote et musulman en même temps. Dol. Pas seulement musulman, quelle que soit la religion en général. Moi, je pense qu'on fait un amalgame en fait entre deux questions en réalité. Est-ce que la religion permet le patriotisme, je veux dire, et est-ce que quelqu'un qui est croyant peut être patriote? Et c'est deux questions différentes. Si on parle de la religion, non, parce que la religion est globale. Elle ne reconnaît pas les frontières, elle ne reconnaît pas les nations. C'est un lien entre Dieu et l'homme. C'est un chemin spirituel. C'est lié à aucune nation. Maintenant, quand on est croyant, on est une personne. Quand on est une personne, on a des racines, on vient de quelque part, et on peut être profondément attaché à sa patrie, et être patriote, c'est vouloir se battre pour défendre sa patrie. Donc, je pense que oui, on peut être croyant et patriote, en ce sens qu'on peut croire en Dieu et vouloir défendre sa patrie, ses valeurs, sa nation, son histoire, et c'est semblable, c'est compatriote, mais non, la religion ne permet pas le patriotisme, parce que la religion, elle, qui n'est pas une personne, ne reconnaît pas les nations. Bien, merci Dol. Alors Gobio, je crois qu'il voulait dire quelque chose. Deux petites choses, du coup, je ferai une petite digression de 30 secondes juste après. Mais pour répondre donc à la question, au final, si on regarde, si on essaye d'étudier un peu l'islam de manière factuelle, en observant, c'est-à-dire que j'entends beaucoup les citations, oui, le Coran, oui, l'islam. Non, attendez, là, il faut quand même observer qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, l'islam, c'est quelque chose de fictionnel. Hein. Les musulmans, c'est quelque chose de réel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? À quoi ils sont liés, hein? C'est-à-dire qu'en fait, quand, par exemple, Dol a dit quelque chose de très intéressant, on peut être religieux et défendre sa patrie. Hein. Oui, mais quand, par exemple, on est un musulman, quelle est sa patrie, hein? En fait, est-ce que le gars se considère français? S'il est originaire d'Algérie, est-ce qu'il se considère algérien? Et ou, comme il est musulman, il se considère comme musulman, hein? En fait, elle est là, la question, et c'est ça qu'il faut poser, hein. Bon, d'après les récents sondages, il y a quand même une bonne partie, hein, qui reste une minorité, des musulmans, qui disent oui, il faudrait que la charia, enfin les règles de l'islam prennent le dessus sur les règles les lois de la République. Quand on pose la question sur est-ce que vous pensez que les terroristes de Daesh c'est bien, bon, il y en a un quart qui répond oui, il y en a un quart qui répond non, et il y en a la moitié qui répond on s'en fout un peu quoi. Donc ça veut dire que c'est assez inquiétant. Faut savoir en fait, faut poser directement la question à quel camp vous appartenez. À l'assaut tout à fait. Il y a un moment maintenant du coup, c'est par rapport à nous sommes civilisés, nous pouvons discuter. Oui, dans une certaine mesure. Les mecs, en fait, la violence, on dit c'est pour les faibles, etc. Non. La violence, il y en a deux. Agressive, défensive. Quand j'essaye d'imposer, de conquérir, là je suis agressif. Et quand je suis chez moi et qu'un clampin vient essayer de me cambrioler, là c'est la violence défensive. Bon, on discute tranquillement parce que justement on est civilisé, on est éduqué, on a une morale et des valeurs. Donc le mec, avant de le tuer, on lui dit bon, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas repartir. On lui dit gentiment, on lui explique gentiment les choses. Bon, le mec il veut pas. Il veut pas se casser. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'en fait, il ne faut pas confondre être civilisé et être faible et se laisser faire. Et c'est là en fait le grand souci, c'est que avec toujours l'humanisme, être civilisé, etc. Alors je sais que tu n'as pas dit ça comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de cette manière. Je pense qu'il faut arrêter d'être faible. Et que quand le mec, on vient lui adresser la parole, écoute, si on n'est pas d'accord avec ce que tu es, ce que tu veux, tu nous imposes des choses que nous ne voulons pas dans notre pays, tu dégages. Et si la personne ne veut pas, bah, il faut être prêt à retrouver en fait la virilité qu'on a perdue il y a quelques décennies en fait. Je ne sais pas si vous me suivez sur ce point. Si, c'est très cohérent et merci de préciser de cette façon le propos sur ça. Alors pour la suite, je crois qu'on n'avait pas Turin. Ouais, encore Gobio. Ouais, merci. Donc là j'aurais pu rebondir sur ce qu'a dit Gobio, mais je voulais simplement donc toujours sur les musulmans patriotes, moi c'est une interrogation que j'ai, alors vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est juste un truc que je me demande. Donc sur les musulmans patriotes, donc ça peut être bien sur le papier, on peut y croire ou pas, dire que c'est compatible avec l'islam ou pas, etc. Mais seulement sur le plan quantitatif, je lis et j'entends qu'il y en a de plus en plus, que ça monte. Donc on en a même ici quelques-uns sur le chat. Mais moi, c'est pas l'impression que j'ai, c'est pas le ressenti que j'ai. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment très, très, très minoritaire, que ça ne passe pas. Et donc, je sais pas trop où on en est, en fait, à ce niveau-là, sur les muses qui jouent le jeu, en fait. Est-ce qu'ils sont si nombreux que ça, ou, enfin, je sais pas du tout où on en est, quoi, à ce niveau-là, au niveau de la percée dans la population, si ça prend ou pas, en fait. Eh ben, tiens, tout à l'heure, il y a Khalil qui m'a posé la question. Eh ben, Khalil, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, des musulmans patriotes? Concernant les musulmans patriotes, déjà, il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire par rapport, en fait, à la religion musulmane et, on va dire, les musulmans. Malheureusement aujourd'hui, musulmans, c'est uniquement par rapport, on va dire, à leur, on va dire, leurs origines, pas forcément par rapport, c'est-à-dire à une pratique la foi, de la religion. Donc, mais est-ce que c'est compatible? La question, est-ce que on peut être musulman et patriote? C'est une question simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prétendent musulmans patriotes. C'est une notion aujourd'hui, d'ailleurs, qui est très répandue. D'autres la contestent, tu vois, même Kess qui, lui, se dit musulman et il pense que c'est incompatible. D'autres nous ont expliqué pour d'autres raisons aussi qu'ils pensent que c'est incompatible. Justin, lui, nous a dit une autre vision. Et toi, quelle est ta vision là-dessus, quoi? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que, clairement, on peut être musulman et patriote? Moi, je pense que si, on peut être musulman et justement patriote. Et ces musulmans-là, même s'ils ne se revendiquent pas forcément, on va dire, par exemple, français, ils se sentent patriotes par rapport à leur pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Donc, ils peuvent aussi y avoir des musulmans, on va dire, français patriotes. En fait, c'est juste, moi, je pense que le problème, il est dans les deux sens. Si ces musulmans-là ne se sentent pas forcément français, peut-être parce que ils sentent qu'il y a un certain rejet de la part justement de la France, de l'État français. Je sais pas si on n'est pas musulman, enfin on n'est pas patriote pour l'État français. Tu vois, la majorité des gens ici qui se déclarent patriotes. C'est pas pour autant que ce sont des fervents admirateurs ou supporters de l'État français. Enfin, c'est le rapport à la France, il est charnel, justement, sur le débat, justement, cette notion d'État. Moi, c'est ça le fond de la chose. Oui, donc, si tu veux dire patriote par rapport à, c'est-à-dire, où on se sent, c'est-à-dire, patriote par rapport à quoi? C'est-à-dire à la France, Par exemple, pour la France, ce qui nous concerne, oui. La France, voilà, par rapport à patriote, par rapport à la France. Moi, je pense que si la majorité des musulmans, ils se sentent, c'est-à-dire, ils sont patriotes. Ils aiment la France. Ils aiment la France et ça ça se voit. Si je peux me permettre. Attends, Gobio, juste un instant. C'est quand même une assertion peut-être pas forcément vérifiée, parce que justement, comme toi, tu l'as dit, Khalil, le gros des musulmans, on va dire, en France, ils viennent sont originaires, en tout cas, de pays, bah, principalement, on va dire, d'Afrique du Nord et de Turquie, pour d'autres. Oui. Et donc, y a beaucoup de ce mélange, j'ai envie de dire, entre les cultures, donc les cultures, si tu veux, des pays d'où proviennent ces descendants d'immigrés ou ces immigrés, et leur religion, puisque évidemment ces cultures-là sont baignées dans la religion musulmane. Affirmer que la majorité des musulmans en France, aiment la France comme peut l'aimer un patriote français, je pense que c'est quand même aller chercher quelque chose qui est pas forcément vérifié, quoi. Je serais plus d'accord avec le début de ton intervention sur le fait qu'ils puissent être patriotes, mais vers leur pays d'origine, justement. Non, pas forcément. Et ça peut être les deux. Et la question ne se pose pas quand il s'agit, par exemple, des Italiens ou, par exemple, autres. Il y a aussi des Italiens, des Polonais, qui se revendiquent aussi de leur culture, par exemple, d'origine. Alors, en contradiction avec ce qu'a dit Case depuis tout à l'heure, puisqu'il nous a expliqué que, justement, selon lui, en islam, c'était complètement contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, on peut être, on va dire les deux. Par exemple, l'islam et les musulmans. Pour deux secondes, pour Khalil et pour Case, en fait, c'est une question. Juste pour ça sert pas de laisser finir Khalil. Laissez-le finir. Ok, je laisse finir. Juste pour éclaircir ce point-là. En fait, la question. La question. Ouais. Alors, tout à l'heure, on disait que l'islam, de par la Oumma, ne reconnaît pas les nations, mais étant donné que les nations, c'est quand même un concept géographique et de loi, la nation française, c'est plusieurs peuples. Si l'islam ne reconnaît pas les nations, est-ce qu'elle reconnaît les peuples? Est-ce que si l'islam ne reconnaît pas les nations, c'est-à-dire comment on va dire dans la loi, est-ce qu'elle reconnaît les peuples intrinsèquement peuples, par exemple, tu vas voir les Maasai, les Bretons ou les Inuits, tu vois. Est-ce que le concept de nation existait à la création de l'islam? Que dalle. L'islam a été créé entre bédouins dans un système patriarcal à un niveau où justement c'était des nomades, où il y avait des oasis très rares. C'est simple, c'est le patriarche qui se tapait toutes les gonzesses. Ok. Et de là est né, enfin pas est né, Mais de là, l'islam les a influencés, tout simplement. Alors, attendez. Il faut recentrer parce qu'on va sortir des raccourcis un peu faciles. Bah, Khalil. Voilà, Khalil. L'islam est l'ennemi d'Angers. Moi, personnellement, je suis pas un fan connaisseur, c'est-à-dire de l'islam. Est-ce qu'il y a des textes justement qui vérifient ce qui a été dit? L'islam ne reconnaît pas les nations. Moi personnellement, je peux pas dire ça. Et ces gens-là, est-ce qu'il y a vraiment des textes sur lesquels vraiment, c'est-à-dire, ils s'appuient? Et est-ce que ces textes-là, c'est vraiment valable, par exemple aujourd'hui? Parce que l'islam aussi, sa révolution. Ça évolue avec le temps, et je pense que même la notion d'État, ça n'existait pas en fait avant. Donc, Khalil était obligé de reconnaître que pour que ça se passe bien dans le monde actuel, t'es obligé de couper certains dires, certaines sourates. Je suis désolé. Et c'est pareil pour le christianisme, le judaïsme. Pour que ça se passe bien entre les musulmans, les chrétiens et les juifs, t'es obligé de diminuer l'impact de certaines sourates ou d'autres textes. Voilà, je suis désolé. Alors Monique, Khalil, si tu permets, juste avant que tu reprennes, parce que t'as quand même dit des choses intéressantes et qui vont permettre de recentrer. Donc, par exemple, ce que tu disais sur le fait que on se posait pas la question sur les Italiens, les Polonais, etc. Mais justement, précisément, en fait, pourquoi est-ce qu'on pose pas nécessairement la question de savoir si des Italiens ou des Polonais pourraient être parfaitement patriotes, disons, ou considérés comme tels, c'est justement peut-être parce qu'il y a cette différence-là qui est celle de la religion qui partage en fait avec cet environnement géographique, si tu veux. Donc alors, un instant, Gobio, avant que tu reprennes, je vais quand même juste finir ça. C'est juste, si on se pose beaucoup la question de savoir, enfin beaucoup, là actuellement en tout cas, et certainement par ailleurs, la question de savoir si musulmans et patriotes, c'est deux notions, je dirais, compatibles ou qui vont de pair, quoi, possiblement, c'est parce que on peut pas se la poser de la même façon, en tout cas quand on se la pose avec des personnes qui partagent en fait un passif ou un passé culturel religieux qui est celui de l'Occident ou de l'Europe occidentale ou de l'Europe plus généralement, et c'est pour ça qu'on se pose cette question là, voilà. Donc Gobio, peut-être que tu veux réagir à ça. Excusez-moi, mais même le patriotisme, hein, excuse-moi Gobio, mais même le patriotisme, c'est un concept un petit peu volatile. Tu peux être musulman patriote d'une France black blanc beurre avec des mosquées, d'un espèce de Brésil avec des minarets, mais ça te fait pas de toi un musulman nationaliste français. Moi, quand je te parlais des 2-3 maghrébins qu'on peut comparer à des poissons volants, c'était des gens d'origine musulmane qui sont de nationalité française et des nationalistes français. C'est-à-dire, ils étaient pour un nationalisme français. C'est-à-dire, les Français d'abord. Voilà, c'est tout. Ça existe, mais c'est des poissons volants. Il n'y en a pas beaucoup. Gobio ? Ah oui, alors deux points, en fait, qui ont été soulevés, c'est premièrement, en fait, il y a le système de la taquia. C'est-à-dire que moi, je vais parler de mon expérience personnelle. Hein. J'ai discuté, donc j'habite dans le 93, je vis avec eux, je travaille avec eux. Et j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. Souvent, ils font un grand sourire, mais quand on leur dit, on me dit, non, mais les mecs, ils peuvent être patriotes et tout, j'en ai jamais vu. Hein. J'ai vu certains, maghrébins qui étaient patriotes, mais c'était des mecs isolés dans des villes en général, dans des milieux assez bourgeois. Quand on est dans le 93, ça n'existe pas. Ce sont des mecs qui ont leurs valeurs de leur pays, et quand on demande à un gars. T'es d'où, hein? Et il dit, mais moi je suis algérien. Il dit, mais ta nationalité? Non, je suis nationalité française, mais je viens de l'Algérie, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a une sorte de taqia. Alors, c'est pas la taqia de guerre, mais on va dire que c'est une taquière, on va dire, culturelle. Hein. C'est je fais des grands sourires, etc. Mais quand on discute avec eux, c'est non, mais la femme est inférieure, le but c'est le djihad, etc. Et là, je suis pas en train d'extrapoler, en fait. Et je l'ai entendu d'un très grand nombre de musulmans. Après, pour ce qui a été dit à propos des Italiens, des Portugais, etc. Alors là, c'est faux. Moi, j'ai très rarement vu un mec dire non, mais moi je suis italien alors qu'il a la carte d'identité française. En général, le mec qui va jouer un petit peu. Il va jouer un petit peu avec son côté, ouais, je suis d'origine italienne, bon voilà, il va te parler deux mots, terminé. En trois générations, les Italiens, soit ils sont repartis, soit ils sont totalement intégrés. Hein. Et la plupart du temps, on ne ferait pas la différence entre un Italien, il y a même les Polonais, ils sont un peu restés parce que c'était des pays un peu lointains. Hein. Mais moi, j'ai parlé à des gars, j'ai appris des années plus tard qu'ils étaient d'origine polonaise, il y a à peine deux générations, ou italiens. Ouais, ouais, d'accord. Mais parce que la culture est la même. Hein. D'accord, on est donc, des occidentaux. Puisque voilà, bah, exactement, bah, c'est quasiment ce que je disais en fait pour te répondre rapidement, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'il y avait quelque chose de commun, une espèce de peut-être d'essence commune à des nations différentes voisines, mais qui a largement facilité l'intégration et qui a surtout fait qu'on se pose pas la question avec disons des populations de ces pays-là. C'est-à-dire aujourd'hui en France, on pose pas la question de savoir si les Polonais, les Italiens, les Portugais ou les Espagnols sont entre guillemets compatibles avec la France. Et pourtant, il se trouve que dans cette mouvance un peu patriote nationaliste aujourd'hui française, on se pose bien la question sur les musulmans et donc pour être plus précis les immigrés descendants d'immigrés plutôt des pays à majorité musulmane. Voilà, on se pose la question envers ces populations mais pas sur les autres. Donc c'est bien qu'il y a et la différence précisément entre ces deux entre guillemets types de population, c'est la religion. Enfin, a priori, c'est ça. Puis après, certainement, évidemment, beaucoup de cultures et de traditions hors religion différentes. En tout cas, c'est ce qui nous amène à nous poser la question sur cette population-là précisément et pas sur les autres. Donc voilà. Et il y a juste Justin qui veut intervenir après ça. Et ensuite, je pense que Cara avait quelque chose à dire. Ok. Par rapport au fait que les Maghrébins, enfin, du 93, les Maghrébins, les musulmans qui sont, on va dire, dans des quartiers à majorité musulmane, ben, extra-européenne. Oui, je comprends leur comportement, parce que je les vois quand ils reviennent en Algérie. C'est, en partie, une certaine jalousie envers les Français qui réussissent, parce que les Maghrébins qui sont plutôt ingénieurs et de classe moyenne, de classe supérieure, je remarque qu'ils sont plutôt, on va dire, soit neutres, soit patriotes envers la France. Ceux qui reviennent en Algérie, en vacances. Les gens, on va dire, qui sont de classe moyenne ou bien inférieure, il y a de la jalousie, certains, on va dire, ressentiments envers les blancs, entre guillemets. C'est pas un truc excusable et justifiable, mais c'est leur justification du fait qu'ils sont pas patriotes. Aussi, en grande partie, je pense que c'est surtout le fait d'être dans un groupe et de ne pas, on va dire, essayer de sortir de la ligne du groupe. Si tu sors de la ligne du groupe, tu te fais ostraciser, exiler, traiter de, je sais pas, de cochon, de lécheur, de blanc, un truc comme ça. C'est surtout ça. Après, c'est juste mon avis. D'accord. Alors, Cara ? Ouais. Je suis là sur le truc algérien. Bon, moi, j'avais deux petites anecdotes. C'est dans ma famille, des gens qui se sentent entre solidaires des migrants soudanais parce que Pépé était migrant polonais, quoi. Tu vois, là, l'autre habillant, moi, les pauvres, mais quand même, nous aussi, mon arrière-grand-père, il était italien. Donc, quand même, je peux pas cracher sur les migrants. Donc, bon, bref, ça, c'est des fous, n'en parlons pas. Maintenant, sur le nationalisme ou le patriotisme, c'est deux concepts aussi qu'il nous faut définir, parce que les gens parlent du patriotisme. Est-ce que tu peux être patriote d'un pays, soutenir un pays qui organise l'injustice dans le monde en attaquant la Libye comme on l'a fait dernièrement, comme la République française l'a fait dernièrement, ou en livrant des armes à des terroristes en Syrie? Donc être patriote d'un pays comme ça, en fait, c'est être solidaire de l'injustice que ton pays fait. Mais quand tu es nationaliste, non seulement tu condamnes ces choses-là, et tu luttes pour reprendre le pouvoir, pour avoir un pays nationaliste les tient d'abord, c'est-à-dire une terre, un peuple et un leader, comme dirait l'autre. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais le musulman patriote, il peut très bien être musulman patriote dans une France qui favorise son épanouissement en tant que corps étranger au sein de la nation française, puisque quand tu es français de nationalité française avec une origine différente, tu as exactement les mêmes droits que tous les Français dits de souche ou d'origine extraterrestre, ceux qui n'ont pas d'origine connue autre. Le souci, c'est qu'on a donné la nationalité française à des gens qui ne la méritaient pas ou qui ne la voulaient pas vraiment ou qui n'en étaient pas dignes. Et aujourd'hui, ils se servent de cette nationalité-là, leur vision de la francité. C'est-à-dire qu'une nana qui te dit « oui, mais moi, j'ai le droit de mettre le voile », mais tu dis « mais comment ça, toi, tu veux mettre le voile, mais ça se fait pas en France ?» Ben si, je suis française. Ben non, quand tu es française, tu mets pas le voile, parce que devenir française, c'est une double adoption. C'est quelqu'un qui adopte, c'est un pays qui adopte un nouveau citoyen, c'est comme une adoption d'enfant, mais ça nécessite aussi que cet enfant, donc le nouveau citoyen français, adopte la culture, les mœurs et les coutumes de cette même nation, de cette famille dans laquelle elle rentre. Et le problème, c'est que les nouveaux citoyens ont des droits, mais n'ont aucun devoir. Et être français, c'est être français. On est français quand on est français, même si on ne l'était pas avant, quand on l'est devenu. Et c'est là où le bas blesse. Pardon, mais mon cher Karas, quand tu me dis être français et être patriote, ce serait défendre la politique menée par le gouvernement français. Je suis absolument pas d'accord. Parce que pour moi, même l'amour que je peux avoir de la France, c'est pas l'amour du gouvernement Macron, Hollande ou Sarkozy. je m'en contrefous complètement. Moi, c'est l'amour du peuple français. C'est-à-dire l'amour que je ressens tous les jours quand tu parles avec ce peuple, quand tu vis avec ce peuple, quand tu en fais partie, avec cette langue, la langue française, qui est tellement magnifique, tellement précise, cette histoire, ce patrimoine, c'est ça que j'aime, c'est ça la France, c'est ça le patriotisme, c'est ça que j'ai envie de défendre, c'est cette continuité-là, et c'est certainement pas la politique menée par je ne sais quel pantin, qui, on sait très bien, dans ce système-là républicain, amène au pouvoir des traîtres qui, eux, justement, ne sont pas des gens qui portent cet amour de la France en eux. Donc, pour moi, le patriotisme, je le définis pas du tout du point de vue de défendre tel ou tel gouvernement. Ça ne s'exprime pas comme ça, à mon sens. Tout à fait. Et d'ailleurs, si tu me permets de rebondir là-dessus, moi, je suis justement musulman et patriote. Donc, moi, mon patriotisme, ce serait plutôt celui que tu décris, en fait. Bah, excuse-moi, comment tu peux... Attendez, merci de laisser finir Alex. Il n'a pas dit un mot de la soirée, donc on va le laisser finir. Merci, Alex. Celui que tu décris, Karas ou Tepa, c'est ça qu'il faut préciser, juste. On parle de Isalex, c'est lui qui s'exprimait, on va le laisser terminer. Ouais, mais c'est le patriotisme, c'est celui que tu décris, mais il faut savoir qui est... Celui de Tepa. Et donc, moi, c'est vraiment, tu vois, l'amour de la langue, etc. Et pas du tout le gouvernement Macron. En fait, je pense que le travail qu'il faudrait faire, c'est vraiment un travail dans l'éducation nationale, dans les médias, qu'on arrête de faire détester la France à tout le monde. Parce que quand t'es français et qu'on te fait détester la France, au final, t'as nulle part où te tourner. Donc forcément, tu restes français. Quand t'as des origines, je peux comprendre que certains préfèrent se tourner vers leurs origines. Après, moi, je me disais musulman et patriote. Et j'ai écouté vos arguments toute la soirée et moi, je pensais que j'allais pouvoir donner les miens assez facilement et vous m'avez assez vite coupé la chic parce que en fait, je me rends compte que c'est pas le fait d'être musulman et patriote qui pose problème, parce que je pense que vous parlez beaucoup des gens émigrés et qui ont vraiment des traditions. Et en fait, moi, dans mon cas particulier, je suis converti à l'islam, donc j'ai cette tradition française, je suis né dedans, donc je n'ai pas trop d'arguments à valoir parce que je ne suis pas de ces pays-là. Bah là, ouais, c'était plutôt intéressant comme réaction. J'espère que tu vas pouvoir développer encore un peu après Isalex. En tout cas, on va donner la parole à Moutous qui l'attend. Eh ben, écoutez, je me suis encore fait devancer. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y a la question des convertis et c'est une question importante. Et je parle en connaissance de cause puisque que j'ai été convertie à l'islam pendant 3 ans avant d'apostasier. Effectivement, je suis française, de tradition française, de culture française, et ça a été très difficile pour moi pendant ma conversion de me faire reprocher d'être finalement étrangère parce que je portais le voile, etc., etc. Et effectivement, la question des convertis, elle est d'autant plus importante qu'il y en a de plus en plus. Et je pense qu'il faut s'interroger sur les raisons qui poussent les gens, notamment, à se convertir à l'islam, parce que ça résulte souvent d'un rejet de la société française telle qu'elle est, du système français tel qu'il est actuellement. Et on ne peut pas dire à quelqu'un qui est français, qui n'a que la nationalité française, bah écoute, tu portes le voile, tu n'es plus française, ce n'est pas compatible avec la République. C'est très difficile pour eux d'entendre ça. Et pourtant, c'est un vrai problème de fond. Et je sais pas, là, je connais pas la solution pour le coup. Encore une fois, c'est ce que je me disais, c'était sur le fait de faire que les convertis soient quittent, fassent la hijra et quittent la France, mais c'est très difficile pour eux puisqu'ils n'ont que la France comme tradition. Et il y a des exemples de musulmans convertis comme ça. Alors c'était un Belge en l'occurrence, je ne sais pas si certains connaissent le Belge Abou Rayan, converti à l'islam, qui a fait de la prison d'ailleurs. Bon. Et ce gars-là essayait de partir, de faire la hijra. Non, il n'est pas barbu, il a un petit bouc. Et ce gars-là essayait de faire la hijra en Tunisie. Et il est revenu parce qu'il était belge, il est belge de souche et il n'a pas supporté de vivre en Tunisie malgré le fait que il soit complètement musulman, très pratiquant et même très radical, je dirais. Et ça, c'est encore une fois un problème à régler. C'est très délicat parce qu'on a tendance à considérer l'islam vraiment comme un bloc monolithique, alors que l'islam c'est un corpus de textes, c'est une chose, c'est quelque chose de théorique, mais à côté de ça, il y a les musulmans. Et là, on est vraiment dans la multiplicité des cas et c'est compliqué à prendre en compte. Merci encore à toi, Moutous. On a Khalil qui voulait rajouter quelque chose. Oui, en fait, je vais aller dans le sens de la fille qui a parlé juste avant. Et c'est ça, en fait. D'accord. Donc il y a l'islam, et voilà, c'est-à-dire les musulmans et dans la pratique. Et concernant ce qu'il a dit, on va dire, tout à l'heure, concernant, on va dire, le patriotisme, si c'est ça, en fait, c'est-à-dire la définition du patriotisme, c'est totalement, on va dire, compatible. Après, il pourrait y avoir plusieurs, on va dire, définitions. Le patriotisme, c'est une philosophie, on va dire, et chacun, il va en fait définir le patriotisme, c'est-à-dire à sa manière. Et là, il pourrait y avoir plusieurs façons de penser. Donc, il pourrait y avoir des patriotes ou pas. Donc, le curseur, ça dépend où le placer. Donc, voilà. Bah, c'est intéressant que tu dises que c'est incompatible dans la définition parce que lorsque j'ai donné ma définition du patriotisme, immédiatement sur le chat, il y en a énormément qui m'ont dit bah, « voilà, on est complètement d'accord avec cette définition-là ». Oui. Donc c'est intéressant après, que tu dises que c'est incompatible. Et là où je trouve c'est beaucoup plus intéressant, c'est que il y a même des Français, on va dire des Français de souche, qui ne sont pas d'accord avec cette définition là. C'est-à-dire c'est là où ça devient même, c'est-à-dire même des Français, on va dire blancs ou par exemple de souche, qui ne sont pas d'accord avec cette définition. Donc il y a plusieurs façons de penser et pas que, c'est-à-dire musulmans et non musulmans. Donc chacun, moi j'ai tendance à considérer que chacun a sa façon de penser et sa façon d'être, on va dire musulman. À partir de là, on peut pas donner une réponse pour tout le monde. de façon générale. Alors, voilà, tout à fait. Et moi, en l'occurrence, je parlais de mon cas personnel et je ne parle pas au nom de tous les musulmans de France, et je parle uniquement de mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que Mitus disait, c'est que moi, justement, dans mon cas personnel, quand je me suis converti, c'était justement, j'étais dans une période de rejet de la société et je ne me serais pas du tout défini comme patriote. Et ma conscience est arrivée plus tard. Mais j'ai gardé cet islam en moi, cette croyance, cette foi, et j'arrive à allier les deux puisque ma vie de tous les jours m'empêche pas de pratiquer ma religion. Donc pour d'accord. Moi, alors une question. Est-ce que toi, en tant que converti, donc tu nous as expliqué que tu étais d'origine française, donc j'imagine de souche française, te sens-tu solidaire des clandestins qui, eux, par exemple, peuvent être musulmans, ils le sont pour la plupart. Est-ce que tu te sens aussi solidaire donc de ces clandestins que de tes compatriotes français ? Non, pas du tout. Réponse claire et nette. Non, bah okay. Non, franchement, c'est parce que ça va pas du tout avec le patriotisme, puisque c'est là, on assiste à une destruction de la France. Donc, je pourrais pas être patriote et solidaire de l'immigration provoquée. Tout à fait. Ok. Non, mais c'était une question. Écoute, c'est une question parce que je trouve qu'elle est bien dans le cadre. Ouais, ouais. Mais par contre, je reste d'une certaine partie solidaire d'eux par rapport à ce qu'on leur a fait subir. Et bien sûr, nous en tant que Français, pas nous en tant que Français, mais la France, justement, de Macron, Hollande et Sarkozy dont on parlait, a pas différencié avec la France qu'on aime. Mais alors une question aussi, j'en profite, excuse-moi, parce que c'est quand même un peu singulier justement les convertis qui sont de Français de souche. L'islamisation de la France, puisque aujourd'hui, en 1960, il devait y avoir une dizaine de mosquées. Aujourd'hui, on le sait qu'il y en a quasiment plus de 3000 sur tout le territoire, et c'est un chiffre exponentiel. Est-ce que tu considères que c'est une bonne chose, ou est-ce que on considère qu'il faut freiner ce mouvement ? Les mosquées, ça me dérange pas. Après, le fait les mosquées ostentatoires, par contre, sont plus dérangeantes. Il faut bien évidemment des lieux de culte pour je puisse pratiquer ma religion, mais sans empiéter sur le pays dans lequel je suis. Je peux faire ma prière sans être dans la rue. Je peux la faire chez moi. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction justement presque insurmontable entre le fait qu'il y a un développement des mosquées qui est dû à la présence des musulmans qui est exponentiellement et démographiquement galopante, et le fait que les Français, comme on l'a constaté dans le débat, beaucoup de Français en tout cas rejettent cette islamisation. Est-ce que justement c'est pas quelque part le point de contradiction pour un converti musulman français de souche? Complètement, c'est un paradoxe, mais une fois de plus, moi, la construction de toutes ces mosquées, beaucoup de musulmans te diront parce que prier à plusieurs, t'as beaucoup plus de récompenses. Un certain nombre de récompenses, je me rappelle plus le chiffre exact, donc je le dirai pas. Mais il faut savoir que si je vais chez moi et que j'appelle un autre musulman et qu'on prie à deux, on est plusieurs. Non, mais ça, j'entends bien. Mais tu admets donc qu'il y a un point de contradiction quand même, que c'est une limite de concéder l'islamisation et à la fois de vouloir conserver la continuité historique de la France. Il me semble pas que ce soit une contradiction, parce que pour moi, la construction des mosquées n'est pas obligatoire et de façon ostentatoire. Chez moi, je peux très bien allouer une pièce pour peut-être 10 personnes. Alors, elle n'est pas obligatoire, mais elle n'est pas interdite non plus. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas empêcher son développement par définition. Plus il y aura de musulmans, plus il y aura de mosquées. C'est une évidence, là. Oui, peut-être. Après, il faudrait... moi, par exemple, j'ai pas besoin de mosquée. Pour être proche de Dieu, j'ai pas besoin de mosquée. Après, c'est peut-être que je suis pas d'origine, mais je pense pas que ce soit de ce fait-là, parce que je pense pas que dans la religion musulmane, il y ait écrit que dans le Coran ou dans les hadiths prophétiques, que la mosquée est obligatoire. D'accord. Et aussi, alors, au niveau de la question, alors, toi, par exemple, tu serais pour l'autorisation, par exemple, du port du voile généralisé et qu'on en finisse avec les interdictions telles qu'elles sont à l'école, telles qu'elles sont dans certaines entreprises, etc., dans l'administration ? Bah, sur le port du voile, j'avoue que moi, je vois pas... Je vois pas la gêne. Pour moi, c'est pas une insulte à la France que de porter le voile. Oh putain. Ah mais si, carrément, mec. C'est pour ça que si je peux placer juste une phrase, je me permets 10 secondes. C'est pour ça qu'en fait, du point de vue de beaucoup de Français et du mien, parce que je suis pas seul, les convertis en fait sont considérés comme des traîtres, hein, parce que ils abandonnent en fait leur civilisation, la loyauté envers leur civilisation pour une autre. Hein. Donc après, il faut être des grands garçons et assumer derrière. Hein, c'est tout. On est Français, mais pas le voile. Alors, dans l'ordre, on va d'abord surtout laisser la parole à Véro et la suite hein, après. Ouais, je voulais juste te dire une chose. Être patriote pour vous, est-ce que c'est juste un mot ou est-ce que c'est en acte? Est-ce que un musulman qui est originaire d'un pays du Maghreb sera capable de prendre les armes et de tuer pour la France? C'est juste une petite question. Non, mais c'est une bonne question. Ah, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Donc... Déjà fait. Tu parles de quoi, toi? Tu parles de quoi? La Deuxième Guerre mondiale, tirailleurs sénégalais. Ouais, moi je te parle de. Qui te parle de la Deuxième Guerre mondiale, tu vas pas nous rebalancer encore l'histoire de France. Hein. Ouais, là, non, je te parle d'aujourd'hui. Moi, je te parle d'aujourd'hui, moi. Ça existe. Mais bon, c'est vrai, c'est pas la majorité. Il y a plein de musulmans qui seraient prêts à faire couler leur sang pour la France. J'en suis persuadé. Attendez, persuadé. Alors, moi, je vais juste vous donner un petit détail. Juste un petit détail factuel. Parce que moi, je crois en ce que je vois. Moi, je crois aux faits, pas aux paroles. Moi, j'ai vu pendant la guerre du Golfe, n'est-ce pas, on avait envoyé des bateaux de la Marine nationale pour amener nos troupes françaises faire cette fameuse guerre au Koweït. Ouais. Hein? Rappelez-vous. Les bateaux, ils ont été bloqués par les soldats français musulmans, qui les ont empêchés de partir parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille tuer leurs frères musulmans. Résultat, la France a été obligée de louer des bateaux civils pour emmener nos soldats là-bas. J'ajouterais, Véronique, et ce que tu dis est d'autant plus vrai, et que c'est un cas qui s'est réitéré depuis dans des interventions et toutes les OPEX de la France, où des soldats musulmans ont déjà refusé de participer à des opérations parce qu'en face, il y avait des musulmans. Donc ça, ça s'est comment dire, avéré dans un certain nombre de cas. Donc c'est ce qu'elle dit là est un fait absolument avéré. T'es pas d'ailleurs l'erreur qu'a fait l'armée, c'est de pas, par exemple, il y a eu un moment une prise d'otage avec un de ces bateaux pendant la guerre du Golfe parce qu'ils voulaient pas bombarder. Bon, enfin bref, bon, quand les commandos marines ont récupéré le bateau, ils auraient dû les exécuter en fait pour donner le signal. Tu vois, ce sont des symboles forts qu'il faut envoyer pour éviter après des grosses mutineries en fait. Si dès le départ les mecs ils savent que s'ils jouent au con ils prennent une balle parce qu'on est dans l'armée, on est en guerre. Bah là, ça va plus, quoi. Mais là, on parle d'abnégation, quoi, en fait. C'est comme le CRS qui refuserait d'obéir à un ordre de taper sa mère parce qu'elle fait partie d'une manifestation. Effectivement, c'est con parce que là, c'est des musulmans qui veulent pas taper sur un pays musulman. Mais imagine, ça aurait été un Français nationaliste contre la guerre du Golfe, contre la guerre en Libye et qui aurait refusé de participer à cette guerre-là parce qu'elle était dégueulasse. Ben, ça là, vous ne l'auriez pas relevé. Donc effectivement, pas mon cher, les communistes pendant la guerre qui se sont comportés comme des collabos, on le relève de la même façon. Donc alors ça, je peux continuer. Je peux continuer de pas concernant cette fameuse guerre. Oui. Parlons des communistes où justement toutes les munitions partaient de France et allaient vers Toulon pour ensuite être embarquées sur ces bateaux qui devaient amener les munitions à nos soldats. On a eu alors déjà les trains ont été bloqués par les communistes qui disent non, on est contre la guerre, on va pas tuer nos frères, nanana. Mais on s'est souvenu quand même dans les différents conflits précédents où les munitions avaient été bousillées exprès pour pas que les soldats se battent. Bah, la dernière en date, c'est l'Algérie, hein, pour pas en parler. Il a fallu quand même prendre des officiers ou sous-officiers capables de diriger les trains. Ils ont quand même eu accès aux trains, donc ils ont piloté les trains jusqu'à Toulon. Et là, il a fallu vérifier toutes les munitions. Tout voilà. À fait. Non, alors là, traîtrise, croyez-moi, voilà, on commence à être habitué. Le communisme désigne le dévouement d'un individu envers son pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie. Et effectivement, bah là, tu peux être patriote de ton pays et quand on t'envoie faire des guerres injustes ou des coups tordus injustes, bah, tu fais abnégation de tes principes moraux. Non, mais c'est pas ça. Voilà. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est musulman. De double nationalité. On n'a pas deux mamans. On n'en a qu'une. On n'a pas deux pays. On n'en a qu'un. Voilà. Ah, ça, je suis assez d'accord. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que je ne crois pas à la double allégeance. Pour moi, c'est une hérésie. Voilà. Après, bon. Mais je ne crois pas à la double allégeance. T'es pas, par contre, tu penses quoi d'un gars comme Carton qui est anti? C'est-à-dire, je pense quoi? J'en pense que du bien. A priori, je le vois comme un patriote, quelqu'un qui veut défendre son pays, qui est effectivement des Antilles, donc qui a ce fameux passé historique avec la France qu'on veut sans cesse lui rappeler à la figure et l'esclavage, etc. Et que moi, je pourrais presque, on va dire, à son instar, être dans la même position en tant que métis africain. Et les gens ne veulent pas, comment dire, les plus virulents. C'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, je tiens à le préciser dans le débat. Les gens qui s'en prennent à Patrice Carteron et qui s'en prennent à moi ne sont pas majoritairement blancs. Il faut le dire. Ce sont essentiellement des gens arabes ou noirs qui vont nous traiter de bounty, nous traiter de suceurs de blanc ou de tout ce que vous voulez, alors même que justement la majorité des Français, eux, nous renvoient de l'amour. Donc c'est ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais justement. T'es pas, on est d'accord. La France est la terre mère d'accueil. On est d'accord. Et moi, je suis, tu sais quoi, je bénis la France pour ça. Parce que justement, si je suis ce que je suis, si j'ai pu avoir une bonne éducation, aller dans des bonnes écoles, aller avoir une vie qui est plus qu'agréable, etc. C'est tout ça, c'est parce que j'habite en France, parce que je suis né en France, parce que je suis à un moment donné, mon destin a été lié à ce pays. Donc quelque part, j'ai envie de lui rendre. Et les seuls qui veulent m'empêcher de le faire, ce sont entre guillemets des gens qui se prétendent être mes frères ou mes congénères ou je ne sais quelle relation que je devrais avoir avec eux, alors qu'ils me crachent dessus, quoi. Mais c'est les gens qui me crachent dessus, je suis désolé, ce sont essentiellement des gens noirs et arabes qui me crachent dessus, ce sont pas des blancs, paradoxalement. Et je pense que c'est la même chose pour Patrice Carteron. On en revient au même, vive la France, vive la terre libre, tout simplement. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Peut-être bien que justement je m'assimile. Tu sais, je suis en phase. Mitterrand disait la France, je la sens. C'est-à-dire que il la sentait en lui. Et ben je m'accapare ces mots pour dire moi aussi. Ben je la sens en moi. Je sens quoi ce pays. Sens dans tous les sens au niveau géographique. Tu disais, il y a quel pays, il y a quelle région géographique au monde où tu as tant, enfin, tu peux aller côté Atlantique, tu peux aller côté méditerranéen, tu peux aller scandinave, tu peux aller en Est. Quel pays au monde est plus parfait que celui-là? Tout simplement. Ouais. Mais aussi, te passe, c'est parce que ton père est français, c'est la première des choses. Ton père est français. C'est vrai. Sang. Et c'est un lien qui compte beaucoup plus que tout le baratin. Le lien qui compte énormément. Ton lien. Peut-être bien, lien regarde, avec mon cher Caras, peut-être bien que dans mon cas et dans le cas de beaucoup de métis, évidemment, on va me dire, mon père étant français, on va dire par nature, par génétique, donc ça va être beaucoup plus facile peut-être pour moi, parce que j'ai de la famille française génétique aussi, forcément. Mais celui qui vient, par exemple, je vais prendre, tu vois, puisque bon là on rentre dans des discussions un petit peu personnelles, mais dans le cas, tu sais, il y a beaucoup de métis dans ma famille, mais d'autres qui viennent d'Afrique et qui ont été adoptés par la France, bah ils adoptent la même position que moi, et pourtant eux sont 100% africains, mais pour eux l'effort va encore être double, parce que eux, ils vont devoir peut-être bien abandonner une petite partie de ce qu'ils sont, tu vois, de leur origine. Mais dans tous les cas, tu sais parfaitement, t'es pas, que la France sera la terre d'accueil pour l'éternité. Mais vraiment, en plus. Ah, mais complètement, mais bien sûr, je suis conscient, bon, j'en suis parfaitement conscient. J'en suis parfaitement conscient. C'est vraiment la France, c'est le pays, on va mettre tout le monde d'accord, c'est la terre de la liberté terminée. On arrête là. Alors, on va continuer si vous voulez bien. Il y avait Paturin aussi qui voulait ajouter quelque chose. Ouais, alors en fait, j'avais demandé à laisser la parole, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière et je vais essayer d'être bref. C'est à un moment, Tepa disait que le gouvernement en place, la République, bah en fait, c'était pas ça la France. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est ce que je voulais demander un moment à Isalex. C'est est-ce qu'on pourrait avoir un point de convergence à ce niveau-là, c'est-à-dire donc les Gaulois, les Muses, qu'on se mette d'accord sur ce point-là, à dire ces types-là qui sont à la tête de, qu'on nous a mis à la tête de la nation, c'est du grand n'importe quoi, on se reconnaît pas là-dedans et ça pourrait nous faire un point de lutte commun. Bon, sachant que moi je me méfie toujours de tout ce qui est union dans le négatif contre quelque chose. Au lieu de l'union pour quelque chose. Ouais, l'union pour, pas l'union contre. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà, je me demandais si c'était une piste. L'union fait la soupe. Voilà, est-ce que c'est une piste. Bah, déjà. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté-là, quoi. Quand je vois les débats depuis que je suis sur Discord et tout, et déjà, il faudrait qu'on s'arrange entre Gaulois avant de commencer à vouloir s'arranger avec qui que ce soit d'autre. Le débat, parce que partout où on discute et tout, on s'embrouille déjà entre nous, quoi. Je veux dire, ouais, bon, les gars. C'est comment au niveau de l'Empire romain, on mettait 10 Gaulois et ils vont se mettre sur la gueule. Ben justement, c'est ça la France. C'est ça qui est dur à dire. Horrible. Regarde, c'est pour ça que c'est le pays parfait au niveau de l'égalité, c'est que c'est un pays au niveau des millénaires, ils se sont mis sur la gueule. Et c'est pour ça qu'on est le pays qui accueille toutes les ethnies et les origines du monde. Il y a un... Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais justement, il y a un déterminisme. Justement, c'est pour ça que les Français de souche ou pas, il faudrait qu'on se remette. Il faut justement qu'il soit dans le bon sens. Terminé. Inventer un tronc commun sur lequel on soit tous d'accord. Mais voilà. On est d'accord. Bah, je suis désolé, mais dans tous les peuples du monde, un gars ou une monzesse qui fout la merde, on le dégage. Je suis désolé. Par contre, ça nous apporte justement des façons de penser plus grandes ou différentes. Là, on est d'accord, tu vois. C'est ça que je veux dire. Isalex, tu veux peut-être répondre à ça? Je crois qu'on t'a interrompu. Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi, vu ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que il n'y a pas trop de doute là-dessus. Je suis tout à fait d'accord pour virer l'équipe Macron, etc. Mais moi tout seul, j'ai pas beaucoup de poids. Bah oui, non, c'est ça. C'est peut-être la question aussi à se poser, c'est combien de musulmans français sont prêts à faire ce même effort vers plus de patriotisme, je sais pas. Bah là, c'est plus ça qu'il faudrait lancer et essayer de ramener un maximum de personnes vers une conscience plus ouverte. Moi, je pense qu'on respecte, ce qui est respectable et que pour la France se refasse respecter, il faut qu'elle devienne un peu plus nationaliste et qu'elle porte ses couilles. Et pour ça, il faut un gouvernement clairement souverain et nationaliste. Mais pas dans le nationaliste contre les autres, c'est pour les siens. Et à partir du moment-là, effectivement, tu vois, tout va rentrer dans l'ordre et les gens pourraient être patriotes et fiers de leur pays parce qu'il leur donnerait une fierté. Voilà. Mais là, quand on voit des Hollande, des Sarkozy, toutes les prises de... Et toi, tu dis que tu es patriote d'un pays qui représente ça à l'extérieur. Et les gens disent, en fait, t'es patriote de la chienlit, quoi, en fait. Parce qu'ils ne voient pas la culture, ceux-ci sont pinards. Ils voient ce que la France fait, l'injustice qu'elle provoque dans les autres pays. Donc, la République, parce que la France, c'est nous. La République, c'est eux. Et cette République-là qu'il faut soigner. Parce que moi, je dis que la République, en soi, c'est pas un mauvais concept. Aujourd'hui, les gens qui me saoulent avec ces concepts de remettre un roi, mais qui ça va être le roi? Il faudra un roi désigné, un roi élu, une monarchie ou je sais pas quoi. Non, une République dans laquelle on a enlevé la vermine, les mythes et tout ce qui la rend pourrie de l'intérieur. Un nettoyage drastique. Et, Pas au Karcher, hein, au lance-flammes. Moi, je dis qu'il faut nettoyer la République. Et après, on aura une République fantastique qui refera son travail. Et les gens qui deviendront français, ils deviendront français par amour et par être. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils seront français. Mais cet amour, ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend à l'école, déjà. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça s'apprend dans tous les domaines de la vie. Aimer son pays, c'est quand ton pays représente la justice, quand ton pays représente un espoir, un exemple pour les autres, tu l'aimes ton pays. Aujourd'hui, la France, à l'étranger, il y a 2 ans, elle représentait Hollande. Putain, Hollande, voilà, Hollande et Belkacem, voilà. Alors, une musulmane transgenre et un président obèse et on va faire parler un petit peu, mais... On va faire parler quelques musulmans là qui sont arrivés. J'ai Michael qui est un musulman converti. J'ai Madani aussi qui est un ancien musulman. Alors Madani, tu nous entends? Ah, il a disparu. Michael, tu nous entends? Bon, Michael aussi, rien, pas de. Juste avant, Moutous en attendant que les autres règlent leur micro. Eh ben Moutous, oui, puisque ses interventions sont à chaque fois très intéressantes. Ben merci, c'est gentil. C'est juste par rapport à Paturin qui proposait justement à Issalex de faire une alliance avec certains musulmans pour justement virer Macron, enfin élire quelqu'un d'autre. Mais c'est là que je trouve que t'es pas allé assez loin dans la question. C'est Issalex, t'as répondu oui, effectivement, je suis pour et je suis prêt à faire une alliance, mais pour mettre quoi à la place? Parce que c'est ça le problème avec les alliances que tu pourrais faire avec les musulmans, c'est que tu te dis si au final c'est pour mettre un califat ou un gouvernement encore plus pourri, qui va beaucoup dans le sens de l'islam, est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt? Ben non. Ok. Non, moi ce que je voudrais c'est un gouvernement qui va plus dans le sens de la France. D'accord, donc tu prendrais pas spécialement en compte tes mœurs, tes traditions musulmanes pour élire un gouvernement. Tu es quand même pour la laïcité, vraiment pour la séparation des églises et de l'État. À l'heure d'aujourd'hui, l'intérêt principal, c'est la nation. Oui, parce qu'à la base, c'est la séparation de l'église et de l'État. C'est pas un pluriel à la base. Du moment que chacun peut pratiquer sa religion comme il l'entend, je vois pas où est le problème. Je vais donner la parole à Madani là. Parce que Très rapidement. Bon, en fait, moi, oui, après Issalex, Madani. Okay. Bah, très rapidement, en fait, moi j'étais simplement sur le point de départ. Et Mutus, ouais, et d'autres aussi, bah, vous faites bien effectivement de dire, après, on fait quoi, etc. Bon, c'est toujours les mêmes questions. Hein. On se demande effectivement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais voilà, moi, ce que je me demandais, c'est si on pouvait se mettre d'accord, ne serait-ce que sur le point de départ. Hein. Voilà, après. Et ce serait lequel? Ça serait un ennemi commun, quoi, tout simplement. Bon. Il n'y a pas besoin d'ennemis communs, ça c'est le nationalisme malentendu, c'est-à-dire qu'il faut construire en opposition aux autres. on ne se construit pas en opposition aux autres, on se construit pour s'exalter soi-même, pour se dépasser soi-même. Et c'est là où à chaque fois on nous rattrape avec le nationalisme, c'est la guerre, c'est parce qu'effectivement Adolphe il a fait la guerre aux autres, ou des pays nationalistes ont fait la guerre aux autres, mais parce qu'on voulait, ce qu'on oublie aussi de dire des fois, c'est qu'on voulait les empêcher d'être eux-mêmes et de se passer du système mondial de la finance ou de la culture générale. De la culture mortifère, par exemple, comme quand, je sais plus, c'était Obama qui va au Sénégal et qui lui reproche de ne pas appliquer le droit des homosexuels et tout, et qu'il faudrait bien qu'il évolue en ce sens pour être un pays moderne. Eh ben, Abdoulaye Wade, c'était Macky Sall, lui répond, oui, c'est vrai, mais nous, ça fait pas partie de notre culture, mais par contre, la peine de mort, nous ne l'appliquons pas et vous l'appliquez, et ça, c'est aussi rétrograde que tu vois, donc. Alors, je vais donner la parole. Attendez, je vais donner la parole aussi au nouveau parce que là, on s'est largement exprimé. On a d'autres qui n'ont pas du tout parlé. Madani, est-ce que tu veux parler? Tu m'as demandé à parler. Alors, soit tu parles, soit voilà. Alors, et si c'est pas Madani, après ce sera Sauce aussi. Tu m'as dit que tu avais une expérience d'ancien musulman à nous faire partager. Allô. Ouais, moi je suis là. Alors, fais-nous partager ton expérience d'ancien musulman par rapport à tout ce qui a été dit. Je veux bien apporter un témoignage. Après, par rapport à ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pour faire simple, je pense qu'on peut être, musulman et patriote. J'en ai vu. Moi, je le suis plus vraiment dans le dogme. Mais, et voilà. Et je pense que ça aussi, voilà, je sais pas si ça a été dit, mais les musulmans, enfin, comme les autres religions, les musulmans vont être de moins en moins musulmans, autant en France que dans les pays musulmans, avec l'avancée de la modernité. En tout cas, c'est ce que je crois. Et pour répondre sur le truc des mosquées, est-ce qu'il n'y a pas un financement étranger dans tout ça? Est-ce que c'est vraiment des musulmans qui les demandent? Je ne sais pas. C'est les sionistes. Ouais, c'est un peu léger de dire ça, excuse-moi Sauce, mais est-ce que les musulmans demandent des mosquées? Moi, je te réponds catégoriquement, oui, tu vois, parce que si il les demandait pas, il n'y en aurait pas. Hein. C'est récent. Oui, mais... non, mais bien sûr, mais je sais pas, moi personnellement, dans mon bled, il n'y en a pas tant que ça, je suis dans les Yvelines, je sais pas, les gens en demandent. Mais moi, je suis en Seine-Saint-Denis, je peux t'assurer que le vendredi, quand je sors de chez moi, on est beaucoup plus à Tunis ou à Annaba que dans 93 en France. Hein. Faut quand même l'admettre, d'un point de vue sociologique. Je trouve ça super intéressant, mais je pose aussi la question à tout le monde. Je sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un débat particulier sur le 93? Je sais pas quels sont les élus, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper spécial quand même comme ambiance dans l'Île-de-France quand on connaît un peu les Yvelines. Le 91, etc. Le 93, c'est quand même une ambiance très, très spéciale. Paris. Ouais, puis dans les Yvelines, t'attrapes aussi, quand même. T'attrapes, mais le coin où tu te sens plus en France dans Trappes, c'est même pas un kilomètre carré, quoi. Okay. Si tu veux. Ok. C'est le marché de Trappes, t'évites le marché de Trappes, et voilà. Mais les Yvelines, c'est quand même, tu te balades dans les Yvelines, t'as aucune, ça n'a rien à voir avec le 93, quoi. Et pourtant, ça reste l'Île-de-France. Pardonne-moi, mais les Yvelines, elles ont quand même, à ceci près, comme l'Ouest parisien, c'est d'être des quartiers quand même plutôt chic. Si on parle de Versailles, de Chennai, de Saint-Germain-en-Laye, etc. C'est quand même des endroits, effectivement, plutôt huppés, dans lesquels, oui, il y aura pas l'ambiance, à mon avis, à Saint-Germain-en-Laye, comme moi, je la connais en Seine-Saint-Denis. Ouais, voilà. Mais ça n'empêche pas que le phénomène il est là, on peut pas le nier qu'aujourd'hui la France sociologiquement a des choses qui ont changé. Par exemple, je vais en profiter pour exprimer ça par une métaphore, une anecdote. Quand aujourd'hui on vit par exemple les périodes de Ramadan, moi j'ai connu que ces périodes là étaient une période comme les autres. Or maintenant, quand on est en Seine-Saint-Denis, on sait que c'est le Ramadan, tout est ouvert la nuit, il y a des gens absolument partout, etc. Enfin, il y a une espèce de vie qui n'existait pas avant et qui montre d'ailleurs à quel point la population musulmane démographiquement est majoritaire dans ces endroits. Est-ce que je peux répondre sur ça? Eh ben vas-y, vas-y, vas-y. Après, je ferai parler Madani s'il y arrive. Allez, vas-y. Vraiment, c'est super important ce que tu viens de dire parce que justement, c'est ce que je disais et enfin, j'en ai déjà parlé avec plusieurs ici. C'est un problème aussi, je pense, de taille. Tu vois, dans le 93, t'as des gros quartiers. On le voit. Il y a des écoles dans les quartiers, donc les gamins vont dans ces écoles. Il y a des magasins, il y a tout ce qu'il faut dans le quartier. Et les quartiers sont même pas des quartiers, ce sont des villes clairement. Et c'est énorme, et à un moment donné, les gens ne côtoient pas, tu vois, la vraie culture française. Alors que dans les Yvelines, tu le disais, Versailles, etc., faut pas croire, il y a pas mal de petits quartiers assez pauvres dans les Yvelines aussi, tu vois, j'habite dans l'un d'entre eux. Ah, la petite classe moyenne. Et c'est tout petit, le truc, c'est que c'est tout petit, donc l'école, il y a rien dans le quartier. Donc t'es obligé de te mélanger avec tout le monde, et à un moment donné, tu vois la différence. Tu viens, le Ramadan, par exemple, dans les Yvelines, effectivement, même dans les quartiers, etc., ça se voit pas beaucoup. Quand tu fréquentes le 93, effectivement, c'est un vrai problème culturel, mais je pense que c'est vraiment particulier dans le 93. Hein. Non, je pense que c'est pas culturel. Moi, je pense pas que ce soit lié seulement au 93. Il y a d'autres endroits qui ressemblent beaucoup au 93, à Marseille, dans le sud, à Lyon, à Strasbourg. C'est des quartiers comme ça. Il y en a énormément en France, quand même. On peut pas plus l'île de France que la France. 93 est en particulier en Île-de-France, peut-être. Rapidement. Aussi, même dans les périphéries de villes moyennes, hein. C'est pas spécifique à l'Île-de-France ou aux grandes métropoles, hein. Dans toutes les villes. Moi, je suis dans une ville moyenne. En périphérie. Voilà, quoi. Sociologiquement, c'est pas pareil. Ah, bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Alors, Madani, tu voulais intervenir? Bon, Madani, c'est out. Alors, j'ai un témoignage aussi. Quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait être patriote et musulman. C'est RMLA13. Eh ben, mon cher, je vais te mettre. Voilà. Normalement, tu devrais pouvoir t'exprimer. Alors, voilà. Alors, RMLA13. Oui, allô? Allô, allô. Est-ce qu'on m'entend? Ah, voilà. On t'entend. Ah oui, parfait. Donc moi, Riyad, d'origine immigrée. Je vis à Marseille. Pour vous dire, je sais pas si c'est vraiment la France, Marseille, mais bon, y a beaucoup de musulmans. Et je le vis très bien. Je suis de Lyon à la base. Je suis musulman, je travaille, je suis tolérant, je suis pratiquant, enfin, je pratique chez moi. Mais voilà, j'ai aucun problème avec le patriarcat. J'ai aucun problème avec ma religion. Après c'est une ouverture d'esprit à avoir. Ouais, mais alors, excuse-moi, cher RM, toi, d'accord, dans ta situation, tu nous dis bon, moi j'ai pas de problème, mais tu constates quand même que l'immense majorité des musulmans dans ce pays ne se reconnaissent pas dans l'idée que tu viens de décrire, c'est-à-dire d'un patriotisme fervent défenseur de la France. Franchement, mine de rien, il y en a beaucoup. Enfin, moi je le vois parce que je côtoie beaucoup de musulmans et de par mon travail et de par mon activité, je suis commercial, donc je le vois et franchement, moi pour ma part, la France c'est chrétien, donc les églises, qu'il y ait des églises, tout ça c'est normal. Je suis né dans un pays chrétien, je le tolère, j'ai des amis chrétiens, c'est vraiment, pour moi c'est une normalité. Tolère, c'est bien, tolère. Problème pour ça. Après voilà, qu'il y ait des mosquées, voilà. Après bon, des mosquées à tous les coins de rue, ouais, je suis d'accord que ça peut choquer et je suis d'accord que ça peut être abusé, mais voilà. Regardez à Londres, par exemple, moi je vais souvent à Londres, ils ont aucun problème avec la religion, quoi, avec les musulmans. Ah, si, ah bah si, non, ah non, pardonne-moi, ah non, là je suis absolument pas d'accord. Ouais, pareil, en Angleterre, il y a des énormes problèmes parce que justement la communautarisation et la façon dont le gouvernement britannique à laisser complètement aller sur ça, ouais, ce phénomène-là, en laissant la liberté totale, a fini par aboutir à des villes aujourd'hui qui sont 100% musulmanes et d'autres villes où il y a, ouais, 0% ouais, musulmans. Oui, mais aussi, c'est pas les mêmes origines. C'est beaucoup des Pakistanais. Il y a beaucoup. Enfin, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut remettre en question. Moi, j'y suis 2 semaines. Je suis à Londres et je le vois, mais vraiment, dans les aéroports, vous avez des femmes voilées, vous avez des policiers voilés. Ça, c'est que les Français ne veulent pas. c'est exactement ce que les Français ne veulent pas. Oui, ça, c'est ce que tu dis précisément, c'est ce que les Français ne veulent pas. Et non, c'est là, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Alors, je vais te poser la question. Est-ce justement la même question que tout à l'heure? Est-ce que justement, il n'y a pas une contradiction en voulant que la France adopte justement une liberté, on va dire des règles islamiques en libéralisant le voile partout, en peut-être en autorisant partout des écoles islamiques, en autorisant les prêches violentes comme en Angleterre, parce qu'en Angleterre les prêches sont autorisées, alors qu'on se prétend patriote et que par définition, à un moment donné, ça va trouver une limite et une incohérence, une contradiction en tout cas. Problème avec ça. Moi, franchement, j'ai aucun problème avec ça. Mais regardez, par exemple, il y a plein de pays où il y a des minorités musulmanes qui vivent très bien. Maintenant, c'est un problème français. C'est que le problème en France, dans les villes comme Marseille, enfin, moi, je suis à Marseille, donc, c'est que vraiment, la religion musulmane, par des origines. C'est-à-dire que c'est les Arabes qui vont faire un islam qui est pas commun à l'islam qui est en Asie, par exemple. Vous voyez, moi, je suis allé en Indonésie, l'islam en Indonésie, il y a aucun problème avec l'islam. Il y a pas de dégénérés qui font des prêches bizarres. Il y a pas de gros fatigués dehors. Enfin, voilà. C'est une ouverture d'esprit à avoir et c'est la manière dont on pratique. Moi, je sais que je suis musulman, mais voilà, je suis ouvert, je m'habille comme un Européen en 2018. J'ai des amis juifs, chrétiens, musulmans, athées, hindous, ce que vous voulez. Voilà, j'ai aucun problème. Ma religion, elle est chez moi, basta. Je vais pas dans les mosquées. Par exemple, la France 100% musulmane, qui est à dire une France, en tout cas, majoritairement musulmane, oui, est-ce que ça pose un problème ou pas? Ça pose un problème. La France, c'est chrétien, basta. Là, pour ça, il n'y a pas à miroiter 10 ans. La France, elle est chrétienne, basta. C'est tout. La France, elle est chrétienne. Maintenant, s'il y a des musulmans, il y a des musulmans. De par l'histoire, les musulmans, ils sont arrivés en France. Ils ont été amenés même en France, voilà, après la guerre d'Algérie, etc. C'est quoi? C'est que maintenant, on est ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est français, on est algérien, on est tunisien, on est hindou, on est sénégalais. Pardonne-moi, mais quand il y a un match de l'Algérie, je ne vois pas des Algériens. Moi, je vois beaucoup d'Algériens descendre dans les rues avec des drapeaux algériens. J'en vois très très peu qui soutiennent le drapeau français lors des occasions où moi je vois beaucoup d'Algériens avec le maillot français en club de foot avec des maillots. Ah bon, moi je vois que lorsqu'il y a des matchs de l'Algérie ou du Maroc ou du Sénégal ou du Mali, oui, c'est vrai. Toutes ces communautés là sont dehors avec leur drapeau et on va pas se mentir, vous savez moi j'ai vécu en banlieue aussi comme vous autres, certainement en tout cas dans des milieux qui étaient pas exclusivement blancs et il faut bien le dire, il y a une haine de la France qui est entretenue et un rejet de la France. On va pas se mentir. C'est extrêmement nouveau de voir des Noirs et des Arabes défendre la France. Moi, je pense même être carrément presque avant-gardiste dans le thème, mais c'est extrêmement nouveau. Qu'on vienne pas me dire que c'est quelque chose qui est. Après, voilà, il y a des comptes partout et il y a des. Voilà, moi, vraiment, pour ma part, je suis lyonnais. Donc, moi, le maillot de Lyon, je le porte à chaque fois que je joue au foot, je le porte des fois pour chambrer les Marseillais. Mais je veux dire, je suis lyonnais de base. Donc, patriote, je suis à Lyon, je suis né à Lyon. Et Lyon, c'est mon équipe de cœur. Quand il y a Marseille-Lyon, je suis pour Lyon à fond. Je veux dire, voilà, je suis français. Même quand il y a France-Algérie. France-Algérie, bon, après, voilà, c'est un pays d'origine. C'est comme toi, de Nantes, tu dis. Regarde, tu vois bien. Moi, je suis ni pour l'Algérie, ni pour la France. C'est là qu'elle arrive. Soutenir une équipe locale, ça, on s'en fout. Il y a même des Français qui soutiennent le Barça, ils soutiennent Arsenal. On voit bien que la question nationale, et c'est là que ça va poser problème, puisque le fond de cette question pour moi est, puisque le débat c'est est-ce que l'islam est compatible avec la France, mais est-ce qu'un musulman peut être patriote? Oui. C'est dans la continuité. Non, je supporte pas l'Algérie. C'est impossible. C'est intéressant. Je pense qu'il y a, enfin, je veux répondre sur deux trucs. C'est que Il faut bien insister, je pense que là-dessus, le discours de Zemmour, il est très bien. Il faut bien insister sur l'assimilation, la différence entre l'assimilation et le fait d'exploiter un pays. Un match de foot, c'est pas. C'est-à-dire. C'est pas vraiment. Ouais, mais je comprends. Là, pour le coup, je comprends. Ouais. Tu vois, je comprends. Moi, perso, entre le Maroc et la France, c'est la France sans hésiter. Tu vois, le Maroc, j'en ai rien à faire. Après, moi, je supporte ni l'Algérie et la France. J'aime pas ce style. Bizarre, il n'y a pas beaucoup de femmes. Juste une chose, à un moment donné, je suis, pour raconter une expérience personnelle, je suis d'origine marocaine, et à un moment donné, donc, je suis passé par l'université, je me suis retrouvé principalement avec des blancs autour de moi. Et c'est une phase, aujourd'hui, je suis d'origine marocaine, donc oui, je suis blanc, si tu veux, je suis berbère. Mais bon. C'est marrant, ils sont tous berbères, les mecs, c'est incroyable. Je suis d'origine du Rif, donc oui. Donc tu as un masque. Pardon. J'ai une espèce de phase de rejet de trucs et je m'habillais tout le temps en costard, etc. J'ai soigné mon apparence, machin. Et les gens, en fait, ne me reconnaissaient pas du tout comme musulman ou d'origine rebeu. Mais vraiment, les gens étaient choqués quand je leur disais mon prénom, quoi. Donc. Si tu ne vois pas les musulmans patriotes, c'est aussi peut-être parce que tu t'attends à voir quelque chose. Dans tous les cas, c'est la manière de pratiquer qui est différenciée. Voilà, c'est selon comment tu pratiques ton islam qui va changer les choses. Si tu es un gros fatigué et que tu prends à la lettre les mots des prêches ou des... disent n'importe quoi, qui sortent de je sais pas d'où, qui savent même pas parler français, c'est normal que tu vas dériver. Mais si t'as un minimum de connaissances et un minimum d'intelligence, que t'es né en France, voilà. Après, c'est selon ton... Il faut... Franchement, là, depuis tout à l'heure, je vous entends. Franchement, je suis... Des fois, je suis limite choqué. C'est selon la personne. Voilà, une personne normalement constituée, voilà, elle sait très bien que voilà, elle est née en France, elle est patriote, basta, c'est tout. C'était bien. Mais pourquoi rester musulman? Excusez-moi les gars. Pourquoi rester musulman si vous n'êtes pas pourquoi rester musulman si vous n'êtes pas en accord avec certains préceptes de l'islam? Alors attendez. Déjà, il n'y a aucune contrainte en islam. On vit avec son temps. Oui, mais t'as pas fini. T'as pas fini la sourate. Il n'y a que. Chacun son tour, les gars. Chacun son tour. Laissez-le terminer. Ah, mais je peux finir ou pas? Voilà. Laissez-le terminer et ensuite, qu'on lui répondra. Donc, Remel. L'âme, déjà, elle a été salie. Déjà, depuis longtemps, avec les gens qui le prêchent bizarrement, qu'ils ont qu'un diplôme, qui sortent de je sais pas où, qui sortent de nulle part, qui disent que des conneries avec Daesh, encore une fois, ça envenime les choses. Voilà. Elle a été salie et les médias, ils en manquent pas une pour le salir encore plus. Maintenant, la personne qui, parce que l'islam à la base, c'est le partage, la tolérance, il y a plein de bonnes choses. Voilà. Non, après, voilà. Alors, bon, Véronique, tu veux répondre. Alors, attends, Rebelle, Véronique veut te répondre. Allez, Véronique. C'est comme le christianisme. Oui, alors, moi, je voudrais juste te dire une chose. Moi, je fais des constats. Hein. Les agressions aux personnes, elles explosent. Et je ne crois pas que ce soit des blancs. Deuxième là, chose. On parle pas de blancs. Non, attends, c'est à mon tour de parler. Hein, ouais. Voilà, on voit les zones de non-droit. Alors les zones numéro 1 qui sont les pires où les flics ne rentrent même plus. Les zones numéro 2 passent en numéro 1, les zones numéro 3 passent en numéro 2. Mais à part ça, tout va bien. Moi, je dis, quand il y en a quelques-uns des musulmans, ils sont assujettis à la loi française, ça pose pas de problème. Maintenant, quand tu sors, que tu te retrouves comme à Alger, eh ben écoute, on n'est plus en France. Hein. Et là, ça finit très mal en général, surtout pour les blancs parce qu'ils sont minoritaires. Parce que la violence, on se la prend en pleine poire. Et ça suffit, quoi. À un moment donné, ça suffit, quoi. Et savoir quoi avec leur arrêter la taquia, faut arrêter la taquia, là. Parce que ça marche. Non, mais là, alors, c'est ce que j'expliquais. C'est la religion selon les personnes qui vous. Non, mais moi, j'en ai rien à faire, c'est pas ma culture. Alors, Rebelle, excuse-moi, je vais te poser une question. Alors, attendez, je vais te poser une question. Rebelle, est-ce que justement, bon, les personnes dont tu parles, on les voit, elles existent, elles forment quand même un contingent suffisamment. Ah non, laisse-moi finir. Là, elles forment un contingent, on va dire, suffisamment important pour qu'on puisse dire, bon, ça pose un problème. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Mais attendez, pourquoi déjà vous accentuez les propos sur des personnes qui sont fatiguées, qui sont qui vont chercher l'air ou quoi? Il n'y a pas de problème. Moi, je connais des personnes qui sont très respectables, des musulmans, qui ne cherchent pas la merde, qui sont là tranquillement, qui travaillent, qui sont bien élevés, qui sont tolérants. Voilà. Mais pourquoi vous accentuez toujours sur les personnes, justement, qui parce qu'elles représentent beaucoup. Elles représentent quand même une partie importante, sinon la majorité, il faut bien le dire. C'est une on a les chiffres. Mais c'est pas on a les chiffres. On a les chiffres. Les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je suis désolé. C'est une communauté qui nous emmerde, voilà, je le dis. Si je peux intervenir. C'est qui a dit la parole, qui a dit Takassan. Takassan, allez, Takassan, on t'a pas beaucoup entendu, et après on redonnera la parole à Remel. Vas-y. Je vais, comparaison n'est pas raison, et je vais utiliser le pouvoir de la métaphore, mais Remel, je pense que tu as tort, car peu importe le chiffre, ce qui importe, c'est le pouvoir de nuisance. Quand bien même il y aurait 0,001% de nuisibles dans le total, ce qui importe c'est leur pouvoir de nuisance. Si demain je te donne un grand verre d'eau et que je te mets une goutte de cyanure dedans et que je te dis mais c'est qu'une goutte, tiens c'est pas important, et que tu peux le boire, est-ce que tu le boiras ou pas? Alors c'est une métaphore un peu, tu vois. Bah là, voilà, le problème c'est pas la quantité, tu vois, c'est pas la quantité de poison qu'il y a dans ton verre, c'est que le verre est empoisonné. Et que tu peux plus enlever le poison quand il est dans ton. D'accord. Alors, voilà. Alors une question toute simple. Là, vous parlez de personnes de confession musulmane ou vous parlez de jeunes immigrés qui cherchent des problèmes? On peut pas faire la différence vraiment, quoi. En fait, de gens, en tout cas, qui se déclarent. Moi, demain. Après, ils sont immigrés ou voilà. Non, mais faut arrêter avec les deux discours bizarres. Moi, demain, je m'autoproclame juif. Ça veut dire que c'est bon. Je suis un juif. Ou je suis un. Non, mais théisme, ces enfants. Attendez. C'est trop facile, ça. Demain, il y a des mecs de quartier qui vont vous accorder. Ah, bah, putain, c'est des musulmans parce qu'ils l'ont dit. Et non, c'est pas comme ça. Bien sûr. Bah évidemment. Ah bah je suis désolé, sur cette question, parce que ça, personne n'est en droit de dire lui il est musulman, lui il l'est pas. Si la personne elle dit il est musulman, on peut pas lui retirer son islamité. Déjà, de quel droit philosophiquement on peut pas? Et même puisqu'on connaît quand même un petit peu les préceptes islamiques, du point de vue théologique, on ne peut pas le faire. Donc, de toute façon, on ne peut pas retirer l'islamité de quelqu'un. Donc ça, si la personne vient, elle me dit « je suis musulman », c'est pas moi qui vais lui dire « ah ben non, t'es pas musulman ». D'accord, ça veut dire que si deux gugus qui cherchent la mère te dit « je suis musulman », toi, c'est bon, tu vas le croire. Non, mais c'est pas que j'ai à les croire, de toute façon. C'est pas comme ça que ça se joue. C'est que si quelqu'un vient de me dire musulman, pourquoi moi je devrais me décider? C'est moi qui vais décider, lui il est musulman, lui il est pas. Mais c'est ça, tu me dis que c'est à moi de dire, de décider, de dire, bah lui il est musulman, lui il est pas. Non, mais t'es pas, honnêtement, tous les mecs qui vont agresser des Candés, je suis musulman. Le faire ou avant d'agresser les gens. Les gens qui supposent ça, qui ont une arrière-pensée de ça, mais sinon le mec qui va agresser quelqu'un, il va pas dire bon bah je suis musulman, tiens je t'agresse. Sinon, à cause de deux, trois bugus, je suis musulman, tiens je t'agresse. Les mecs qui vont prier dans les prières de rue à Clichy, ils sont morts ou ils sont pas? Oui, mais là, on parlait d'agressement avec la dame. Ah, bah oui, mais non, mais les agressions, c'est une partie, mais ouais. Là, la prière de la cliché, justement, voilà, c'est pas des agressions, mais ça fait chier les gens de la même façon. Mm. Est-ce que c'est des musulmans? Ah oui, ils sont pratiquants, ouais. Bon, bah voilà. Donc, tu vois, on ne retire pas le caractère islamique aux gens. C'est ça que je veux te dire. Et c'est pas une question de oui, ils t'agressent, évidemment, quelqu'un qui t'agresse. On va partir du principe. Et encore, attention, parce que toi, tu me dis ça. Mais moi, j'ai vu des imams qui, dans leur prêche, vont justifier une agression d'un non-musulman parce que ils vont te sortir tel hadith, tel texte qui dit qu'on peut faire ça et ça. Moi aussi, j'en ai vu des vidéos de certains prédicateurs qui disent je traiterai mal les chrétiens parce que dans tel hadith c'est marqué, etc. Oui. Donc ça aussi, ça s'invente pas. Ça s'invente pas, mais il y en a partout aussi. Mais à ce moment-là, le mec qui traite mal les chrétiens, comme tu dis, qu'il agresse et qui se fie un élément de la doctrine qui va rechercher dans tel hadith ou tel truc, etc., eh ben, en quoi il serait pas musulman? J'ai pas compris la question. Oui. Bah, en gros, tu me dis quelqu'un qui tu m'as pris le cas d'une agression, mais qui est pour moi un cas, tu vois. Ouais. Mais même dans ce cas-là, il est des cas où des imams, des prédicateurs vont justifier le fait de s'en prendre à une personne qui est non musulmane parce que ce serait justifié par tel ou tel principe de la doctrine. Ah, mais moi, comme on se rappelle tous la phrase célèbre de Rani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, qui a dit « Une femme non voilée, c'est comme une pièce de 2 euros, elle tourne. » Qu'est-ce que je dois penser de ça? C'est la ragaille. Pas d'accord avec eux. Voilà. Voilà. Pardon, j'ai pas entendu. Je suis pas du tout d'accord avec eux, mais c'est normal ça pour moi. Je suis pas d'accord avec des gens qui ont ces propos. Est-ce que Rani Ramadan il est musulman ou pas? Déjà c'est ce qu'il dit déjà. Donc normalement, si on parle de contrat, s'il le dit, c'est qu'il est musulman. Voilà. Donc quelqu'un qui applique son principe, en quoi son principe n'est pas islamique? Déjà, moi, j'ai un problème avec le mot islamique. Islamique, ça veut dire quoi? Personne de confession. Islamique, ça veut dire en rapport avec la doctrine de l'islam. Non, parce que, non, mais c'est comme des faits. C'est aussi simple. Mais à un moment donné, islamique veut dire en rapport avec la doctrine de l'islam. Est-ce que je peux lui répondre, Thomas? À un moment donné. Je sais pas qui c'est qui a demandé la parole. C'est Sauce. Ah ben, vas-y, Sauce. T'es obligé de reconnaître, RML, qu'il y a plusieurs mouvements dans l'islam et qu'il y a des mouvements violents. Pardon. C'est... Oui, non, mais c'est clair et net. Ça me paraît être une mauvaise défense que de nier en bloc, quoi. Tout. je lui ai dit à tes potes tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, j'ai rien nié du tout. Mais moi, le seul problème que j'ai... Vis-à-vis de l'islam, tu sais très bien qu'à partir du moment où quelqu'un shahed, il est musulman, peu importe qui il est et ce qu'il fait. Oui, non, c'est clair. Mais j'ai jamais dit le contraire. Mais le truc que je comprends pas... Même tout le monde est musulman, mais ils le savent pas, c'est tout. Ouais, carrément. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que il y a trop d'amalgames qui est fait. Et depuis tout à l'heure, je les écoute, franchement, je suis vraiment limite choqué. Il y a trop d'amalgames qui se font, ça franchement, ça part dans tous les sens. L'islam, franchement, il y a plusieurs manières de l'aborder. Voilà, il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs manières de l'aborder. On peut être musulman et français, patriote. Bah, pardon, excuse-moi. Le premier qui a dit que c'était pas possible, c'est un musulman. Ouais. C'était Keyes tout à l'heure. Bon, il est parti, mais c'est un musulman. Mais il dit ce qu'il veut. Pratiquant. Pratiquant. Mais moi aussi, je suis pratiquant. Je fais mes 5 prières. Il n'y a pas de problème avec ça. Je dirais même plus, il faut faire attention à ne jamais stigmatiser les amalgames. Ça, c'est très important. Pardon, mais selon Wikipédia, l'islamisme est un courant de pensée musulman, essentiellement politique, apparu au XXe siècle. Ah, Wikipédia, ouais, super. Wikipédia, c'est une référence. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Hein. C'est une belle référence. On n'a pas plus de faits que ça. On parle d'islamisme, on l'amalgame avec le reste, mais en fait, on n'a pas plus de faits. Ah non. Personne ne parle d'islamisme. C'est la première fois que j'entends ce nom depuis 3 heures. On est en train de diaboliser l'islam depuis tout à l'heure, alors que l'islam, à la base, elle a été salie par tous les bus qui la déforment. Ah, attends. Est-ce que je peux lui répondre là-dessus? Parce que c'est d'abord, t'es pas sali si on peut pas te salir, tu vois. À un moment donné, enfin. Non, mais elle a été salie dans le sens où il y a eu des interprétations comme Eni Ramadan. Je suis un peu d'accord avec tes pas. Eni Ramadan, il te sort une traduction d'islam qui n'est pas du tout ce que moi, ma mère et mon père m'ont appris. C'est-à-dire la tolérance. Le fait de vivre avec des chrétiens ou des juifs en bonne intelligence, le fait de respecter tout le monde, le fait de voilà, ouais, la paix et l'amour, oui, tout simplement. Vous êtes des gens bien et vous êtes pragmatiques, vous êtes des gens bien. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas, ils sont littéraux. C'est comme tout à l'heure quand tu nous as sorti nulle contrainte en islam. C'est en fait, je te ressors le truc, c'est dans le Coran, c'est nulle contrainte, pas en islam, nulle contrainte en religion. La bonne voie est désormais distincte de l'erreur. Celui qui rejette les fausses divinités a saisi l'anse la plus solide. Qui ne se brisera jamais. Dieu entend tout, et il est omniscient. Mais après, Coran, tu peux juger tout seul. Coran 2.256. Oui. 250, voilà. Très voilà. Bien. Oui, mais après, tu vas juger tout seul. Moi, j'aime bien être précis. Hein, c'est mon côté Robert. Non, mais rien. C'est clair. Non, mais après, tu vas juger tout seul. Tu vas juger tout seul selon ta bonne conscience, selon ton attention, selon ton respect envers les gens, ta tolérance envers les gens. Arrêtez-y. Ah, merde, mais après... Après, enfin, j'aimerais aussi, si c'est possible, répondre à Véronique pour tout à l'heure ce qu'elle disait par rapport aux gens qui agressent. Honnêtement, je suis pas sûr que l'angle de vue qui consiste à regarder, à analyser les gens comme étant des musulmans principalement, ce soit le meilleur. Et je pense que c'est plutôt l'influence de Scarface et de la culture gangster américaine qui prédomine chez ces gens-là pour en connaître certains. Enfin, oui, voilà. C'est plutôt ambiance bédo vodka. Pute à Bruxelles, il faut connaître, ou sur Viva Street, et la mosquée, elle est très loin, la mosquée. Ouais, elle est très très loin. Donc, ouais, c'est une réalité sociologique. Ça, c'est, tu vas n'importe où, c'est comme ça. Non, mais là, en fait, vous avez une vision un peu terre à terre des choses. C'est pas du tout comme ça. Franchement, déjà, l'islam, c'est selon. En fait, c'est un cas par cas. Chaque personne n'a pas la même vision de l'islam. Beaucoup qui font quoi. Excuse-moi, Rem, parce que ça fait longtemps que j'entends ça. En fait, à chaque fois que tu sors une démonstration sur, eh ben voilà, c'est basé sur certaines choses de l'islam, on va dire, ah ben non, mais l'islam, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. En fait, l'islam, c'est comme, c'est un peu comme cet animal là, que tout le monde cherche en Savoie, là, qui n'existe pas. Tu vois, et tout le monde le cherche. Et j'ai l'impression que l'islam, c'est un peu ça. Comme un truc que tout le monde nous dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et chacun fait comme il veut. Mais en fait, à la fin, ça n'existe pas. Et ça, c'est un peu une façon de fuir le problème. Mais moi, je connais beaucoup de musulmans qui sont pareils que moi. C'est vous qui ne voulez pas les voir ou les rencontrer. Mais moi, pas du tout. Moi tu me dis ça personnellement. Moi, j'invite. Ah, mais pas toi personnellement. Même ici, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient. Mais moi, j'en connais beaucoup. Moi, j'en connais beaucoup des musulmans qui sont limite. Voilà, c'est des Français. Merci. Oui, voilà, le Dahu. L'islam, c'est un peu comme le Dahu. On le cherche, on le trouve jamais. Parce qu'à chaque fois qu'on dit, on nous dit, ça, c'est pas l'islam, lui, il est pas musulman, etc., etc. En fait, finalement, ce n'est jamais le bon. Et on ne sait pas qui est le bon. Déjà, moi, personnellement, je ne jugerais personne, déjà. Et je dirais jamais, ouais, lui, il est pas musulman, lui, il est musulman, quoi. Déjà, dans l'islam, déjà, juste le fait de juger les gens. Mauvais musulmans, quoi, déjà, c'est déjà nous dans notre religion, déjà, c'est pas bien de juger quelqu'un, lui, il est chrétien. C'est ce que j'ai dit islamiquement, mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, on a dit que c'est pas bien. Voilà, bah justement, ça, c'est pas bien de juger les gens, mais après, moi, personnellement, je parle de mon cas. Ma religion, je marierais avec une Française qui mange du porc. Une Française qui mange du porc, bah, moi, j'ai deux sœurs qui sont mariées avec des Français. Elles sont converties ou pas? Non, peut-être pas. Non. Toi, tu te marierais avec une Française qui... T'es un mec cool, en fait. Toi, t'es un mec cool. T'es un mec bien. T'es un mec sympa. Et non, voilà, attends. Moi, personnellement, je suis musulman, mais voilà, ma religion, elle regarde personne. Je le fais chez moi, et je fais ma religion chez moi, basta. Maintenant, le truc, c'est que, voilà, dans la religion, il est interdit de boire ou de faire ci ou de manger du porc. Je le fais pas. Voilà. Après, c'est ma religion. Basta. C'est tout. C'est comme un athée qui croit en rien ou un juif qui donc, t'aurais une femme qui mangerait du porc, tu dirais rien. Non, mais une femme qui mange du porc, si moi on me l'interdit, je vais dire à ma femme de pas en manger aussi. C'est normal. Française. Soyez pas, c'est un truc normal. Mais voilà, elle restera libre. Si elle veut pas porter le foulard, elle le porte pas. Mais elle aura pas le droit de manger de porc. Ah ouais, c'est normal. Si c'est interdit en islam, je vais pas lui dire mange du porc alors que je sais que c'est interdit. Elle a le droit de manger du porc. Comment? Si elle est chrétienne, elle a le droit de manger du porc. Bah déjà, le porc, c'est pas que des chrétiens qui mangent le porc. La chrétienté, le porc. Femme française, tu lui interdiras de manger du porc? Ben non, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Et que la contradiction, elle est que si démographiquement la pression, à la fois de la pression migratoire, à la fois des naissances et des conversions, la France et l'Europe de l'Ouest deviennent musulmanes. Toi, par exemple, quelle est ta position? Est-ce que tu trouves ça bien ou pas bien? Ou est-ce que tu penses, au contraire, si c'est pas bien, qu'il faut le freiner? Ou alors, si c'est bien, qu'il faut l'encourager? Que l'Europe devienne musulmane ou que la France devienne musulmane? Oui, parce que le phénomène français, de toute façon, il est généralisé, il est européen de l'Ouest. Ah, bah moi, pour moi, la France, c'est chrétien, donc ça doit rester chrétien. Donc, tu penses qu'il faut freiner l'islamisation, alors? Freiner l'islamisation, bah ouais, essayer de pas trop faire encore des mosquées, faire encore venir des immigrés, faire encore venir ça. Tu comprends bien que ce discours-là, les musulmans, ils y sont hostiles. Parce que quand tu leur dis « je vais freiner les mosquées », ils te traitent de raciste. Il suffit que je vois les réactions de certains musulmans sur le chat depuis tout à l'heure. Ils sont en train de m'insulter, moi et Véro, parce que on ose dénoncer l'islamisation. Alors que j'ai insulté personne. Alors je t'ose même pas te dire, si j'étais un homme politique et je passais dans les grandes chaînes de télé pour expliquer qu'il faut arrêter de construire des mosquées, les 10 personnes là que j'ai sur le chat, tu les multiplierais par 10 millions et elles seraient devant ma... Non mais on a assez des mosquées. Je pense que tout le monde vit sa religion sainement en France. Il y en a qui vont à la mosquée. Je veux dire, voilà, il n'y a pas des pénuries de mosquées. J'ai pas dit ça. Mais ça, c'est pas le problème. C'est pas un problème qu'il y ait une pénurie de mosquées. Et d'ailleurs, tu dis ça, mais moi, quand j'écoute les principaux acteurs musulmans, ils te disent qu'il y a une pénurie de mosquées, puisque à chaque attentat, ce sont les mêmes, même des tarés kobrou, qui viennent te dire, s'il y a des attentats, c'est parce qu'il n'y a pas assez de mosquées, il n'y a pas assez d'islamisation. C'est comme l'Union Européenne avec les européistes, si ça fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et ben là, c'est pareil. Mais c'est pas ça, déjà, il faut former les imams, déjà, c'est le béaba, déjà. Ouais, mais moi, j'en veux pas chez moi, tu vois. Le problème, c'est que je veux pas de ça chez moi. Oui, mais ça, c'est ton problème. Après, Ouais, mais si la majorité des Français, beaucoup de Français pensent comme elle, tu dis, c'est son problème. Mais Véronique, elle est quand même symbole de plein de gens qui pensent comme ça. Tu leur dis quoi à ces gens-là? Justement, tu vois, la contradiction, la traite musulman et patriote, tu vois, que ça va s'arrêter à la porte des gens comme ça. Ben alors, dans ces cas-là, il faut fermer les synagogues, il faut fermer, tous les lieux. Bon, enfin, oui, mais les synagogues, les synagogues, il y en a très peu. Je vis au Caire. Il y a combien de juifs en France? Il y en a 400 000. S'il vous plaît. Calmons-nous. Non, mais je veux dire, c'est pas comparable. C'est quand même pas comparable. On va dire. Je ne peux pas dire que le nombre de juifs et le nombre de synagogues soient comparables au nombre de musulmans et au nombre de synagogues. C'est absolument pas comparable. C'est normal, mais après, les musulmans, ils ne sont pas venus depuis... Bon, si je peux en placer une, si ça ne vous embête pas. Je suis juste, juste au passage. Bon, je vous remercie. Ouais. Merci, Armel, en tout cas, pour tes... Désolé, en tout cas, si... parce que là, c'est vrai que ça peut ressembler un petit peu à une séance de pugilat, mais bon, c'est pas l'objet, exactement, il faut rester ouvert, c'est juste qu'on cherche à comprendre, et moi du coup, j'ai juste deux questions, je vais te poser. Alors juste avant que tu poses tes questions à l'assaut, je fais une petite précision, il nous reste 10 minutes, parce qu'après j'ai plus l'enregistrement sur la bande, donc on va être obligé de rendre l'antenne, okay. Ok, précisons aussi que de toute façon, la discussion continue évidemment sur le Discord après, pour ceux qui sont chauds. Ok, donc moi j'ai juste deux petites réflexions à te soumettre, entre guillemets, RML. C'est la première, c'est un peu pour revenir sur ce qui a été dit déjà au cours du débat ce soir, c'était, alors admettons, dans un cas parfaitement hypothétique, qu'il y ait un conflit militaire entre ton pays d'origine et la France, quelle serait ta réaction en fait? Comment tu réagirais face à ça? Et là, bon, la question de la religion est un peu mise de côté, mais n'empêche, enfin, comment tu réagirais face à ça? Et puis ensuite, j'aurais juste une autre petite question à te poser. Moi, personnellement, je ne mourrai pas, tout simplement. Tu dis, pardon? Moi, personnellement, je ne mourrai pas. Ah, bah oui, donc voilà. Alors, est-ce que tu peux... Alors, du coup, j'ai deux... Petite sous-question, c'est est-ce que tu peux comprendre que ce fait-là de d'essayer de rester neutre ou de pas te mouiller, etc., mais ça peut être pris non, mais je comprends, mais ça peut être pris pour une espèce de trahison, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, Bah, des deux pays, oui. Ouais, bah, ça fait un double, ça ferait toi un double traître. Bah, je m'en fous, très bien. Je suis un traître. D'accord. Non, mais c'est juste une question. Après, je pense pas qu'il y a plein de gens. La guerre, moi, c'est tout. Il y a plein de gens qui auraient des réponses différentes, mais en tout cas, bon, voilà, c'est, oui, je voulais te demander ça. Alors, et l'autre truc que je voulais te demander, c'est est-ce que toi, en tant que musulman, t'es quand même capable de reconnaître que le fait des incivilités, enfin la majorité du fait des incivilités, de la petite délinquance quotidienne, en fait, c'est celle qui touche le plus au quotidien les gens, les Français en général, c'est beaucoup le fait de l'immigration. Alors, j'ai bien aimé, effectivement, je crois que c'est Sauze qui mentionnait un argument intéressant qui est celui que il y a d'autres influences qui pèsent sur les jeunes de quartier, de banlieue, etc., les délinquants. Mais est-ce que tu es capable quand même de reconnaître que c'est beaucoup, beaucoup, en grande quantité, le fait de personnes de confession musulmane, en tout cas d'immigrés, quoi? Alors déjà, dans un premier temps, il y a une question qui ne vaut pas du tout mettre de côté. Une question principale, c'est l'éducation. Le fait, l'éducation, c'est normal que quand une famille d'immigrés fait 8 enfants, elle ne va pas les éduquer de la même manière qu'une personne qui fait 2 enfants, quoi. Voilà. Là, donc c'est plus compliqué pour l'éducation, et c'est normal que les jeunes sortent entre guillemets soit délinquants, soit je ne sais pas quel autre truc. Mais voilà, c'est l'éducation déjà. On peut pas tout mettre sur l'islam. C'est l'éducation, de vivre dans des quartiers aussi qui jouent. C'est, enfin, il n'y a pas que l'islam. Ouais, mais pardon, excuse-moi, Ren. À un moment donné, t'es obligé de faire des points communs, quand même. C'est-à-dire que nous dire que tout ça n'a pas de rapport, alors que on constate les mêmes phénomènes sur tout le territoire et à l'international, avec, parce qu'au début, moi aussi, on a voulu me sortir ce coup de l'ethnie. Or, les ethnies, on le sait très bien. Par exemple, en Suède, ce ne sont pas les mêmes ethnies musulmanes qu'en Angleterre, qu'en France, qu'en Allemagne. Et pourtant, les problèmes sont les mêmes. Mais attendez, par exemple, à Los Angeles, c'est des Mexicains, et ils sont chrétiens. Ils sont pas musulmans. Il y a beaucoup de Mexicains dans les prisons. Ouais. Est-ce qu'ils sont musulmans? Ouais. Non. Voilà, non. Il y a plein de délinquants dans d'autres pays qui sont pas musulmans. Oui, mais alors, en gros, t'es en train de me dire, ah oui, mais regarde, il y a des pays aussi où les gens ne sont pas intégrés, veulent pas s'intégrer, donc nous, on a le droit de pas s'intégrer. Non. Moi, là, pour le coup, puisque, tu vois, on pourrait parler des Mexicains et trouver les causes de cette non-intégration. Et je pense qu'il y a des parallèles intéressants à faire, justement, avec ce qui se passe ici. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a vu, par exemple, regarde ce qui s'est passé, à Munich l'année dernière et dans les grandes villes allemandes, à Vienne aussi, en Autriche, où il y a eu des viols collectifs de gens, etc. Ça, c'est un phénomène qu'on a vu fait par des musulmans. Ça s'est pas sorti de l'imagination des gens ou du fantasme des gens. Et nous dire que ça n'a pas de rapport avec l'islam, alors que ces mêmes faits, on les a constatés au Caire, on les a constatés dans d'autres villes. Oui, mais parce que vous prenez à la lettre le fait qu'ils sont musulmans. Vous avez regardé BFM, ils ont été décrits comme musulmans. Donc vous voulez. Je trouve que tu exonères facilement, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des points communs, et à chaque fois tu dégages l'argument. En fait, justement, c'est interdit de violer. Donc tu peux pas me dire que un musulman est... Ah non, t'as le droit de violer des infidèles. Dans l'islam? Ah oui. Ah oui. Le verset, s'il vous plaît. Absolument. Ah ben, je suis désolé. Ah ben, sortez-moi. Quand c'est marqué que tu as le droit d'avoir des rapports sexuels avec une esclave. Les prises de guerre. Non, mais arrêtez. Les prises de guerre. Mais ça, c'est dans les hadiths, je crois. Mais attends, quand t'as un ami ramadan, je te l'ai dit tout à l'heure, qui te dit une femme non voilée est une pièce de 2 euros. Et il est pas le seul à penser comme ça. Il y en a beaucoup. Est-ce que je peux juste répondre? Parce que, attends, pardon. De moi, mais en France, en Allemagne, en Italie, etc., c'est pas les femmes voilées qui se font violer. Ouais, et en Arabie Saoudite, c'est pas les femmes voilées aussi qui se font violer. Il y a des femmes voilées qui se font violer en Arabie Saoudite. Vous le savez ou pas? Il n'y a que des femmes voilées en Arabie Saoudite. Et, non, mais pour les chrétiens, pour le coup, il n'y a que ça. Ouais. Oui, non, mais pour vous dire qu'il y a des femmes voilées qui se font violer et qui se font violer aussi. Il n'y a pas que donc en fait, c'est normal. On s'y habitue, quoi. Voilà, c'est normal. Il y a des chiens comme Fourniret, comme Mardutroux, qui sont chrétiens et qui violent. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas que des. Ouais, mais alors ça, c'est du relativisme. Parce qu'on va dire, ah ben oui, non, regarde, vous allez me comparer, tu vois, ouais, l'autre, il a violé, donc moi, j'ai le droit de violer. Mais moi, ce que j'observe, c'est que ce phénomène du tarouche, parce que c'est de ça dont on parle, on ne l'observe pas dans les pays chrétiens, dans les pays bouddhistes, dans les pays, dans d'autres pays. Ça se passe par le fait de musulmans. Vous ne pouvez pas se disculper, en fait, de ce. Alors, t'es pas, regarde, le pays où il y a le plus de musulmans au monde, c'est quel pays? C'est l'Indonésie. L'Indonésie. Alors, est-ce qu'il y a des viols? Est-ce qu'il y a des délinquants? Est-ce qu'il y a des problèmes comme ça? Je sais pas. Je connais pas toute la sociologie de l'Indonésie, tu vois. Moi, j'y suis allé l'année dernière et je peux te dire que tu es sur ton scooter dehors et aller manger à 3 km, ton scooter, il reste là. Ta voiture, elle reste là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ma femme, personnellement, elle porte pas le voile. Elle était... en mode maillot, tout ça, tranquille. Mais ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Musulmans, mais comment Il y a des milliers d'îles. Et non, en plus, tu me dis ça. Mais l'année dernière, je te le dis, en Indonésie, le maire de Jakarta, donc une grande ville du pays, la capitale, il a juste déclaré que les musulmans n'étaient pas obligés de voter pour un homme politique musulman. Il avait 300 000 personnes dans la rue qui demandaient sa tête. Mais il y a combien d'habitants en Indonésie sur 300 000 personnes? Ouais, c'est assez bon symbolique. C'est-à-dire que là, bah, on nous présente un islam des Lumières ou je ne sais quoi, d'un islam très modéré. On voit que dans le fond, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Non, mais t'es pas. Franchement, je suis d'accord avec toi sur certaines choses. Il n'y a pas de souci. Mais là, franchement, c'est vraiment diaboliser l'islam et vouloir taper sur l'islam. Parce qu'en Indonésie, ils sont une majorité de musulmans et je peux te dire qu'ils sont droits. Il n'y a pas de, parce qu'en fait, en France, le problème, la traduction de l'islam qu'on a, elle est pas saine comme en Indonésie ou comme en Asie ou comme dans les pays musulmans d'Asie. Là-bas, ils sont respectueux, ils filent droit. Il n'y a pas de problème avec ça. En Asie, en France, c'est autre chose parce que c'est des immigrés. C'est qu'en Indonésie, tu sais, il y a des groupes terroristes comme partout ailleurs, comme aux Philippines, comme je vois ce qui se passe au Pakistan. Pardonne-moi, mais les minorités sont pourchassées, les chrétiens, on vient les enlever dans les rues, etc. C'est pas terrible quand même le bilan de l'Asie. Le pays où il y a le plus de musulmans au monde. Je parle pas de l'Asie, là, je te parle du monde. C'est-à-dire que l'Indonésie. Ouais, bah, l'Indonésie, ouais, mais l'Indonésie, il se passe plein de choses, c'est ce que je te dis. Ouais, mais c'est un pays qui est forcément le pays que tu nous parles. C'est un pays resté très. Répondre limite aussi, l'Indonésie. Hein. Comment? Il faut reconnaître quand même l'influence de l'islam wahhabite arabo-arabe, quoi. Sur le monde musulman, et effectivement, par exemple, l'islam, je ne sais pas si tu connais Hermel, l'islam mutazilite n'existe plus. L'islam de Averroès, etc., un islam un peu plus occidentalisé, ça n'existe quasiment plus. Et il faut reconnaître cette influence-là de par le monde, mais faut aussi avoir l'intelligence de comprendre d'où ça vient aussi. Et moi, déjà, là, avec. Ces gens-là, au niveau géopolitique, on les a laissés ça. Non mais déjà en Indonésie, là ce que je vois, crève de faim, quoi, là, ça c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, en Indonésie, moi j'ai vu de mes propres yeux, je suis allé à Bali, j'ai vu des musulmans jouer avec des hindous, jouer avec des bouddhistes. Enfin, c'est vraiment. J'ai vu des femmes voilées rentrer dans des temples, visiter les temples. J'ai vu, franchement, qui sont vraiment ouverts et tolérants. C'est pas du tout le même message. Moi, je te dis... Je pense que notre tolérance... Parce que c'est une ville très touristique. Ça n'a rien à voir avec l'Indonésie. Elle a des limites. La tolérance, elle a des limites. Ouais, j'ai eu le temps de voir ce qu'il faut. J'ai bien fait le tour et je peux te dire qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment... Ils sont vraiment ouverts, voilà, vraiment tolérants. Pour sortir juste un peu des petites anecdotes, je crois qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Topa, tu nous dis quand. Confirme qu'il reste très peu de temps. Il reste 2 minutes. Voilà. Donc juste pour sortir, les gars, vous avez 2 minutes. Je vais faire sur l'Indonésie ou pas? Genre ma conclusion, et on va juste faire un dernier tour de conclusion, d'accord? Moi, je fais rapidement la mienne, on va le faire dans l'ordre. Donc, juste simplement, moi, pour sortir des petites anecdotes de chacun, des personnels, etc. Moi, il y a un truc, par exemple, voilà, je vous présente juste une statistique et qui est pour le coup officielle, hein, qui est de l'INSEE et qui est dans les rapports qu'ils font annuels sur l'immigration. Et il y a une statistique qui me frappe toujours, et je trouve ça franchement personnellement assez malheureux, mais bon, c'est le cas. Donc c'est celle de la réussite scolaire des gens qui décrochent de l'école, etc. Et là, pour le coup, on a des chiffres en fonction des ethnies et des origines, en fait. Enfin, pas des ethnies à proprement parler, mais des origines. Et ce qui est frappant, c'est que en termes de réussite scolaire et de décrochage scolaire, les plus mal lotis, en fait, c'est systématiquement dans les rapports les gens d'origine africaine et des gens d'origine turque. Alors que, en comparaison, quand on regarde l'immigration qui vient d'Europe et qui vient d'Asie, les taux, les résultats sont bien, bien, bien meilleurs au-delà. De ce qu'on peut voir. Et bien juste sur cette statistique-là, c'en est une parmi bien d'autres. Je pense que d'autres parleront de criminalité et d'autres choses. Une minute. Voilà, mais juste ça, ça montre bien. Et alors moi, ce que je souhaiterais dire pour conclure, c'est que je suis assez d'accord pour dire que c'est pas forcément uniquement la religion qui a à mettre en cause dans ce problème-là auquel on fait face, mais je pense qu'il y a beaucoup de culturel aussi qui joue. Et si on a des problèmes avec certaines populations, je pense qu'on gagnerait plus à s'attarder sur la provenance culturelle que la provenance religieuse. Ce sera mon mot de la fin et peut-être que la personne suivante pourrait enchaîner rapidement. Alors le débat. Il va falloir se dépêcher les gars parce que là niveau du temps c'est mort. Hein, je préfère vous le dire. Bah écoute, tu peux faire ta conclusion et derrière on continuera juste pour les gens qui restent. D'accord. Bah écoute, là, ça continue vite fait d'enregistrer. Allez, on en prend deux au hasard. RM, So, Takasan. Allez. Et puis Véronique aussi, bien sûr. Bah honneur aux femmes déjà. Alors Véronique. Je pense que l'islam est, contrairement à ce qu'il présente aux yeux du monde, un islam conquérant qui a toujours été un islam conquérant et qui n'est absolument pas compatible avec la culture française, puisqu'on parle de la France, et c'est bien là qu'est le problème. Donc ça, je pense que les chiffres parlent, les chiffres du ministère de l'Intérieur, la fameuse ouverture chrétienne qui accepte tout, moi je pense qu'il faut que ça cesse. Il faut reprendre la souveraineté de notre pays et régler le problème avec cette population. Je ne mets pas tout les musulmans dans le même sac. Contrairement à ce que vous devez croire, vu mes interventions, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont rien à faire ici. On a des gros problèmes économiques, on a des pauvres de plus en plus nombreux, on a un chômage massif, on ne peut plus se permettre d'accueillir toute la misère du monde. Voilà. Merci. Bon. Voilà, allez, prochain, s'il vous plaît, qu'on enchaîne. Je vais bien enchaîner parce que je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire et je pense que voilà l'angle de vue, alors là je vais me faire peut-être bâcher pour conclure là, mais l'angle de vue un peu marxiste est intéressant et un peu socio-économique est intéressant et voilà, c'est tout, l'aspect lutte des classes. En quoi l'immigration c'est aussi un outil du patronat, etc. Je pense que c'est des angles de vue intéressants. Voilà, c'est tout. Divisé pour mieux régner. Ouais. Bon après, moi j'ai eu quelques problèmes au début avec les commentaires que j'ai lus, mais bon, au fur et à mesure, voilà, je pense qu'on peut parler en toute intelligence entre nous, il n'y a pas de souci. Après, moi je pense que un musulman de France, c'est à prendre au cas par cas, ça n'a rien de faire des généralités. Il y en a qui sont nés en France, qui sont très bien avec leur religion. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment sortir ça de votre tête de croire que tous les musulmans ou il y a un ogre musulman qui va venir tout vous manger, c'est n'importe quoi. L'islam en soi, c'est une religion ouverte, tolérante. C'est juste les gens qui la salissent. Maintenant, le truc, c'est que en intelligence, et voilà, il n'y a pas, de problème avec ça. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas de problème étant français, musulman, qu'il y ait des églises, qu'il y ait des chrétiens autour de moi, j'ai aucun souci avec ça. Et encore, la France, elle est chrétienne, elle restera chrétienne, basta. Non, il faut être ouvert, il faut arrêter de toujours être anti-musulman à 100%, voilà. Les musulmans, il y en a des très bons, il y en a des gros fatigués qui disent n'importe quoi, qui prêchent des conneries, comme il y a des chrétiens qui disent n'importe quoi, des rabbins qui disent n'importe quoi, mais voilà, il faut savoir faire la part des choses, parce que là, depuis le début, j'entends des généralités qui m'ont un peu énervé, donc voilà. Et après, voilà, je suis bien, je parle avec vous, je suis ouvert. Merci. Après, c'est du radotement. On radote toujours la même chose. Les musulmans ci, les musulmans ça, les musulmans ci. Alors qu'on mélange les délinquants, les mecs qui sont pas éduqués, les gros fatigués, les mecs qui sont malades mentalement. Attendez, c'est quand même l'islam, c'est une religion. C'est comme si demain, je dis, voilà, tous les violeurs, tous les serial killers, là, le petit qui a tué Maïlis, tout ça, je dis qu'il est chrétien. Bah oui, il est français, il est blanc, oui, il est chrétien. C'est un amalgame, c'est bête, et il faut pas faire ces amalgames-là, il faut rentrer au fond des choses et voir vraiment ce qui se passe. Parce que là, on est en train de tout mélanger. Merci, Armel. D'accord. On va prendre la prochaine parce qu'on est obligé d'enchaîner, les gars. Allez, merci pour la conclusion. Vali Karasmatouf, je sais que tu as quelque chose à dire, j'imagine. Ouais, bon, bah, je veux dire, les musulmans, il y en a des biens, comme tout le monde, et effectivement, bon, la raison, c'est à force de transformer les Maghrébins en musulmans, bah, au lieu de dire les Maghrébins ou les Arabes foutent la merde, on dit les musulmans foutent la merde. C'est un peu vrai aussi, malheureusement, voilà. Et sinon, bah, bonne continuation, je suis ravi du débat, tout le monde a été correct, dans l'ensemble, c'était super, merci les gars. C'était très bien. D'accord. Allez, prochain. Takasan, tu voulais aller un petit mot de conclusion. Juste pour terminer, il y a les exceptions statistiques, peu importe, il y a quand même un truc qui s'appelle la loi des grands nombres. Il y a 20 ans, les musulmans étaient à peu près aussi nombreux que les protestants, ça faisait à peu près 10% de la population. En 2050, les estimations les plus optimistes ou pessimistes, ça dépend comment on voit le terme, parle de plus de 3 millions de musulmans en plus des 10 millions des 8 millions qu'on a maintenant. Donc voilà, ça c'est la réalité. Ensuite, entre un islamiste, pour répondre à RML, entre un islamiste pur et dur et un infidèle, je pense que dans la globalité, il y aura beaucoup, et notamment avec les grands nombres, on trouvera beaucoup, beaucoup de musulmans pour choisir. Bah, je te laisse deviner qui, mais à mon avis, c'est un islamiste. T'as fait toi-même la conception de ton islam, c'est toi qui te l'as fait. Non, Rem, s'il te plaît, il faut faire que tout le monde puisse faire sa conclusion. Non, mais l'islam, c'est l'islam, les musulmans, c'est autre chose. Caras. Allez, conclusion, encore. Allez, vous avez tous eu la parole. Dol, tu veux la parole pour finir ou pas? Tu vite fait, oui, je voudrais... Alors, vas-y, Dol, et moi, je finirai, je conclurai. Je voudrais très vite fait terminer en disant à ceux quand même qui sont bien de pas lâcher parce qu'ils ont entendu certaines choses qui auraient pu les fâcher ce soir, c'est pas d'eux qu'on parlait. Par contre, ceux qui sont mauvais, j'espère qu'ils ont vraiment entendu le message qu'il y a une colère qui maintenant arrive et que la coupe est pleine et qu'il va falloir qu'ils arrêtent parce que là, maintenant, on arrive à la fin d'une époque. D'accord, merci. Alasso, tu veux rajouter quelque chose avant que je finisse? Bah écoute, moi, j'aime bien le message de Dol, donc ouais, tu peux y aller. Ben voilà, ben alors déjà, un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à toi. Je pense que c'était c'est important. Voilà, c'est bien de pouvoir avoir des espaces de discussion où chacun puisse s'exprimer. Et contrairement d'ailleurs à ce qu'on m'a dit dans le chat, tu es fermé d'esprit. Moi, je pense que c'est précisément tout l'inverse. Je suis extrêmement ouvert d'esprit pour pouvoir organiser ce type de débat. Ensuite, ouais. Ce que je voulais rajouter, c'est que pour ma part, je pense que l'islam dépasse le cadre d'une simple religion. Pour moi, c'est une nation, une civilisation qui porte à la fois des codes vestimentaires, des codes alimentaires, une langue, des tabous, des mœurs, toute une structure sociale, un code juridique, etc. Donc c'est complet l'islam, et en soi. Aussi, ça c'est un autre aspect aussi, c'est que justement c'est très incritiquable du point de vue des musulmans pour un non-musulman parce que il y a une forme de sacralité. Donc on le voit bien d'ailleurs, hein, les réactions qu'il y a sur certains sur le chat qui évidemment s'embrouillent, s'emballent. Je tiens aussi d'ailleurs à leur préciser que l'islam n'est pas une race, donc on ne peut pas traiter quelqu'un de raciste lorsqu'il critique l'islam, parce que l'islam n'est pas une race. L'islam, c'est une doctrine ou une civilisation. Et donc, pour le moment, j'estime qu'on a toute sa liberté d'opinion de pouvoir la critiquer, et que c'est même très sain, dans la mesure où aujourd'hui les musulmans sont très nombreux en France, ils ont un poids considérable dans la société, ils ont des revendications, ils ont des aspirations, et donc il est absolument légitime que les non-musulmans puissent s'exprimer et faire part à la fois de leurs doutes, de leurs inquiétudes sur l'exercice et sur la pratique de cette doctrine, qui, à mon sens, que je ne vois pas comme une doctrine tolérante, parce que je n'ai pas d'exemple à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi dans la vie internationale, d'observer une tolérance particulière. Mais bon, ça reste encore un débat ouvert. Et je vous dis, je suis en tout cas moi personnellement pour la liberté d'opinion, l'esprit critique et la liberté d'expression. Merci dans beaucoup. Ce domaine, et surtout justement avec l'islam, même si les musulmans, et je suis désolé, et là je ne sais pas vous faire offense de le dire, beaucoup, majoritairement, n'acceptent aucune critique de ce point de vue-là. Voilà. Mais en tout cas, le débat reste ouvert. Je vous remercie à tous. Merci aussi, voilà, particulièrement aux musulmans qui ont essayé de jouer le jeu, puisque vous étiez quand même un peu minoritaire. Moi, j'aurais aimé que nous soyons plus nombreux. Pour la prochaine fois, en tout cas, c'est très ouvert. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé au débat. Et je vous dirai à la prochaine fois. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.